Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Bonjour à tous, à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, un nouvel épisode du podcast. On a un nouvel épisode justement à vous présenter, un peu spécial parce que c'est bientôt Halloween. Et donc notre question c'est, pourquoi est-ce que les scènes gore, ou le gore en général, fascinent? Alors moi je me suis un peu renseignée et j'ai vu que c'était un peu un rite initiatique de nos ancêtres tribaux, pour lesquels le fait de devenir un homme avec un grand H était associé à des épreuves. Et donc comme on a un peu perdu ça dans notre société moderne, eh ben ce seraient les expériences un peu gore qui pourrait remplacer justement comment devenir un homme. Et donc, ça a fait un peu de bien de voir une bonne petite décapitation pour se forger. En gros, pour forger un homme. Et il y a d'autres théories. Il y en a une où ils disent qu'on s'inflige des scènes gore ou des expériences gore uniquement pour apprécier le soulagement à la fin. Genre, c'est bon, c'est passé, je me sens mieux. Et même les neurobiologistes assurent également que dans notre cerveau, il y a des synapses de la peur qui sont très très proches de ceux du plaisir et que donc l'adrénaline qu'on éprouve est une espèce de jouissance et le spectateur ou alors l'acteur ou le lecteur dans ce cadre assez protecteur en fait se sent bien face à la peur qu'il voit en face de lui ou l'horreur qu'il voit en face de lui. Parce que on regarde rarement, par exemple, l'exorciste dans une ruelle sombre ou au milieu des bois. Et si vous le faites, dites-le nous en commentaire. Sachant que Evie, elle l'a vu dans une église, c'est ça? C'est ça. On peut se mettre dans des situations de fou. C'est sûrement cette espèce de curiosité morbide, malsaine que vous éprouvez tous. C'est grâce à ça que vous avez été attirés par notre épisode du podcast. Mais c'est très sûr. Certainement. Et vous inquiétez pas, on va vous donner matière à vous défouler et vous décharger de toutes vos mauvaises humeurs quotidiennes de la journée, parce que nous aussi on en a vécu et on en a besoin. Tu sais de quoi tu parles. Et ouais, moi je sais de quoi je parle. Alors aujourd'hui du coup, comme d'habitude, on va voir des chroniques différentes. Donc il y a Evie, bonjour Evie. Salut. Qui va nous parler de... littérature. Et donc ton titre aujourd'hui c'est quoi? Et tu es assez fort pour le supporter. Ok. Ces gars, c'est plus fort que toi. Can you handle this? Je parle littérature, moi, d'accord? Excusez-moi, madame! Alors, vous entendez d'autres voix? Celle que vous venez d'entendre, c'est Tristan. Cette belle voix sensuelle et grave. Salut, moi je parle jeux vidéo. Oui. Et ce mois-ci, je vais vous parler de tout ce que j'aurais voulu expliquer à mes parents lorsque j'avais 16 ans. Ok, tu peux t'allonger sur le divan, prendre un mouchoir et nous expliquer tout ça. Ou une chaussette, ça te rappellera des souvenirs d'adolescence. Oh, allez. Ça dérape déjà, ça fait deux minutes. J'ai jamais trop mal. Ok, et donc, la troisième voix que vous avez entendue, non, la quatrième parce que je compte aussi, la quatrième voix c'est... Nono. Ok, Nono. Salut. Salut, de quoi tu parles? Je parle de punk hardcore. Ok, et dans quelle catégorie? Dans la catégorie musique. Ok, ça marche. Et tu t'en prêtes? Ouais, on va casser les gueules. Parce qu'on est des vrais. Et alors moi, parce que je me la joue un peu romantico, c'est, mon titre c'est « Je t'ai dans la peau ». Et voilà, oh. Romantico-gore. Et moi, je parle du coup de la catégorie cinéma. Donc, on va commencer tout de suite, hein? Qu'est-ce oui, que vous en pensez? Ouais, bah allez. Et donc, on commence comme d'habitude par Evie, qui va nous parler de littérature. Littérature, une chronique d'Evie. Imaginez, vous êtes en voiture, dans un bus scolaire ou dans un taxi. Et là, devant vous, il y a un accident. Vous avez plusieurs façons de réagir. Certains vont avoir envie de voir ce qu'il se passe. D'autres moins téméraires vont regarder discrètement, et les derniers vont se détourner de la scène pour faire comme si elle n'existait pas. La littérature d'horreur, et particulièrement le gore, joue sur cette curiosité morbide. Elle parlera bien sûr aux deux premières personnes, les fascinés et les curieux, et laissera de côté les sensibles. Si vous faites partie des deux premières catégories, bienvenue! Et si vous êtes sensible, je suis désolée, mais vous n'allez pas forcément passer un bon moment en notre compagnie aujourd'hui. À moins que vous vous découvriez moins sensible que vous ne le pensiez. Vous êtes prêts? On y va! Les supports sont divers, que ce soit à l'écrit dans un roman ou visuel dans un manga ou une œuvre graphique. Ce qui est intéressant, c'est également les limites des lecteurs. Certains n'auront aucun mal à lire une histoire de gore, mais ne pourront pas lire une œuvre graphique du même genre et inversement. Pour ce qui est des romans, on peut retrouver les prémices du gore dans les thrillers. Le dernier en date que j'ai lu était Echo, de Ingrid De Jour, dans lequel on va vous décrire les scènes de crime en détail. C'est souvent ces passages qui sont gore dans les livres policiers. Les livres d'horreur ne sont pas lésés pour autant. Souvent, le gore se mêle à l'horreur pour vous plonger un peu plus dans les ténèbres. J'en prends pour exemple Horror Store, de Grady Hendrix. L'histoire se passe dans un magasin type Ikea, nommé Orsk, où il se passe beaucoup de choses étranges, et trois employés vont devoir rester une nuit dans ce magasin, et c'est là que tout va déraper. Vous imaginez des objets de torture ? Ce livre vous les dessine et vous donne même une petite explication. Vous soumettre à la panique, à la terreur et au désespoir de la noyade sans jamais vous accorder le soulagement de la mort. Tel est le but de l'élégant Imgalut. Son bain hydrothérapique vous permet de souffrir encore et encore jusqu'à ce que vous soyez entièrement guéri. Bon, pour le moment, je vous parle de lecture soft, mais en moins soft. En thriller, on a bien sûr la saga Millennium de Stieg Larsson, et principalement le premier tome. Dans un autre domaine, j'ai entendu parler du livre American Psycho de Bret Easton Ellis. Celui-ci va nous présenter un serial killer qui va tuer, décapiter, égorger et violer, scène à l'appui. Pour la petite histoire, merci Internet, le livre s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires lors de sa sortie, et l'auteur a même dû faire appel à un garde du corps suite au grand nombre de menaces de mort qu'il a reçues après ça. Donc, lecture pour les plus endurcis. Je reste pour le moment dans la catégorie soft. Pas que le moins soft ne m'attire pas, mais surtout que je n'ai pas le temps de faire toutes les lectures que je souhaiterais. Millennium est dans ma pile à lire, et American Psycho, que j'ai découvert avec mes recherches pour cette chronique, me fait terriblement envie depuis que j'ai lu des avis de lecteurs dessus. On disait quoi déjà ? Curiosité morbide ? Passons au graphique. Pour commencer par quelque chose de très connu, il y a bien sûr The Walking Dead, la BD forcément, scénarisée par Robert Kirkman et dessinée par Tommy Moore, puis Charlie Haldard. Je ne suis pas sûre de vous apprendre grand-chose sur le gore présent dans cette œuvre. On va suivre des personnages qui essayent tant bien que mal de survivre à une apocalypse zombie. J'ai envie de vous parler un peu de Museum de Ryosuke Tomeo. C'est un manga dans lequel on va suivre un tueur en série, mais qui tue de manière particulièrement gore. Un exemple de planche que l'on peut avoir dans ce manga, un homme avec le corps enveloppé dans des bandages et juste le visage découvert. Une pince à écarter dans la bouche et celle-ci remplie de punaises de bureau. On peut prendre aussi pour exemple DeadTube qui va nous présenter un concours dans lequel on peut faire tout ce que l'on souhaite pour avoir le plus de vues possible sur la plateforme. Et seule la personne ayant perdu le concours paiera pour les crimes de tous les autres. Du coup, les meurtres et viols sont monnaie courante. La plume de l'auteur joue énormément. En graphique, c'est également le cas. Le style de dessin peut vous plonger dans l'histoire et vous en faire sortir. Et dans le gore, cela a une très grande importance, entre ce que l'on montre ou pas et la manière de le faire. Lorsque certains auteurs ou illustrateurs nous ménagent, d'autres nous donnent tous les détails possibles pour accentuer le réalisme. Plus la scène est exacte, plus nous avons tendance à nous identifier. Et plus nous nous identifions, plus l'impact est fort. Nous pensons toujours que cela ne peut arriver qu'aux autres, et cette phrase nous rassure. Mais c'est également la toute petite possibilité que ce soit nous qui nous faisons frissonner. Cette curiosité morbide nous pousse à vouloir savoir, mais est-on assez fort pour pouvoir le supporter ? Merci Evie pour ta chronique, elle était super intéressante. Et ça me fait penser, du coup, tu as fait une différence entre le roman et le graphique. Oui. Du coup, est-ce que les autres, vous voyez, vous, une différence entre ces deux supports ? Entre le gore littéraire et le gore graphique, c'est ça. Ouais. Déjà la forme, je pense que c'est pas la même, les mêmes procédés quand tu dessines des strips qui tombent sur le sol que quand tu les décris avec des mots. C'est sûr, mais qu'est-ce que tu ressens toi par exemple ? Ah, tu veux dire en termes de ressenti ? Ouais. Est-ce que t'es plus touché par quelque chose qui est décrit comme ça en roman ou est-ce que le visuel ça te perturbe, ça peut te dégoûter Je pense qu'effectivement, je vais être peut-être plus choqué par quelque chose de visuel. Encore que, c'est pas dit en fait. Je pense que dans le texte, tu peux vraiment réussir à créer un sentiment de malaise extrêmement fort, mais c'est peut-être plus difficile. Je pense qu'il faut être vraiment bon pour réussir à faire sentir le côté charnel, le côté poisseux de tout ça. Dans La Route de... Kerouac. Non. Non. C'est sur La Route. Ah oui, John McCarthy. Exactement. Bim. Je vais spoiler un petit peu, je suis désolé. Il y a un passage où les personnages principaux se retrouvent face à un camp d'autres êtres vivants. Donc La Route se passe dans un monde post-apocalyptique où tout le monde crève la faim et erre désespérément dans des États-Unis où il n'y a plus rien qui vit en fait. Et ça fait des jours et des jours qui suivent. Qui savent qu'ils sont suivis par un groupe de personnes, dont une femme enceinte. Et au bout d'un moment, ils tombent sur leur camp qui a été déserté, et tout ce qu'on trouve, c'est les restes d'un bébé embroché. et cuit. Oh. Voilà, donc moi, ce passage-là, dans ma lecture, m'a énormément choqué, à tel point que c'est peut-être le premier truc auquel je pense quand je repense à ce livre, et qui, enfin, je me rappelle, j'ai eu la nausée en le lisant, vraiment, j'étais pas bien. Et j'ai rarement ressenti un tel niveau d'intensité, que ce soit en lecture de BD ou de littérature. Parce que Berserk, c'est quand même un manga qui est hyper choquant, qui peut être très très gore. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas ressenti les mêmes choses qu'un livre que j'avais lu. Bon, par contre, je ne pourrais pas vous retrouver le nom parce que j'étais adolescente. Et c'était écrit par un japonais. Et c'était des prostituées tuées. Et en fait, t'étais vraiment dans la peau du tueur et tu le suivais, quoi. Et vraiment, tout était décrit en détail. Et je pense que dans le livre, eh ben, tu peux avoir, par exemple, la description d'odeur, de choses comme ça. Chose que ben, tu peux pas vraiment la voir dans du graphique, ou du moins, c'est rare que ce soit aussi prononcé dans la description. Et en fait, la lecture, pour moi, favorise l'imagination. Et du coup, tu imagines ça forcément pire que ce que c'est. Alors que quand c'est dessiné, on t'impose un peu une image gore qui existe déjà. Mmh. Ouais, c'est vrai que du coup, ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. le côté texte t'oblige à développer ton imagination, et c'est tes propres images mentales qui font tout le travail. Et tes propres peurs. Mais par contre, l'aspect graphique a une puissance directe. C'est-à-dire que l'image, elle est directement devant toi. Mm. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour t'imaginer la chose et pour avoir sentir du dégoût, de la peur, de l'horreur. Plus du dégoût. Pour moi, le gore, ça suscite plus du dégoût que de la peur, vraiment. Bah, je pense que le principe, en fait, de tout ce qui est graphique, c'est comme tu le dis, que c'est très immédiat. Mm-hmm. Mais tu peux aussi, entre guillemets, plus facilement t'en détacher. Tu vois, tu vas plus facilement pouvoir cligner des yeux ou tourner la page vite fait. Alors que le texte, t'es presque un petit peu obligé, ou au moins, tu sais, de lire en diagonale pour trouver le passage après. Mmh. Et du coup, ça s'inscrit plus longtemps, je trouve, en toi, en tout cas dans tes souvenirs, quand c'est de la lecture. Enfin, en tout cas, pour moi. C'est marrant parce que du coup, moi, j'étais en train de penser, avant que tu dises ça, je me disais que, justement, le graphique, ben, tu pouvais pas détourner les yeux. Genre, bah, en fait, t'as la page en face de toi, tu vois. Alors qu'un truc écrit qui te choque un peu, tu peux te dire, bon, bah, je lis vite fait. Et c'est très rare que tu vas relire une phrase. Alors que l'image, tu peux tout à fait retourner l'image et la revoir encore plusieurs fois, tu vois. Mm. Et je pense que du coup, je sais pas, en fait, ça doit dépendre des gens. Mais alors, est-ce que... c'est intéressant ce que t'as dit, Evie. Est-ce que quelque chose que tu lis se grave plus intensément dans ta mémoire que quelque chose que tu vois? C'est une bonne question, ça. Je n'ai pas d'élément de réponse pour le coup, mais... Moi, c'est pas impossible, effectivement. Parce que, Evie, tu parlais de Millennium. Ouais. Il s'avère que je les ai lus, que j'ai vu les films américains, que j'ai vu la mini-série suédoise, danoise, je sais plus, scandinave. Effectivement, il y a une scène... Est-ce que je spoil pas? Oh, vas-y, hein. On passe après dans le podcast. Ouais, le 1, tout le monde l'a vu, le 2 va sortir en film. Bah, sinon, passer de quelques minutes. Et puis, bon, après, c'est pas hyper gore, mais c'est Lindsay qui. Lisbeth. Qui retrouve son violeur et qui, du coup, le torture un peu et lui inscrit Je suis un gros porc avec un truc de tatouage et tout, ça gicle. Je me souviens plus ce que ça donne dans le film, en fait. Mais je sais qu'elle le fait pendant le bouquin, ça m'a dans bien marqué. Dans le film, elle le fait aussi parce que je l'ai vu. Mais moi, ça m'avait marqué, hein, dans le film, dans la version justement scandinave, ça m'avait marqué. Après, ça m'a pas dégoûté, ça m'a marqué. Juste. C'est déjà pas mal, hein, ceci étant dit. Ouais. Enfin, c'est-à-dire qu'elle lui enfonce quand même un god à coup de pied. On va arrêter de. C'est vrai qu'il fait aussi ça, de trop spoiler. Oui. Pardon. Là, c'est du coup, c'est plus vraiment moi, du gore, enfin, c'est une violence. Ah oui, où est-ce qu'on pose la limite du gore? Parce que pour moi, cette scène, elle est très violente. Mais elle est pas très gore, elle est juste un peu gore, tu vois. Pour moi, gore, c'est sang, quoi. D'accord. A priori, le gore est une catégorie de l'horreur, d'après les recherches que j'ai faites. Donc, c'est vraiment, enfin, la violence, c'est presque un truc à part. Mm-hmm. Parce que tu peux avoir de l'horreur violente ou des choses comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui va provoquer un dégoût fort ou vraiment un sentiment très intense de peur ou des choses comme ça. Presque où t'as l'impression que ta vie est en jeu. Mm. Moi, j'ai l'impression, en tout cas. Alors moi, personnellement, je suis une gigantesque flippette. C'est-à-dire que même une prise de sang, j'ai très très peur, en fait. Mais en fait, là où je balise vraiment plus ma race, c'est des films qui sont pas gore, mais qui se veulent réalistes. Mm. Par exemple, je vais spoiler à nouveau. Bon, c'est le titre d'abord. Gone Girl. Ah oui. Donc Goon Girl, où un mec se fait salement égorger avec le sang qui gicle et les trucs bien sympas comme ça. Et ce mec-là, c'est Neil Patrick Harris. J'ai flippé ma mère. Mais de ouf. Mais si à côté... Ah ouais, moi j'ai pas pu regarder cette scène, en fait. Mais si à côté, je vais regarder un truc... Je sais pas, moi, genre tout et tout des Mad Movies de... Du FF. C'est tellement ridicule, c'est tellement à fond dans le truc que j'ai pas peur, en fait. Oui, c'est alors qu'il y a beaucoup plus d'hémoglobine. Ouais. Il y a plusieurs façons d'utiliser le gore, je pense. Et pour le coup... je pense que ça se retrouve aussi dans la littérature. Tu vois, par exemple, j'ai en tête une super série de romans, mais non, c'est pas une super série de romans, c'est une série de romans que j'aime bien qui joue beaucoup sur des codes un peu à la Tarantino. Le premier tome s'appelle Le Livre sans nom. Ouais. Ah, non, le premier tome s'appelle La Pierre de Lune, je crois, chose comme ça. C'est écrit par un auteur anonyme. Et c'est des couvertures de livres noirs avec juste un élément en gros plan. J'en ai entendu parler. Et en fait, ça a été publié d'abord sur un forum, puis ça a été remarqué par les éditeurs, et du coup, ils l'ont édité. C'est pas très bien écrit, on peut même dire que c'est franchement mal écrit, en fait. C'est pas un chef-d'œuvre. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est une œuvre d'art. Mais toujours est-il qu'il y a un délire presque visuel... C'est que du texte, hein. Vraiment à la Tarantino, vraiment aux effets gore que peut mettre Tarantino, tu vois, qui est totalement assumé. Et là, pour le coup, les éclaboussures de sang qui tapissent les murs et tout, ou à la surenchère de ouf, là, ça ne fait pas peur, ça ne propose pas de dégoût ou quoi, mais au contraire, il y a un côté vraiment jouissif. Alors que pour le coup, une scène de Millennium, je pense que... Enfin, je n'ai pas lu Millennium, mais je pense qu'à la lecture, ça doit être assez malsain, quoi. Justement, par rapport à ce que vous disiez, c'est quoi vos limites en termes de gore? C'est-à-dire, je sais pas, est-ce que le viol, vous pouvez pas supporter, vraiment de voir... Non mais un viol gore, du coup, ça existe, du coup, je pense. Ouais, ou des scènes sur des enfants. Voilà. En graphique ou en lecture. Hein. Ou même une goutte de sang vous fait peut-être frémir, tu vois, je sais pas. Bah Nono, du coup, on sait. Oh, quand même pas à ce point-là, je peux voir un peu. Finalement. Ça dépend, en fait. Si c'est dans la surenchère, ça va, en fait, parce que tu dis c'est tellement gros, tu sais que c'est juste du faux sang, en fait. Et t'as des limites ou pas, là? Bah, dès que ça se veut vraiment réaliste, en fait. Ah ouais? Non, et quand c'est vraiment surenchère, enfin, après, je peux pas regarder des trucs vraiment, vraiment gore, je pense. Oui, dans l'idée où ça pourrait réellement arriver. Parce que si on te coupe la tête et que, du coup, là, il y a 20 litres de sang qui sort, tu sens qu'il y a un truc. Oui. Mais si il y a 1,5 litre, tu te dis... Ah, c'est peut-être un peu vrai. Oui, mais au même doigt, voilà, effectivement, un truc de torture, je peux pas. Il y a plein de choses, effectivement, je peux pas regarder, quoi. C'est si c'est bien fait, du coup. Ouais, c'est un peu ça, voilà, ouais. Mais après, tout ce qui est vraiment trop torture, tout comme ça, je peux pas, moi. Ça me fait trop flipper. Moi, je te rejoins pas mal là-dessus. Pas dans le sens où ça me fait trop flipper ou pas flipper, mais là, plutôt dans le sens où je pense que ça dépend énormément du contexte, en fait. En soi, une scène gore ne me dérange pas. Genre là, d'un coup, tu me balances une scène gore avec beaucoup de surenchères et tout, bah, ça va pas me déranger. Par contre, si t'as créé tout un contexte ultra malsain, ultra flippant autour, angoissant et tout, et que d'un coup, tu mets une scène bien trash, elle va appuyer tout ce propos et du coup, elle va être dure. Exemple, alors du coup, c'est un exemple un film, mais Massacre à la tronçonneuse, il y a des scènes qui sont assez trashouilles, quoi. Mais en fait... elles sont horribles parce que tout le film te met dans un état où tu as du mal à respirer tellement c'est dur, quoi. Et là, ça marche. Par contre, Saw, par exemple, qui... t'attends presque de voir comment ils vont mourir en rigolant. Bon, il est classé dans le gore, je crois. Peut-être dans les exemples. Saw, ça me fait flipper, moi. Dans les exemples, ce serait bien qu'on parle de littérature, du oui, coup. Oui. Qu'on reste dans le thème. Pour le coup, je peux reprendre l'exemple du livre sans... Oui. Le livre sans nom, où, voilà... Pareil, des descriptions extrêmement gore, mais vraiment jouissives, parce qu'en fait, du coup, ça soulignait la puissance des personnages et tout. Ou d'un autre côté, qu'est-ce que j'ai pu lire de gore? Bah là, j'ai lu... Bah du coup, la route. Oui, bah oui, voilà, la route, en fait, où là, bah, le contexte est tellement... Enfin, tout le livre, t'en peux plus. C'est marrant, j'avais donné un autre exemple du même auteur. Ah ouais, Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, que je viens juste de finir. C'est ce qui a donné No Country for Old Men ou rien à voir? Oui, c'est ça. Okay. C'est No Country for Old Men des frères Cohen en version cinéma. Okay. Et donc, il y a des fusillades un peu dans tout le livre. Il y a des scènes assez trash qui m'ont pas... Enfin, c'est pas une limite qui a été franchie pour moi parce que ça allait, mais clairement, j'étais pas du tout dans la même ambiance que dans le livre sans nom, quoi. Ouais, j'étais plus ah oui, ok, quand même, il a perdu tous ses doigts, une partie de son ventre et la moitié de son oreille. C'est pas la même chose. Oui, du coup, pour toi, il y a un peu la distinction entre, enfin, si on prend une scène gore, on va dire, dans un thriller, qui va être un one-shot, on va juste nous expliquer le truc, ça te mettra pas forcément mal à l'aise. Mais si c'est dans un livre d'horreur vraiment où il y a tout le temps et toute l'ambiance à côté, par exemple, là ce sera plus dérangeant. Tu vois. Ouais, tu peux même faire un thriller dérangeant en fait. C'est vraiment, ouais. Pour moi, c'est le contexte, c'est le propos en fait. C'est la façon dont le gore souligne ce propos-là. Mmh. Moi j'avoue que je sais pas trop en fait. Après, j'en ai pas lu énormément. Du coup, en faisant des recherches, la curiosité est arrivée. Alors je résiste parce que je me dis, est-ce que t'as vraiment envie de lire des trucs de psychopathes comme American Psycho avec tous les commentaires qu'il y avait? J'ai failli le commander, hein, vraiment. En écrivant cette chronique, j'ai failli faire une pause pour le commander. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu veux vraiment faire ça? C'est intriguant, en tout cas. C'est ça, ouais. Mais vraiment, il y a des commentaires qui disaient, ah, oh, c'est le pire livre du monde et tout, et ils le conseillaient vraiment à fond. Il a beaucoup polémiqué, ouais. Et il y a eu tellement de polémiques autour et tout, et je me dis, pour que le mec ait eu autant de menaces de mort et de choses comme ça après, tu te dis, il y a un truc dans ce bouquin. Pourquoi il y a eu autant de polémiques? Parce qu'il est très violent et du coup, ouais, il a énormément dérangé, autant qu'il a plu, parce qu'il s'est vraiment vendu, mais de fou. Mais après, il y a eu des réactions hyper violentes sur ce que ça raconte. Et je crois même qu'il a été arrêté d'être édité, puis être réédité après, il me semble. Un truc comme ça. T'es parce fou. Que justement, c'était assez ouf. C'est le seul, non, qui a eu ce... Non. Je pense pas, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément. Mais du coup, c'est vrai que j'ai cette curiosité qui arrive. Après, je ne sais pas si je le supporterai bien ou pas. Après, visuellement, moi, ça me dérange pas forcément parce que je suis adepte de tout ce qui est film d'horreur, de tout ça. Donc, c'est vrai que les visuels ne me choquent pas spécialement et que j'ai lu quelques trucs de Bitlit et il y en a une où elle est, comment on appelle ça, procureur fédéral, un truc comme ça, et elle est souvent amenée sur les scènes de crimes surnaturels et du coup, forcément, on nous les décrit. Donc, c'est vrai que ça me choque plus trop, mais je me dis un truc vraiment poussé dans le gore, peut-être que ça me dérangerait, mais j'avoue que je sais pas encore. C'est un auteur qui est assez sulfureux, ouais. Je crois que j'ai déjà essayé de lire un truc de lui, mais j'arrive pas, il a un style qui est très particulier. Qui ? Bret Easton Ellis, celui qui a écrit American Psycho. Ouais. C'est aussi, voilà, c'est un style d'écriture, quoi. C'est, ouais. Effectivement, c'est trash, ça va droit au but. Oui, il paraît que c'est pas la meilleure écriture du monde non plus, mais oui. C'est utile, c'est une écriture utile, qui sert le propos de son livre, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, ouais, je crois qu'il y a peut-être eu une adaptation de ce bouquin, je sais plus. Je sais pas. Mais American Psycho, c'est ça ? Ouais. Mais moi, ce titre me parle tellement que ouais, soit effectivement il est sorti en film et je l'ai vu, soit j'ai entendu parler du livre. Quoi. Peut-être. Mmh. Est-ce que vous avez eu d'autres lectures, justement, très gore, autre que ce que vous avez déjà cité? Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Bah, après, oui, si, en BD, il y en a toujours des tas. Bah, tu parlais de Berserk, de Lou, Walking Dead, t'en as parlé aussi. Mais pareil, en fait, chaque fois que ça m'a choqué, c'était dans des moments... C'était pas tant la violence visuelle que le moment où ça se passait, quoi. Ouais. Par exemple, ouais, non, faut qu'on arrête de spoiler. Ça fait déjà beaucoup de morts de certains personnages où vraiment je m'y attendais pas, ou alors ça m'a vraiment touché, et qu'en plus c'est fait de façon horrible, et du coup ça rajoute une couche, quoi. Dans les romans graphiques, moi j'ai pas tendance à dégoûter ou à avoir peur, mais plutôt à apprécier le style, tu vois, genre je vais m'arrêter dessus et je vais me dire oh là là c'est bien dessiné, je vais pas me dire oh là là c'est gore, je me sens mal. Oh, c'est bien dessiné ce bout de cervelle là. Ouais, mais c'est vrai, il y a des... non mais je trouve qu'il y a une certaine esthétique du gore en fonction du dessinateur, et en fait je suis plus là à apprécier l'esthétique, justement, plutôt que être dégoûté ou avoir un sentiment nauséeux. D'ailleurs, en parlant d'esthétique du gore, il y a cette fameuse exposition qui a été interdite dans plusieurs pays, un mec qui expose des corps humains écorchés, en fait, et c'est des vrais corps. Et donc là, on est vraiment dans une idée, vraiment, c'est exactement ce que je dis, une esthétique du gore, c'est-à-dire une esthétique de... du corps humain massacré, écorché pour le coup, donc essayer de trouver une beauté dans ce truc extrêmement charnel, quoi. Et ça me fait penser en fait à une exposition, et du coup faisant partie de l'exposition, il y avait une femme qui était là, qui était nue et qui était sur une estrade. Et en fait, il y avait noté, je crois, en dessous, « Faites ce que vous voulez de moi ». Ah oui. Et il y a eu des choses horribles qui s'est passé sur cette femme. mais vraiment horrible, hein, et il me semble qu'ils l'ont violé ou ce genre de choses. Ils l'ont... Je crois que ça s'est arrêté avant quand même. Ouais, bah, je suis pas sûre. Ouais. Oui, ça allait loin. Mais ouais. En tout cas, elle a été violentée, quoi. Mais clairement. C'est sûr. Et c'est fou que les gens l'ont fait, en fait. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Qu'ils se sont dit, puisqu'on m'accorde le droit de le faire, je fais du gore. C'est même pas là, je le regarde, c'est je le fais. Et encore, si, c'est un peu vicieux, parce que je pense qu'il y avait des gens dans la salle qui regardaient. Et ça, c'est... Alors, c'est... J'ai envie de dire, c'est une prouesse artistique, quelque part, parce que je me demande comment cette nana, elle s'en est sortie. Et quelque part, il fallait peut-être que ça existe pour qu'on le voit, pour qu'on voit qu'on puisse faire ça, que l'humain est capable de faire ça, mais je trouve ça vraiment assez fascinant, en fait, enfin, ce genre d'expérience racontée. Bah, surtout que là, il n'y a rien à y gagner en plus derrière. Enfin, c'est juste, on te donne le droit de le faire. Et du coup, tu le fais, quoi. Enfin, ouais. Je veux dire, il n'y avait pas de prix ou quelque chose. Si, peut-être que du coup, tu... Non, pas du tout, mais peut-être que du coup, tu peux lâcher prise des choses qu'il y a en toi, une espèce de noirceur ou une espèce de... Je sais pas, d'émotion négative que tu peux transmettre à cette personne. Bah, c'est possible que si tu sais qu'il n'y a pas de conséquences derrière, tu sais, je veux dire, je pense qu'on a tous eu un jour... envie de faire du mal à quelqu'un et on s'est dit non c'est pas bien ou non tu vois genre je peux pas faire ça et tout et je pense que si tu sais qu'il y a aucune conséquence derrière ben on le ferait peut-être en fait peut-être alors je pense qu'on glisse du gore vers la violence deux concepts différents. mais c'est pas grave c'est intéressant je pense que la notion de conséquence elle est importante en effet à partir du moment où c'est une œuvre d'art. Donc, enfin là, une performance. On est un peu dans le même cas que dans une BD ou un livre. On est dans un espace de l'imaginaire. Alors, sauf que là, le problème, c'est que l'espace de l'imaginaire, il a une conséquence directe sur un vrai corps. Mais cette femme, en faisant ça, elle a forcé quelque part les gens à sortir de la réalité, en les faire rentrer dans la bulle de l'imaginaire, en les faisant rentrer dans sa performance artistique. Et du coup, effectivement, ils sont laissés aller à cette violence-là. Alors, je dis pas que c'est la faute de cette femme, hein, je pense qu'elle a voulu dénoncer quelque chose et elle a bien fait. Elle a fait, en effet, elle a dénoncé. Ce qu'on pense de cette performance, bon, ça se discute. Mais du coup, est-ce que ça sous-entendrait pas finalement que la violence, le penchant vraiment pour la violence, pour la destruction, et notamment pour la destruction de l'autre, destruction de, voire même à travers la destruction de l'autre, c'est peut-être même la destruction de soi, vu que l'autre est un miroir de soi-même, bref. Est-ce que ce penchant pour la destruction, il n'est pas vraiment très fort en nous, peut-être même inné, alors j'aime pas la notion de chose naturelle ou pas, mais peut-être, qui sait. On peut en débattre en tout cas. En tout cas, c'est ce à quoi me fait penser cette. C'est peut-être de la survie. Mais là, pour le coup, ils n'étaient pas en situation de danger ou de survie, tu vois. Ils ont leur dit faites ce que vous voulez, et du coup, ce qui est sorti, ça a été de la violence. Ouais, moi je veux juste rebondir. Enfin, j'ai juste une question avant de rebondir dessus. Est-ce que cette performance était dans un truc global où il y avait déjà de la violence ou des choses gore, ou c'était juste Je ne sais pas. Tu veux dire le contexte autour? Est-ce qu'il y avait un contexte violent? Parce que le contexte a fait que? Parce que je veux dire, enfin, si tu croises quelqu'un juste comme ça et qui dit bah faites ce que vous voulez de moi, pourquoi tu lui fais pas juste un bisou, tu vois? Pourquoi tu vas lui faire du mal? Ça a été fait. Et aussi, du coup, c'est l'idée, tu vois, de ça pousse quand même très loin les gens. Du coup, enfin, peut-être dans la violence, comme tu disais, en fait, est-ce que c'est la première chose qui sort quand on nous laisse faire ce qu'on veut, quoi? Oui, effectivement, je crois pas que ce soit contextuel. Je me souviens de ce dont tu as parlé, Nolou, effectivement, cette performance. Je n'ai plus le nom de la... Moi non plus. Enfin, j'ai une idée, mais je pense pas que ce soit la bonne, du coup, je la garde pour moi, tant qu'à faire. mais je crois pas que ce soit inscrit dans une exposition sur la violence, sur le gore. Et ça rappelle également l'histoire de l'acteur Shia LaBeouf, qui savait un truc un peu similaire en fait. Il a fait aussi une sorte de performance, je crois, où il était assis, il ne bougeait pas, et les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Et je crois qu'il y a une nana qui l'a du coup touché sexuellement, quoi. Ouais. Il en a parlé, il y a un an par là. Et non, je pense que, peu importe le contexte, si l'être humain a la possibilité de faire quelque chose de mal sans avoir de conséquences, il va le faire juste pour voir ce que ça donne ou se faire un petit plaisir. Genre, toucher Shia LaBeouf. C'est quelque chose de mal. S'il n'est pas consentant, oui. Le consentant. Alors moi, j'ai deux hypothèses à cette tendance au mal. La première hypothèse, c'est une hypothèse qui parle de la nature de l'homme. Et la deuxième hypothèse, c'est elle traite plus de la nature de notre société. Et les deux s'opposent. Donc la première, c'est que, en fait, la nature de l'homme, c'est qu'il a un penchant naturel pour la destruction, peut-être même pour le mal, si on dit qu'il y a un bien et un mal, mais en tout cas pour la destruction de ce qui l'entoure, voire même de lui-même. Par exemple, tu me vois une belle, en hiver, une mare qui a gelé, c'est très beau, il y a une fine pellicule de glace. Très souvent, le grand plaisir des enfants, et pas que, c'est de balancer des cailloux pour voir la glace se briser en morceaux. Et voilà, dans un champ de neige, c'est pur, qui est beau, tout ça. Le four fait du bruit tout seul. Dans un champ de... Attends, c'était beau, c'était poétique, il a poum. Donc, c'est pas grave, on va reprendre dans la poésie. Dans un champ de neige qui est pur, qui est beau, tout ça. Un grand plaisir, c'est de se rouler dedans pour faire plein de traces. Et du coup, on brise cette pureté, tu vois. Et donc voilà, est-ce que ça serait pas quelque chose qui est au fond de nous, quoi. Donc là, ça rejoint presque un peu l'idée du péché originel, quelque part. Enfin, on peut partir loin. Et sinon, l'autre hypothèse, c'est qu'en fait, cette violence qu'on fait au moment où on nous dit « bah vas-y, t'as le droit », c'est parce qu'on a un plaisir absolu à faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire d'habitude. Du coup, on a une société qui nous dit « la violence, c'est mal ». Donc du coup, à partir du moment où tu dis « la violence, c'est pas forcément mal », mais go, quoi. Et on le voit notamment, alors j'empiète un peu, mais on le voit notamment dans des jeux vidéo, où, mais on peut aussi le voir dans la littérature ou autre. Dès qu'on propose un cadre virtuel, un cadre de l'imaginaire, où on dit « allez-y, vous pouvez éclater les règles qui sont fixées par la société », on en tire un plaisir très très fort. Du coup, ce dont tu parles également, c'est finalement ce qu'on appelle aussi la catharsis, ouais, dont je parlais précédemment, voilà, qui naît du coup avec le théâtre à la base. C'est un peu voilà, expurger un peu ses passions, ses désirs un peu enfouis. Et là, du coup, bah, le gore permet aussi de faire cette catharsis. Et d'avoir aussi voilà, cette violence refoulée que tu peux enfin un peu extérioriser, quoi. Et du coup, en fait, ce serait... on lirait, par exemple, là, pour parler littérature, on lirait le gore un petit peu pour s'exorciser des envies qu'on aurait, en fait. On a tous, comme je disais, on a tous eu envie un jour, ah, putain, je vais le tuer et tout, j'en peux plus. Et de voir quelqu'un tuer quelqu'un, et ben, ce serait libérateur, en fait, de dire, fou, j'ai sorti toute cette émotion, elle est sur papier ou sur dessin. Et du coup, ce serait bon, quoi. J'aimerais pas être tes collègues. Je t'ai dit que c'était des collègues. On va terminer sur cette phrase. J'aimerais pas être tes collègues. Merci Amy pour cette chronique et merci à vous tous pour ce merveilleux débat. Alors comme vous l'avez vu, hein, d'abord on commence par une lecture et ensuite on suit par un débat tous ensemble. Et la suite c'est Nono. Salut. Sur la partie musique. Musique, une chronique de Nono. Eh oui, donc salut à tous, préparez vos casques et vos protège-dents, car aujourd'hui on parle de violence. Vu que je suis une flippette, je vais pas parler de gore, j'ai un petit peu dévié le sujet. Parce que oui, j'en ai marre de parler d'émotions, maintenant on arrête les conneries, on se met des mandales, parce que l'homme est un loup pour l'homme. Et aujourd'hui on va parler hardcore. Et ça tombe bien, car récemment avec Evie on était à un concert de métal, punk hardcore à la laiterie de Strasbourg, oui. Avec Crossfades, Bloody Off et Normandie, qui sont suédois parce que pourquoi pas. Alors c'est plutôt aux deux premiers que je vais m'intéresser, non pour la qualité musicale car Normandie est également un groupe très sympa, mais plutôt pour une réflexion autour du public. Alors vous êtes sans doute familier avec le concept du pogo. Alors le pogo, pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas, c'est une sorte de danse venue avec le mouvement punk en 1976, consistant basiquement à sauter partout, à peu près en rythme avec la musique, et à se jeter les uns dans les autres. Et tabasser le public. J'y viens après justement. Alors la légende dit que cela viendrait de Sid Vicious, qui était le bassiste des Sex Pistols, qui sautait sur place pour mieux voir les groupes. Alors moi et mon mètre 60, on comprend pas très bien pourquoi toi, Sid, est ton mètre 88 galérier, hein. Mais bon, dans tous les cas, on compatit, hein. Et petit à petit, le pogo a fait des bébés. Parmi eux, on y trouve le moche. Donc c'est le moche, c'est une version améliorée du pogo, on y rajoute les bras qui se balancent un peu partout comme on peut. On a le Circle Pit, où le principe est de courir en rond et on finit par un pogo. Nous avons le Wall of Death, où la foule se sépare en deux et on finit par un pogo. Ça, c'est stylé. C'est plutôt stylé. Ou encore le Crowd Killing. Là où il s'agit juste, eh bien, de se mettre des bonnes beignes. Hein, parce que pourquoi pas. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le pogo se fait souvent avec bienveillance, car on y prend soin des autres. En effet, les groupes, tout en encourageant au Circle Pit et au Wall of Death, rappelle très régulièrement de se soucier les uns des autres et de relever immédiatement la moindre personne qui serait tombée. Il s'agit malgré tout de faire une sorte de fête ensemble. Sauf que c'est une fête où ça crie autant que papa qui se sert de son nouveau smartphone, et ça fait autant de bruit que le neveu qui découvre qu'on peut jeter les jouets en bois. Mais malgré tout, l'idée reste celle d'une certaine cohésion de public et d'une fraternité. Ce qui peut aussi amener à des moments un petit peu rigolos, hein, comme moi qui une fois pogoté avec un mec était en costard 3 pièces, on s'est bien marré. C'est ainsi une pratique qui pourrait paraître violente, mais qui est faite avec bienveillance, malgré ce que cela puisse paraître. Mais bien sûr, les choses ne sont pas parfaites. Tristan pourra témoigner d'être allé avec moi. Il me regarde avec ses yeux de lapin dans un phare. Mais il est une fois allé avec moi dans un concert de punk hardcore à l'Elastic Bar. Oui. L'an dernier. Et on a dû partir parce qu'on craignait de se prendre des mandats de la part d'un mec qui pogotait comme un fou. Je me rappelle même plus. Ah ouais ? Ouais. Jetait ses bras partout. Avec, enfin, les bras et les jambes, en fait. C'est une façon très approximative. On s'est dit, on va s'en prendre une. J'aime pas du tout cette façon de pogoter. Je la trouve hyper relou pour les gens qui sont autour. Voilà, on est d'accord. C'est justement là où je voulais un petit peu revenir. C'est l'espèce de dérive comme ça, où on commence à ne plus considérer les gens qui sont à côté de nous. J'ai mentionné justement à ce propos-là le quad killing. Donc c'est vraiment, voilà, on se marave la tronche. Hein. Avec bienveillance. Avec bienveillance, non mais à ce niveau-là, on n'est plus dans la bienveillance. Hein. Et c'est forcément très critiqué. Parce que l'objectif d'un concert de punk hardcore ou de metalcore ou de metal ou de n'importe quoi, de musique extrême dirons-nous, ne devrait pas pour autant être de se défoncer la tronche. Il y a pour moi quelque chose de la virilité exacerbée. Nous, on est des vrais mecs et on se met des tatanes. Sauf qu'une femme au Canada a été victime de multiples fractures au crâne et de plusieurs dents cassées suite à du quad killing dans un concert. Donc à ce niveau-là, question de bienveillance, soi et soin des autres, vous l'aurez compris, on repassera. Il s'agit également d'une nouvelle façon de faire comprendre aux femmes qu'elles n'ont pas leur place dans les concerts hardcore. Ici, on vient pour se battre, on reste à l'écart à boire du chardonnay. La musique ne semble être qu'accessoire, mais là pour donner un prétexte à cette masculinité toxique. Bien sûr, la plupart du temps, les choses se passent bien, et il n'est pas rare de voir des femmes pogoter dans la plupart des concerts, heureusement d'ailleurs. Mais il faut ainsi se méfier de cette nouvelle arrivée plus violente et plus masculine. Ce n'est pourtant pas là-dessus que se fondent les concerts dans une scène qui est somme toute assez ouverte et inclusive, même si je connais assez peu de groupes hardcore féminins quand j'y réfléchis. Mais Sam Carter, qui est le frontman du groupe Architect, qui est très très cool, a par exemple déjà interrompu un concert, ce qu'il a dénoncé un spectateur qui profitait d'une femme se laisser... porté par la foule, pour la toucher tranquillement sans son consentement. Voilà, hein. Du coup, il a interrompu, il a commencé à engueuler le mec assez salement, ce qui peut se comprendre. Donc, je retire peut-être ce que je disais. Peut-être qu'on n'est pas totalement des bourrins, peut-être qu'on aime juste se jeter les uns contre les autres parce que ça nous éclate et que ça défoule. Mais je mets la limite, là où au lieu de s'éclater, on éclate les autres. Parce que la musique violente, franchement, c'est cool, moi j'aime bien, j'ai rien contre. Mais ça serait bien urbain, si je pouvais ne pas me prendre une baigne au passage. Voilà. Ça serait bien urbain. Merci, cordialement. Merci, Nana. De rien. C'était super intéressant. Et d'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu entendre, certains d'entre vous ont déjà fait du pogo. Oui. Moi, j'aime bien le pogo. Alors, Tristan, pourquoi tu aimes bien le pogo ? Ben, parce que, basiquement, éclater la tronche de... Tu sens l'air viril. Voilà, je suis un homme viril. Non, je sais pas pourquoi j'aime ça. J'aime bien toute l'énergie en fait qu'il y a dans ce genre de concert. Donc c'est sûr que c'est pas un concert de comment ils appellent les deux bisounours, là, le frère et la sœur. Nicolas Paprodel. Non. tu sais. Angus et Julia Stone. Ouais, voilà. C'est pas un concert de Angus et Julia Stone qu'on va. Qu'on va faire en pogo, généralement, c'est plus un truc qui bouge bien. Et du coup, t'as une espèce d'énergie, là, comme ça, qui te prend, qui sort quand tu chantes, quand tu cries, quand tu sautes sur place. Mais le pogo, c'est un moment où tu l'exprimes tous ensemble, en se bousculant. Et finalement, c'est juste du bousculer. Donc, c'est un peu, tu sais, c'est un peu la bagarre. Quand on était petit et qu'on se bagarrait et que ça n'avait pas de conséquences. On revient sur le pas de conséquences dont on parlait tout à l'heure. C'est la bagarre, quoi. On revient aussi sur l'espèce de virilité masculine, non ? Pas tant, parce que... j'imagine que forcément, ça, vu notre société, ça revient. Mais dans un monde parfait, on pourrait faire des pogos sans qu'il y ait une question de virilité derrière. C'est juste le plaisir de se sauter dessus, de se pousser, de communiquer cette énergie, de faire en sorte que cette énergie elle rencontre celle de l'autre en opposition et sans volonté derrière de faire du mal. Comme disait Nono, il y a cette sorte de bienveillance où quand t'es en train de pogoter, tu vois quelqu'un qui tombe ou qui se fait mal, vite tu le relèves, voire même tu les mets à l'écart, tu t'assures que la personne va bien. Et si tout le monde pouvait avoir cette civilité dans les concerts, ce serait cool. Bah, moi, du coup, j'étais avec Nono à ce concert et c'est vrai que bah, malheureusement, on n'a pas pu participer. Alors, Nono, je ne sais pas trop pourquoi tu l'as pas trop fait. Après, tu étais un peu au bord. Moi, c'est vrai que je venais de me faire percer, donc concrètement, c'était un peu risqué pour moi, dans le doute. Mais c'est vrai que moi, j'avais un peu cette frustration de ne pas pouvoir y aller, en fait, parce que c'est vraiment, il y a ce déferlement d'énergie, c'est vraiment ce que t'en parles. Ouais, j'étais vraiment à la limite du truc et du coup, je l'ai regardé et tu sentais l'énergie qui s'en dégageait. Et moi, j'avais déjà fait alors, des pogo dits normaux, en fait, et un Wall of Death. Et on m'a expliqué après, genre, si la foule se sépare en deux, tu te barres vite. Et en fait, non, c'était trop bien. Et j'avais jamais fait le truc en haut. Et, Circle pit. Et là, du coup, je l'ai découvert à ce concert-là. Et c'est vrai que ça avait l'air juste ouf. Et c'est vraiment ouais, cette décharge d'énergie, un peu le fait deux électrons qui se choquent, en fait, et qui se donnent ça. Et du coup, je suis pas sûre qu'il y ait une question de virilité derrière. Parce que je sais que moi, quand je l'ai fait, en tout cas, alors j'étais dans une petite salle, on était 200 ou 250, et c'était entre guillemets plutôt bien réparti. Enfin, les femmes ne se mettaient pas spécialement à l'écart non plus pour pas faire de pogo, donc. Moi, dans mon expérience du pogo, j'ai toujours vu des hommes. Enfin, rarement, très très rarement, j'ai vu des femmes dans l'eau. Et je trouvais que justement, les femmes étaient plutôt mises à l'écart. Tu vois, genre, dans un pogo, un mec qui voit une nana, de ce que j'ai vu, hein, il va tendance à lui faire ok, bah attends, je vais te mettre à l'écart et tout. Genre, t'as rien à faire là, en fait. Et enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti parce qu'au moment où j'ai essayé, et c'est ce qui s'est passé. Et après, moi, j'aimais bien regarder de loin parce que du coup, pareil, je voyais quelqu'un qui avait perdu sa chaussure, par exemple, et puis un autre qui la récupère, qui fait « c'est qui ?» tu vois, et qui lève le bras et tout. Et l'autre, il fait « c'est à moi !» Mais ça, c'est rigolo, tu vois, et ça me plaisait de regarder. Mais par contre, clairement, je me sentais pas intégrée et je sentais pas que c'était pour moi. Et je sentais vraiment qu'au niveau de la violence, ça allait pas le faire pour moi, quoi. Après, peut-être que j'ai une vision de moi-même fragile, mais en tout cas, j'ai rarement vu des femmes dans des pogos, moi. Après, est-ce que ça dépend pas du type de concert ? Moi, je sais que le premier que j'avais fait, où on était à peu près 250, comme ça, le public était déjà plutôt mixte. Et c'est vrai que, par exemple, pour Crossface, il y avait une majorité d'hommes, rien que dans la salle. Même avant, quand il y a eu le premier groupe qui était Normandie, il y avait majoritairement des hommes. Donc, entre guillemets, forcément, il y aura majoritairement des hommes dans le pogo. Parce qu'il n'y avait pas une parité, en tout cas. C'était un festival, moi. Et ouais, du coup, c'était... plus ou moins bien représenté des deux côtés, quoi. Il n'y a pas de raison. Oui, donc Crossface, c'était finalement un public assez masculin. Ouais. Moi, j'ai pas pogoté, tout simplement parce que j'ai des lunettes qui ne tiennent pas bien. Bah, fallait me les donner. Et donc, pour ça, je ne me vois rien. Parce que je suis à moins 7. T'as pas besoin de voir les gens quand tu pogotes. mais oui, j'ai eu une idée, en fait, à la base. Oui. Mais voilà, et puis c'était finalement assez pas violent, mais bon, c'était plus dans... Ça y allait, quoi. C'était vigoureux. Pour revenir sur la notion de... finalement, un peu de sexisme dans le pogo. Je sais pas que je dirais cette phrase un jour. mais en fait, c'est pas... Enfin, je pense que c'est pas tellement de sexisme dans le pogo dont il faut parler, mais plus de sexisme dans le milieu des concerts, voire dans le milieu du rock, punk, post-rock, enfin, tous ces milieux-là, finalement, qui... Enfin, voilà, où on... effectivement, il suffit de regarder la foule dans les concerts, on le voit, ou même dans les milieux des festivals, parce que même s'il y a, pour le coup, peut-être autant de femmes que d'hommes, la façon dont... Enfin, les relations humaines au sein d'un festival sont pas forcément hyper bienveillantes ou féministes ou autres. Donc, pour moi, c'est plus ça qu'il faut interroger, et effectivement, ça se manifeste, du coup, dans chaque événement d'un concert... Du pogo jusqu'au c'est les mecs qui crient et après c'est les filles qui crient et qui c'est qui crie le plus fort. Enfin voilà, dans une espèce de binarité un peu débile. Mais ouais, donc du coup, pour moi le pogo c'est vraiment ce moment de de bousculade sans conséquence, avec un petit peu la peur de se faire mal quand même. Enfin, personnellement, le fait de me dire il faut que je tienne le coup a une importance, tu vois, ça me rajoute une sorte de décharge d'adrénaline. Après, bien sûr, quand tu sens que t'es pas bien, tout ça, tu recules, tu t'en vas. Mais cette petite décharge d'adrénaline joue son rôle. Oui, elle fait que tu sois aussi, entre guillemets, un tout petit peu en danger, quoi. Qu'il puisse quand même t'arriver un truc. Sans que ce soit trop du danger non plus, tu vois. C'est... Ouais. Mais du coup, toute cette histoire un peu de sexisme dans le pogo rejoint un petit peu la fin de ta chronique, en fait, où tu parlais rien que de la représentation comme ça. Après, c'est vrai que si on parle de représentation dans les groupes, Normandie, il n'y avait que des hommes. Oui. Le deuxième groupe, il n'y avait que des hommes. Il n'y avait que des hommes. Et dans Crossface, je crois qu'il n'y avait qu'un. Non. Il y avait Il y avait une bassiste et une guitariste, au moins. Il y avait au moins deux femmes dans Crossface. Ah ouais? Ouais. J'ai pas fait gaffe. Voire trois. Justement, j'allais dire, je crois qu'il y avait qu'un seul homme, mais je suis pas sûre si sur les quatre, il y en avait pas deux. Mais il me semble que là, ils étaient quasiment en parité en termes de représentation. Et bah, surtout, je ne sais plus. Bah, on vérifiera cette information. Voilà. Mais il me semble, ouais, j'allais dire que même juste en représentation sur scène, j'avais l'impression que Crossface était déjà un peu plus mixte. Mais moi, c'est vrai, j'en connais extrêmement peu. Vraiment, je réfléchis aux groupes punk hardcore de femmes. Je veux dire, si on va dans le métal, il y a Arc Enemy. Mais en punk hardcore. Mais d'ailleurs, on a fait une playlist, un podcast sur les. Oui. C'est quoi le nom de la playlist? C'est Diversité for the Win, je crois. Okay. Parce que c'est pas que des femmes, il y a aussi des personnes trans et non-binaires. Ah, c'est bien ça. Donc sur les diversités et non sur les femmes. Voilà. Okay. Plein de groupes avec plein de gens. Voilà. C'était utile. Plein de groupes avec toi. Merci Tristan. Mais ça, c'est un petit moment promo. Mais effectivement, c'est vrai que si on ne voit pas de femmes sur scène, ça va pas encourager à en voir dans la foule non plus, en fait. Je pense, ouais. Il y a un peu compliqué. Voilà. Ouais. Les deux se rejoignent. Parce que s'il n'y a pas de femmes qui voient, il n'y a pas de femmes qui vont jouer, il n'y a pas de femmes qui vont sur scène. S'il n'y a pas de femmes qui vont sur scène, il n'y a pas de femmes qui vont voir. Sauf si c'est genre To Be Free où elles sont toutes amoureuses. Direct les fichiers. Mais il n'y a pas de girls. Si, girls band, s'il y avait Space Girls. Et par rapport au hardcore, il y en a ou pas? Si, il y avait les chatons là. Les chatons. Les Pussycat Dolls. Les Pussycat Dolls. Ouais, non, mais en fait, oui, Pussycat Dolls, il mettait LC, il mettait Teenage Child. En fait, j'ai dit des conneries. Ouais, tu dis des conneries, non. Merci, Tristan. Mais est-ce que du coup, c'est pas aussi un petit peu avec ce cliché de la société, tu sais, que les femmes sont douces, et du coup, ça écoute pas des choses hardcore, et du coup, ça ne fait pas des choses hardcore, en fait, une femme. C'est vrai. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être cette image aussi. Et je sais pas si celles qui l'écoutent, du coup, alors soit il y a celles qui le revendiquent, et des fois on le voit avec leur look vraiment extrême et tout, par exemple, hein, je prends le cliché exprès pour que vous visualisez bien, et celles qui vont pas le dire. Moi, par exemple, je sais que j'ai une amie qui écoute vraiment du gros métal et tout, tu vois, et quand tu la vois, tant qu'elle te parle pas de musique, tu le sais pas. Vraiment, genre, à moins que tu sois fan comme elle de groupes comme ça, elle ne t'en parle pas. Donc je sais pas s'il y a pas un peu ce truc qui fait... Un peu inavouable. Peut-être. Mmh. Ouais. Ouais, c'est comme être une femme et dire que t'aimes le gore. Ouais, ouais. C'est ça. Non, mais c'est vrai, effectivement. C'est vrai. Moi, j'adore lire des trucs avec du sang et des tripes. Ouais. C'est un peu la meuf dans Pitch Perfect. J'ai mangé mon menton, j'ai mangé dans l'utérus. J'ai déjà fait de la prison. Pardon, un peu divagué. Et puis je pète, voilà. Ça ne dit pas en Pitch Perfect. Ça n'en parle pas. Mais du coup, je pense qu'il y a un peu cette injonction de société, en fait, qui fait que, autant dans le gore que dans la musique... Oui, c'est compliqué. Quoi. La femme est douce et doit le rester. C'est ça, encore une fois. Alors, est-ce qu'on peut tout laisser passer pour le côté c'est bon, c'est défouloir, on se fait plaisir? Parce que là, on parlait justement des attouchements dans les concerts où vraiment la femme passe. Elle a envie de se jeter dans la foule comme un mec, elle le voit tout le temps. Moi, clairement, j'en rêve aussi, tu vois. Je me dis, à un moment, ce sera peut-être mon moment, tu vois. Et la nana, elle s'est dit ça. Ça se trouve, ça a été le pire moment de sa vie, parce que finalement, les mecs en ont profité, et est-ce que du coup, cet aspect défouloir, ouais, parce que une femme dans les pogos, moi je me dis aussi, hein, dans mon avis, il y a des nanas qui sont été dans les pogos pour s'amuser, et qui se sont bien fait ploter pendant le pogo, enfin, à mon avis, c'est pas rare, hein. Enfin, je sais pas, je m'avance peut-être, mais... Moi, je pense que comme dans la vie, la limite doit s'arrêter au consentement. Tu peux te pogoter et te cogner à quelqu'un. Je veux dire, moi, si je viens me cogner face contre face avec un mec, forcément, il va se prendre mes seins, tu vois. Donc, on va dire, au bout d'un moment, il n'y aura pas le choix. Mais qu'il ne vienne pas et qu'il me claque le cul, quoi. Donc, il y a un consentement derrière, je pense. Le fait que je me cogne à quelqu'un, ça paraît logique dans un pogo. Le fait qu'il me touche de façon volontaire, non, c'est un attouchement. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, comme on dit. C'est ça. Moi, je la place là, la limite, en tout cas. Quand tu vas dans un pogo, tu peux t'attendre à te faire bousculer, tu peux pas t'attendre à te faire toucher les seins, quoi, sur ton consentement. Oui. Si tu viens pas les deux mains en avant pour dire « Ah, tiens, je vais te ploter ». Non, ton torse comme le mien, je veux bien. Un coup de coude dans les seins, peut-être. Oui, parce que là, ce serait pas forcément volontaire. Mais c'est vrai que la volonté d'attoucher à quelqu'un, je pense que c'est là la limite. Après, il y a le consentement de ceux qui viennent pogoter, mais il y a aussi la prise en compte de ceux qui sont autour et qui n'ont pas forcément envie de se mettre sur la gueule et qui peuvent se prendre une balle perdue, hein, comme on dit. les dégâts collatéraux, c'est pas cool. Plein de fois, j'ai eu peur. Ouais, faut faire gaffe à ça aussi. Moi, j'ai l'impression que ça... Enfin, ça va quand même. Généralement, les gens font une limite vraiment bien. Enfin, en tout cas, la lettrice, c'est ce qui s'est passé. Les gens se sont bien mis en arc de cercle et les autres gardaient quand même une petite distance. Alors, c'est arrivé qu'il y en ait un ou deux qui sont un peu projetés et que du coup, les autres le rattrapent. Mais il y avait vraiment une limite visuelle que tu le voyais. Oui. Après, comme dit, si t'aimes pas les pogos, tu vas pas dans la fosse aussi, tu fais pas ton malin. Oui, tu vas plus loin. Tu sais, c'est les gens dans les concerts qui t'engueulent parce que tu sautes, tu sais. Après, par rapport à ce que disait Nono, justement, est-ce que les gens profitent vraiment du concert? Parce que moi, justement, je me disais, enfin, ceux qui font du pogo, ils sont bien sympas, mais ils sont tout devant. Et des fois, moi, j'ai vraiment envie de voir les artistes, tu vois, et ils prennent toute la place. Et je me dis, mais attendez les gars, vous les voyez même pas, puis vous bougez tout le temps. Puis moi, du coup, je peux pas voir la scène. Et du coup, c'est super compliqué. Et je pense que... Ouais, et Nono a soulevé ce point justement à un moment donné. Elle a dit, mais est-ce qu'ils profitent vraiment du coup du concert ou alors est-ce qu'ils sont venus pour pogoter? Parce que il y a peut-être deux types de spectateurs aussi. Alors moi j'ai deux petits points. Un pour du coup pour Tristan, parce que à côté de nous, alors on était dans la zone un peu limite pogo du coup où ça bouge quand même, mais on n'est pas statique. Sauf un mec qui était juste à côté de moi. Mais statique, les bras croisés, le regard fixé sur la scène, même pas, il bougeait un pied. Je déteste ces gens-là. Moi, je ne l'ai pas compris. On était tous à côté en train de sauter, genre motivés, et lui, il était là, mais immobile. Il m'a perturbé tout le long du concert. Et du coup, je voulais rebondir sur le fait de profiter également et de leur position. Alors, je ne sais pas si c'était des membres du public, mais à la laiterie, il y avait des gens tout devant contre la scène, vraiment, vraiment une barre. Après, il y avait les gens qui pogotaient et l'arc le cercle autour. Donc, je ne sais pas si les personnes... Traverser. Oui, mais t'arrives avant. Tu vois, tu te glisses avant que le pogo commence. Ouais. Mais en tout cas, il y avait ces gens près de la scène. Donc, je pense que c'était vraiment les... je veux voir le groupe, mais je pogote pas. Et vraiment, ça faisait vraiment ce dessin d'arc de cercle où ils pogotaient et le public tout autour. Pour moi, ceux qui font le pogo profitent vraiment du concert parce que c'est leur façon de kiffer un concert. Après, pour les autres... en fait, l'endroit où tu verras le mieux dans un concert, c'est pas dans la fosse. De toute façon, dans la fosse, tu vois rien, même quand t'es grand. À moins d'être vraiment très grand. Ben voilà, moi, j'approche des 1m80, un petit peu moins. Ben, y a plein de moments où j'y vois rien. Mais je suis dans la fosse, donc je sais que je n'y verrai pas hyper bien. Et ben, c'est le jeu, en fait. Si tu veux bien y voir, il faut être assis sur un siège. Après, le souci, c'est que c'est souvent plus cher. Donc ça, pour moi, c'est un... Je trouve ça dommage que les salles fassent payer moins cher la fosse et plus cher les gradins. Je trouve que tout devrait être au même prix pour que tout le monde puisse profiter du concert de la façon dont il souhaite l'entendre. En plus, moi, je me fais chier dans les gradins et je kiffe être dans la fosse. Donc, du coup, c'est bizarre que ce soit moins cher le truc qu'ils font, tu vois, de mon point de vue. Mais, ouais, non, pour moi, tu vois, c'est comme ces gens qui restent immobiles et qui veulent voir effectivement ce qui se passe sur scène sans être dérangés par tout le reste. Bah, soit tu prends le DVD du concert, soit tu te mets dans les gradins, mais tu te fous pas à l'endroit où les gens viennent pour bouger. C'est comme si t'allais au milieu d'une piste de danse en boîte et que tu dis non, moi je veux m'asseoir ici et picoler sans danser. Bah, viens pas sur une piste de danse alors. C'est un peu mon ressenti, moi, par rapport à ça. Alors, du coup, je vais réagir un peu aux deux points de Tristan. déjà, le premier, c'est que je suis assez d'accord avec ce que dit Tristan, en le sens où tu peux aussi fouter du concert quand tu pogotes. Moi, le soir avec Evie, j'ai un peu pogoté quand même sur Blood Tears. Pas de ouf, mais j'étais quand même bien. parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, tout simplement, et qui a une énergie telle que pour moi, c'était une valeur ajoutée d'être vraiment dans le truc et de sauter partout et de gueuler les paroles et de balancer mes poings en l'air. Et voilà, j'étais obligée de foncer à un moment donné parce que c'était juste trop, trop bon et que pour moi, c'est une valeur ajoutée du genre de musique aussi, de pouvoir juste voilà, gueuler, sauter partout et machin. C'est aussi pour ça que c'est fait, entre autres. Donc ça c'est pour le premier point, et donc pour le deuxième, oui, pour les gens, bah après voilà, les places en balcon coûtent plus cher parce que tu parques moins de gens en même espace, ouais. Donc forcément bah c'est plus rentable d'être dans la fosse parce que tu fous plus de gens au centimètre carré quoi, limite à ce niveau là c'est même plus le mètre. donc c'est déjà pour le point technico-pratique, hein. Et après effectivement oui, je peux rejoindre ce que tu veux dire, mais dans le sens où tu viens pas dans la fosse si tu veux pas te faire si tu veux pas pogoter. Après ça dépend aussi du groupe, hein, s'il est en vie. Ouais. T'as des groupes, tu dis pourquoi les gens pogotent sur ça. Oui. Mais par exemple tu vois un groupe où je sais qu'il y a forcément des pogos où les gens se tapent dessus, tu vois, si je prends mes places je sais que je vais pas acheter des places dans la fosse, tu vois. Ou alors je me mettrais vraiment à l'extrême limite de la fosse pour pas me mettre au milieu et risquer, parce que je sais que ça va arriver et que ces gens-là, ils le vivent comme ça leur cancer, tu vois. Après, je pense que c'est toujours sur l'idée des pogos. Je pense que ça dépend aussi du type de pogo. Si c'est le pogo violent où ils finissent par se taper dessus, je sais pas s'ils profitent réellement. Tu veux vraiment de se mettre des pains dans la gueule. Tu profites pas forcément de la musique. Mais c'est vrai que faire des pogos, pour moi, l'idée, c'est un peu... C'est comme quand tu mets des écouteurs chez toi et que tu danses en fait tout seul. Et ben là, c'est le même principe, sauf qu'il y a une énergie tout autour. Et du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai participé à des pogos, c'était en lien avec la musique. C'était vraiment... j'ai profité de mon concert, j'ai écouté la musique et j'ai vécu cette énergie. Un peu, ouais, vraiment comme quand je mets des écouteurs et que du coup je me mets à danser toute seule chez moi. Mais ouais, je pense que ça dépend. Si c'est commencé à se taper dessus, là je pense qu'ils profitent moins, quoi. Enfin, déjà parce que t'entends plus beaucoup quand tu te tapes dessus. Et c'est une autre histoire. C'est particulier. Après, t'as aussi, Tristan, l'entre-deux où tu veux bouger, tu veux pas forcément te foutre dans les pogos. Ouais. Ouais, moi personnellement, j'ai vu Metallica au Stade de France. Je ne vais pas aller me foutre dans les pogos de Metallica au Stade de France. Mais je n'ai pas non plus envie d'être dans les gradins Stade de France ou Metallica, tu vois. Ouais, du coup, tu te mets dans une zone où, effectivement, tu ne vois pas la scène. Effectivement, ouais. Tu le voyais pas trop mal, si étendu au Stade de France. C'était une scène centrale, du coup, c'était très chouette. Mais après, je veux dire, le problème, c'est... Enfin, je veux dire, qu'il y ait des pogos ou pas, dans la façon dont sont faites les salles de concert, le sol est plat, il n'est pas penché, donc forcément, tout le monde est au même niveau. Et ensuite, tu as forcément des gens qui sont plus grands que toi, notamment quand t'es une femme, où vous avez une moyenne de taille qui est plus basse. Juste quand t'es nono. Mais ça va, oui. Non. Mais c'est vrai. Et du coup, vous êtes désavantagé par rapport à ça. Est-ce qu'il faudrait faire quelque chose contre ça? Oui. Est-ce que c'est la faute des pogos? Je pense pas. Mais après, c'est le petit moment corico, ou le petit moment hopla, plutôt ici. Hopla. Hopla. parce que la laiterie a des espèces de gradins dans la grande salle. Et c'est très chouette parce que c'est pas assis. Et en même temps, tu es un peu surélevé, du coup, tu peux voir la scène tout en bougeant. Et je trouve que c'est très très chouette comme truc. Ouais, il y a ça aussi dans une salle de concert près de Toulouse, le Bikini, je crois. Ah oui. En fait, t'as la fosse, et puis t'as un autre espace en hauteur, une sorte de mezzanine en fait, où tu peux être debout aussi, et là tu vois hyper bien la scène forcément. Bon, après, t'as moins de place par contre. Oui, ton éclat, la triste, c'est même pas une mezzanine, tu vois, c'est vraiment la salle qui est conçue comme ça, une espèce de gradin au fond. Ouais, c'est malin, je trouve. Qui est très chouette, ouais, très bien foutu. Moi, pourtant, plus je me rapproche de la scène, plus j'ai l'impression de voir mieux la scène, en fait, même si je suis petite. Après, donc, je sais pas ce que tu disais, Tristan, bah oui, parce que plus tu te rapproches, moins t'as de tête grande devant toi. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où t'es à 10 mètres de la scène, qu'il y ait des pogos devant toi ou qu'il n'y ait pas de pogos devant toi, tu la vois de la même façon, la scène. Pas bien. Alors que si t'es à 3 mètres de la scène, tu vas mieux la voir. Oui. Mais oui. Des fois, les pogos, ils sont tout de suite devant. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, tu veux dire, les pogos te repoussent vers l'arrière, en fait. Oui, aussi. Et puis, des fois, ils prennent vraiment beaucoup de place. Si tu veux, t'as un rang tout devant qui sont accrochés au grillage et voilà, qui ne décrocheront pas du grillage, tel des bigorneaux jusqu'à la fin du concert. Bigorneaux. T'as la référence de la Bretagne, quoi. Et voilà, représente. C'était ma petite pub. Mais sinon, ouais, enfin, la plupart du temps, c'est ce que j'ai vu. Donc, effectivement, moi, je me sens un peu lésée vu que je fais pas de pogo et que j'ai envie de regarder le concert, tu vois. Et je les vois, ils regardent pas le concert. Je me dis, mais non. Mais parce que. Ils vivent la musique. Oui, non, mais je comprends. Ouais, mais après, je m'en fous. Est-ce que tu peux la vivre plus loin? Après, je me demande s'il y a je vais révolutionner le pogo, là. Moi, je jette les pogos à 2 mètres, s'il vous plaît. Dehors. Derrière. Je me demande si, plus t'es près de la scène, plus t'as le son fort, déjà. T'as les vibrations. Donc, plus t'as les vibrations. Et en plus tu as des eye contact avec les musiciens qui t'encouragent à bouger, à danser et tout. Parce qu'évidemment, quand t'es sur scène, t'as pas envie que le public soit comme ça, dehors. T'as envie qu'ils bougent, les gens. Donc, et en plus, moi, quand je suis sur le devant du public, je sais pas, quand je saute et tout, c'est con, j'ai envie de me faire remarquer par les musiciens. J'ai envie qu'ils disent t'as vu, ils bougent bien, t'as vu. Alors que je pense que jamais ça m'arrive. Je pense qu'ils s'en foutent. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. Ah ouais? Ah bah voilà. C'était au concert des Wonder Years, qui est un de mes groupes préférés en plus. Et en fait, j'ai eu plusieurs fois ça avec ce groupe, en vrai dire. La première fois, c'était le fameux truc où du mec en costard qui j'ai pogoté. En fait, ça s'appelle le Club à Paris, qui est une espèce de pub rock metal, machin. On était très peu. Et du coup, on était pas énormément, tu vois, une petite 10, 15 ans à y aller. Et je me souviens vraiment que le mec a regardé, mais il était ému, quoi, tu sais. Il était tout étrondi, quand tu vois tes enfants pour leur pas, tu sais. Mais oui, mais tu leur rends honneur, moi, je trouve, en dansant, en bougeant, en faisant des pogos. Enfin, si tu écoutes un... Si tu vas voir un concert de punk, si tu fais un pogo, pour moi, tu rends un peu honneur à leur musique qui balance ce genre de vibrations, quoi. Bah, même eux le demandent. Enfin, je sais que quand on a vu les deux groupes, j'arrive jamais à me souvenir du nom du deuxième. Bloody Earth et Crossface, ils le demandaient. Tu vois, ils lançaient vraiment eux le pogo. Mmh. Donc celui en cercle, j'arriverai pas à retenir non plus. Circle Pit. Et les All of Death, tu vois, vraiment, ils faisaient comme ça, genre Separate the Fall. Puis après, ils attendaient, tu vois. Et tu voyais le public qui s'impatientait des deux côtés. Et puis quand il arrivait, il chantait un truc vachement ouf. Et du coup, tout le monde revenait et il le relançait à chaque fois. Mmh. Donc, même eux, je pense que c'est vraiment, enfin, ça leur donne de l'énergie aussi, quoi. Alors, je pense qu'on peut conclure là-dessus parce que on a beaucoup parlé du pogo et je pense ça va donner envie à nos auditeurs d'en faire maintenant parce que vous avez été ultra motivés. On va faire une réunion pogo. Je peux dire un petit mot de la fin? Vas-y. Dans ce cas, ça me rappelle le groupe A Dead Remember, qui est un groupe post-hardcore rock punk, j'en sais rien. Mais il y a un morceau où il gueule Disrespect your surroundings! Donc ne respecte pas ton environnement. Et là, on tourne pour God, c'est le bordel. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'est pas très écolo tout ça. J'avoue, Disrespect your surroundings! Ouais. Bref, voilà, c'était mon dernier mot. Alors je vais te redonner la parole, oui, puisque tu vas nous faire découvrir une petite musique. Est-ce qu'on va pogoter sur cette musique? Voilà, de printemps. Ouais, non! Non. C'est pas, je vous ai pas mis du porté à corps. Finalement, j'aurais bien aimé le faire, effectivement. Mais j'avais aussi envie de parler de quelqu'un qui entrait dans notre thème, en grugeant un peu moins, quoi. C'est l'artiste américain Andrew W.K., qui est pas extrêmement connu, mais que j'aime beaucoup. W.K. W.K., oui, oh, ça va, on est en France ici, messieurs. Bon, après, la limite avec l'Allemagne n'est pas forcément très claire, hein, mais on reste en France. Et Andrew W.K. Vous faites chier. Andrew. C'est quelqu'un de totalement atypique, car il mélange le hard rock et la fête pop, les grosses guitares et les synthés. C'est vraiment une musique qui est tournée vers la joie et la bonne humeur, qui est quand même assez loin de ce qui est d'habitude véhiculé par la musique hard rock et metal, donc c'est assez chouette. Et s'il est atypique, c'est aussi parce qu'il a fait polémique au moment de la sortie de son album I Get Wet, donc je deviens mouillé, en 2001. Et c'était pas pour la musique en soi, mais c'était pour sa pochette, car la pochette nous montre en fait Andrew W.K. en train de pisser le sang depuis son nez, qui dégouline son visage sur son cou, qui finit sur son t-shirt blanc immaculé, donc il a vraiment la bonne trace de sang. Et donc cette pochette qui est aujourd'hui est culte, ça fait polémique, car on a pu dire bien sûr que ça glorifiait la violence, que ça montrait un mauvais exemple aux enfants, que ça glorifiait aussi la cocaïne, parce que la cocaïne à forte dose peut faire des saignements de nez. Ou au Japon, ça glorifie la perversité. Aussi, c'est vrai. Peut... Je sais pas quand c'était sur le Japon, mais peut-être. Ça peut glorifier aussi la chaleur, parce que ça arrive quand il fait trop chaud. C'est vrai. Les gens, dis donc. Plein de choses. Hein. Ça glorifie plein de choses. Ah, Eva, beaucoup de messages. Et est-ce que vous savez comment ça s'est passé pour ce photoshoot? Normalement, non. La légende dit en fait qu'il se serait lui-même frappé au nez avec une brique pour avoir cet effet. Et comme cela ne faisait pas assez de sang, il aurait complété avec du sang d'animal acheté dans une boucherie à côté de chez lui. C'est bonne ambiance. Mais les gens... Alors, sinon, alors, vous pouvez faire du faux sang avec un peu de cacao, de miel et de... quoi d'autre? Je sais plus. Bref, ne vous frappez pas le visage avec une brique. Mais, il a dit... J'imagine juste un truc, parce que s'il a vu qu'il n'y avait pas assez de faux sang, c'est qu'il s'était déjà cogné avec une brique. Moi, je l'imagine déjà avec le nez qui pisse le sang, aller à la boucherie en disant « Il m'en faut plus, dis-moi. » C'est clair. J'imagine le boucher qui le regarde du genre « Tiens, prends. » Pardon. Alors en vrai, après ça, j'ai aussi lu une interview plus récente où il disait que pour se faire saigner, il a pas réussi à se frapper avec sa brique, mais qu'il s'est mouché très fort pour réussir à saigner, ce qui est également très très con. Je pense que c'est encore plus drôle. Non, du coup, je sais pas ce qu'il pire entre les deux. Là, c'est vraiment le Père Noël n'existe pas, quoi. Mais clairement. C'est pas ce qu'il pire, mais c'est débile, du faux sang, putain. T'en trouves ça partout dans des. On était en 2001, ok. Mais c'est pareil, ça. Les vidéos YouTube n'existaient pas. Voilà, il y avait pas de tuto pour faire du faux sang. Si, il m'a frappé avec une brique. Oh bah ça marche pas. Du coup, je vais moucher très fort. À l'ancienne. C'est exactement énorme. Ça. C'est énorme. Oh bah je vais acheter du sang de cochon que t'es chez moi pour compléter. Je vais mettre le doigt dans mon nez. Hop, je vais gratter. C'est dégueu. Oh. Voilà, c'est sympa. C'est mais voilà. Donc chacun ses vérités, hein, sur l'interprétation de comment ça s'est passé. Parce que le photographe a juste dit, quand il a interviewé, il a dit « Bah Andrew était dans la salle de bain, il a fait ce qu'il avait à faire, et voilà. » Ok, merci. C'est ça. Ouais, dit comme ça, c'est un peu chelou. Mais voilà, en tout cas, c'est devenu une imagerie un peu incontournable, qui était vraiment associée à l'image d'Andrew, et qui illustre un excellent album. Donc on va s'écouter Party Hard, donc faites bien la teuf. Extrait de l'album I Get Wet. Alors les auditeurs, on va parler de ma chronique cette fois-ci, ma chronique sur le cinéma, et dont le titre est « Jeter dans la peau ». Cinéma, une chronique de Noël. Il y a ces films d'horreur où le sang gicle de partout de façon désordonnée, où ça hurle, où ça pleure, où les vilains ont bien des têtes de vilains. Ils ressemblent tout à fait à nos cauchemars les plus sombres. Nous, on est confortablement installés sur notre siège. D'une main, on serre la main de quelqu'un quand il y a un jumpscare. Et de l'autre, on tient un paquet de pop-corn. Et on rit devant ces personnages qui courent droit à leur perte, sans aucune gêne. Et plus le sang ou les scènes semblent réelles, plus c'est jouissif. Il y a là comme une plénitude de ne pas être de l'autre côté de l'écran. Tout est tellement too much qu'on se dit que ça ne peut qu'arriver que dans les films. Vous voyez bien du coup de quel genre de film je parle ? Par exemple Scream ou bien tous les sauts qui existent. Eh bien, ce n'est pas du tout de ça dont j'avais envie de vous parler. Et ouais. Moi, j'ai envie de vous parler de ce personnage qui fait des choses terrifiantes, mais vraiment morbides, mais qui touche ton empathie à un point que tu comprends pourquoi il le fait. Tu t'immisces vraiment dans la peau du personnage. Tout ce qu'il fait, c'est un peu comme si c'était toi qui les faisais avec lui. Et c'est au moment où tu réfléchis à comment tu agirais pour mieux cacher le corps, par exemple, que le plaisir se transforme en gêne macabre. Tu sors de la salle de cinéma en te disant que finalement, tu ne serais pas à l'abri de vivre une telle expérience un jour. Un meurtre est si vite arrivé. Dans A Young Man with High Potential, vu au FEF justement, on l'avait vu avec Evie, on ne s'attend pas à éprouver autant de sympathie pour ce personnage. Pourtant, il fait des actes de plus en plus horribles. Et puis le pire dans ce genre de film, c'est que tu as bien vu qu'au début, ce qu'il faisait te choquait, mais que petit à petit, tu t'es habitué à tout ce son, tout comme le personnage. Et ça aussi, c'est dérangeant. Ce genre de film me fascine vraiment. Comment, avec mon empathie habituelle, je peux me dire qu'il a bien fait de découper telle personne de telle façon? Comment, moi qui me considère comme bienveillante, je peux comprendre que le meurtre était la seule solution? Et être dans la peau de ce personnage, si éloigné de moi, si fascinant par cet éloignement, me fait oublier ma propre existence, me fait me prendre au jeu. Car oui, le film devient un jeu de rôle en quelque sorte, sans que mon cerveau en ait pleinement conscience. En sortant de la salle, je vais même avoir un peu de mal à avouer aux autres mon attrait pour ce personnage, car une fois sorti, on devient juste, soi. Ce personnage t'aura fait vivre un moment intense finalement, mais un moment éphémère. Et heureusement, car être dans sa peau n'a pas été une expérience très apaisante. D'ailleurs, il existe des personnes qui dépassent la fiction. Celles-ci sont fascinées par des meurtriers ou meurtrières, mais cette fois-ci bien réelles. Certaines d'entre elles se disent totalement amoureuses de ces prisonniers. Breivik, par exemple, en Norvège, qui a massacré 70 femmes, il reçoit environ 800 lettres d'amour par mois. Sachant que tomber amoureux d'un criminel est considéré pour certains cas comme une pathologie qui a un nom, l'hybristophilie. Mais au-delà du crime, on est parfois très satisfait, et on en ressent même un certain soulagement, lorsque quelqu'un n'a pas été agréable avec le personnage principal et qui se prend un gros coup dans la gueule. Même si ce coup est ultra violent, qu'il pisse le sang, que sa mâchoire est décollée et que quelques dents tombent au sol, on ne va pas se le cacher, c'est agréable. C'est l'effet que j'appelle « c'est bien fait pour toi », qui nous soulageait quand on était gosse. En effet, c'est d'autant plus vrai pour les contes les plus anciens. Le méchant doit être salement puni à la fin pour qu'on se sente satisfait. Le mieux même, c'est quand il meurt dans d'atroces souffrances. Et quand on est môme, ça nous paraît tout à fait normal. On vit assez d'injustice quand Tommy nous a volé notre petite voiture alors que nos parents ont tout vu mais n'ont absolument rien dit. On a besoin de cette espèce de justice virtuelle pour compenser nos injustices quotidiennes. Alors, après tout ça, ne peut-on pas conclure qu'on aime se sentir à la place d'un criminel de temps en temps sans écoper des conséquences? Merci Nelou. Merci. Pour cette chronique Merci. Glaçante. Alors, est-ce que vous aussi, comme Nelou, vous éprouvez parfois de l'empathie pour certains criminels, alors réels ou fictionnels? Evie. Moi, comme le disait Nelou, j'ai vu A Young Man with High Potential avec elle, et c'est vrai que quand t'as commencé ta chronique, j'ai directement pensé à lui. Vraiment. Enfin, cette idée de tu t'attaches au personnage, il se passe quelque chose d'horrible, et en fait, tu vas l'accepter. Et tu vas te dire, attends, mais comment il fait ça? C'est une bonne idée, tu vois, et tu te prends au jeu de te dire jusqu'où il va aller, et je pense que tu le soutiendrais même. Si t'étais avec lui dans le film, tu le soutiendrais. J'en profite pour juste faire un rappel, t'as parlé du FEF, donc on a parlé dans le précédent podcast. Le FEF, c'est le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. On va finir par les avoir en partenaire officiel, t'en as parlé. Voilà, ce serait bien. C'est ça. Mais c'est vrai que oui, ce principe d'être dans un personnage qu'on n'est pas dans la vraie vie et pour lequel, si par exemple quelqu'un me racontait l'histoire comme ça, je dirais non, mais tu peux pas avoir de l'empathie pour lui et tout. Mais le vivre, je trouve que c'est très différent. Et un peu pareil que toi, je me dis après, mais pourquoi j'ai ressenti de l'empathie pour lui alors que c'est pas du tout dans mes valeurs de base en fait. C'est clair. Nono, de ton côté, tu as déjà eu ce genre de ressenti devant un film ou peut-être même face à un véritable criminel? Est-ce que tu as envoyé des lettres d'amour? Non, mais par exemple, tout à l'heure, on parlait de Millennium, et tu disais, tu sais, quand elle a marqué... Oui, tout à fait. Ça m'a fait penser du coup à ça, à ma chronique. C'est vraiment bien fait pour ta gueule. C'est vrai, ouais, oui, c'est ça, tu dis, c'est sûr, le mec c'est un gros pas, un gros violeur, ouais. Je m'en fous de ce qui va lui arriver, mais tu vois, là c'est pas l'opposé, mais c'est un autre mécanisme. C'est pas le mécanisme de la personne qui fait l'acte avec qui tu vas t'identifier avec l'empathie, c'est que tu vas avoir tellement de détestation pour la personne qui subit l'acte, que n'importe qui pour les foutre tout plein à la gueule, tu vas soutenir. Ouais, c'est ça, c'est encore différent. Ouais. C'est encore différent pour moi. Mais dans l'idée du coup de la personne qui est malfaisante, qui est punie, je pense que, je vais rien spoiler, mais on va tous penser à quelqu'un dans Game of Thrones, je pense, par exemple. Et en fait, s'il n'est pas puni un peu de façon violente ou vraiment qu'il lui arrive quelque chose de fort, et ben t'es presque déçu. On n'est pas soulagé, ouais. Ouais, moi j'étais là genre, c'est tout. Enfin, tu sais, t'as envie de te dire, mais avec tout ce que la personne a fait, comme ça, genre, non. Tu sais, presque tu t'attends à quelque chose de puissant et de violent. Il meurt d'une crise cardiaque, t'es là, quoi? Vous le refaites revivre, ouais, vous le retuez, hein, je suis pas d'accord. Alors, on va revenir sur, sur notre ressenti quand les méchants crèvent. Mais avant ça, juste pour revenir sur l'empathie qu'on peut éprouver face à certains criminels, moi j'ai pensé à deux exemples, un fictionnel et un réel. Fictionnel, Dexter, la série Dexter. J'y pensais aussi, oui. Ouais, je l'ai pas vu. Donc, moi non plus. On suit, je connais le principe. Voilà, le principe, on va suivre les tribulations d'un tueur en série. Mais ce personnage est génial et on finit par beaucoup l'aimer. Et. Avec toutes ses bizarreries et tout, et on a peur pour lui, alors que c'est le dernier des salopards. Enfin, je veux dire, c'est un meurtrier. Et pourtant, on s'y attache vraiment. Donc là, je pense qu'il y a tout un procédé cinématographique, enfin, dans la façon dont c'est filmé, dans la façon aussi dont le scénario est écrit, qui nous permet de ressentir ça. Et du coup, pour un personnage réel, et ben je pense à Jacques Mérine. Alors non pas que j'ai une admiration pour le personnage réel, mais par contre j'ai vraiment ressenti un attachement pour lui quand j'ai regardé le film sur lui. Je ne me rappelle plus le réalisateur. C'est un film en deux parties avec Vincent Cassel. Et aussi horrible soit le personnage et tous les actes qu'il commet, je n'ai pas pu m'empêcher dans le film de ressentir une certaine admiration pour cet homme qui a toujours décidé de... d'être contre les lois et d'en avoir rien à foutre et de le faire jusqu'à devenir l'ennemi public numéro un. Et de se dire que ce personnage a vraiment existé et que ce film m'a fait ressentir une sorte d'admiration pour un pur salopard, hein, parce que enfin, je veux dire, c'est pas un ange le gars, hein. C'est assez troublant. C'est assez troublant, même pour soi-même, tu dis, mais merde, je peux pas ressentir ça, tu vois. Donc, ouais, je comprends bien ce que tu veux dire. Mais je pense que ça, tu vois, c'est le... À mon avis, c'est dû vraiment à des techniques de scénario, à des techniques de mise en scène qui vont vraiment te faire ressentir les choses d'une certaine façon et pas d'une autre, quoi. C'est pas faux. C'est quoi que t'as pas compris ? Non, je réfléchissais parce que moi, moi, à l'inverse, j'aime pas les films sur la mafia, par exemple. Ouais. Genre les Sopranos, tout truc comme ça. Ouais. Bah ouais, bon, déjà, les Sopranos, j'ai pas accroché de manière voilà, purement visuelle. Hein. Mais je sais pas, il y a un truc, ça me dérange en fait, qu'on mette en modèle ces personnes comme ça, qui sont malgré tout des gangsters, qui sont pas. Qui ont les mains sales, hein, qui ont les mains pleines de sang, même pour certains. Et enfin, moi, je me souviens, au moment de Mesrine, je crois que t'as plein d'ados qui admiraient ce genre de truc. Et... Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, mais c'est hyper gênant, du coup. Parce que, du coup, ça a développé une admiration basée sur un film qui reste, du coup, pas une œuvre de fiction, mais qui est fictionnalisée, dans ce cas, où, avec le montage et la construction, on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux images. Hein. Et que, voilà, il y a un peu ce risque aussi des ados qui vont devenir des grands gangsters, tu sais. Il y a un détachement qui, parfois, ne se fait pas forcément, voilà, par rapport à Mesrine. Mérine, je sais pas comment Mérine. On dit. Mérine. Scarface. Elle répète assez pendant le film quand même. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, ok. Mais voilà, après je dis pas faut pas le faire, hein, ce genre de film, hein, bien sûr. Mais je dis juste que moi c'est pas un truc que j'ai du mal à avoir de l'empathie en fait pour ça. Après je pense que c'est utile ce genre de film pour justement les conditions de prison par exemple qui sont déplorables pour les prisonniers. Et je pense que si tu éprouves un peu d'empathie, enfin grâce à ce genre de film, je me dis que peut-être que tu vas être plus, enfin, je sais pas, plus ouvert justement à des changements vis-à-vis de ça, parce que je trouve qu'actuellement les conditions carcérales sont vraiment médiocres et en tout cas ne permettent pas aux aux criminels de se réinsérer dans la société actuellement, puisqu'on leur apprend pas vraiment à avoir un travail, puisqu'ils ressortent, ils sont perdus, puisque finalement, bah, ils refont un acte parce que la prison, bah, ça les permettait de se protéger et d'être loin de notre société qui les a perdus, de toute façon, parce que ça fait des années qu'ils sont plus dedans, ils sont complètement dépassés, il y a un décalage pas possible, et au lieu de tomber en dépression, bah, ils retombent en prison. Et je pense que du coup, ce genre de film qui peut créer de l'empathie peut peut-être nous permettre de changer notre vision du milieu carcéral. Ouais. Alors, je remets en contexte, parce qu'en fait, effectivement, les films Mérine évoquent justement les conditions en milieu carcéral et toute la dureté de ces conditions-là. Moi, le truc que je voulais rebondir, c'était par rapport à l'empathie, surtout au départ, du personnage. C'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, on aime bien s'identifier aux méchants aussi. En fait, c'est un truc qui se développe de plus en plus, où maintenant ça devient un petit peu les personnages principaux des films, c'est des vrai. Séries. Et je pense qu'il y a un petit peu, c'est comme ça que tu finis ta chronique, hein, vraiment, de se libérer des conséquences et du coup d'avoir un petit peu un modèle virtuel que tu vas pas reproduire dans la vraie vie, où il n'y a pas forcément de conséquences à ses actes, ou ça finit quand même des fois plutôt bien quoi, pour les méchants. Mmh. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait avant, hein, dans les précédentes chroniques, que s'il n'y a pas de conséquences, peut-être qu'on serait tous des méchants. Comme le Joker un peu. C'est le ça. Joker a vraiment la côte en ce moment. Et on touche à un point que notre plus grand fan nous a suggéré, à savoir l'anti-héros. C'est ça. On est totalement là-dedans parce que, et effectivement, moi je pense à Breaking Bad parce que je me suis bouffé toute la série il n'y a pas longtemps, enfin. Donc je vais faire aucun spoil parce qu'il faut absolument voir cette série, mais on va suivre vraiment un anti-héros et on va vraiment avoir ce côté de s'attacher à des personnages qui ne sont pas des gentils, quoi. Et ça rejoint un peu tous les films de mafia dont tu parlais, Nono. Alors effectivement, pourquoi, alors moi voilà, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on s'attache, on se prend d'empathie, presque d'une sorte d'amitié fictive avec des raclures quand on va voir, on a le cas peut-être un peu dans Scarface, dans Breaking Bad, dans les Sopranos, dans Peaky Blinders, si vous l'avez vu, où on va suivre un gang, ils sont pas londoniens, mais je sais pas, anglais en tout cas, qui font des choses horribles pour le commun des mortels, mais on va se laisser prendre par leurs enjeux. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce que ça nous plaît tellement, ça, Evie? Personnellement, je pense que c'est le côté libérateur. Vraiment, ouais. Le fait que... Catharsis. Ouais, que tu regardes des choses que tu ne peux pas faire, et que tu vois comment ils s'en sortent ou pas, et s'ils s'en sortent, t'es content. C'est une sorte de libération de toutes les frustrations de ce que tu t'imposes, en fait. Tuer des gens, c'est mal, on le sait, hein, donc je le fais pas, c'est pas que la société qui l'impose, hein, c'est le bien commun, on va dire. Mais c'est vrai que tu peux pas tuer des gens ou tu peux pas frapper des gens comme ça juste parce que t'es énervé. Tu peux pas passer dans la rue, t'as un coup de fil, t'es énervé, tu frappes la première personne qui passe, ça ne se fait pas. Et je pense que c'est cette libération et le fait que du coup, il y a pas de conséquences dans ta vraie vie de regarder un film comme ça où c'est le méchant qui gagne, en fait. Mais c'est libérateur, enfin, je pense. Je pense qu'aussi, il y a un côté où on nous dit qu'ils sont pas non plus si marginaux. Dans le sens où les films de mafia, il y a quand même la famille qui est là. Tony Soprano, il a quand même une femme et des enfants, et il a aussi les problèmes qu'ont les problèmes de gens qui ont une femme et des enfants. Et je pense que aussi ce côté où si on nous dit regardez, ils sont quand même aussi un peu comme vous, ils ont aussi des emmerdes avec leur famille et leur femme, et je pense que c'est ça aussi qui aide finalement une sorte d'identification, une sorte d'empathie, sympathie, qui est de se dire qu'ils ne sont pas non plus si différents, ils ont aussi des problématiques du quotidien comme les nôtres. Est-ce que ça fait pas un peu l'idée du... Enfin, on voit ça dans les films et un peu dans la vraie vie aussi, de quand il y a une personne qui connaît des crimes horribles et « Ah non, mais c'était quelqu'un de tout à fait normal, il n'y avait aucun souci et tout. » Et en fait, ça renforce l'identification en disant « Bah, ça pourrait être moi, ou ça pourrait être mon voisin que je croise tous les jours, ou un ami à moi que je vois pas souvent. » Et en fait, il suffit d'une seconde et ça dérape, en fait. À titre personnel, moi, ce qui me fascine dans ces personnages avec qui on développe une sorte de lien empathique et qui sont pourtant horribles, c'est justement à quel point ils peuvent être proches de la normalité. Et voilà, c'est exactement ça. Comment il suffit de rien pour que ça dérape, quoi. Et du coup, y a un côté je pense que ça permet aussi de jauger à quel point t'es proche ou pas du précipice. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À quel point il en faudrait pas beaucoup pour que toi-même tu puisses basculer. Je crois que tu l'évoques un petit peu dans ta chronique, Nolou. Hein. Comme quoi, j'ai ressenti très fort en regardant Breaking Bad. Je ressens fréquemment en regardant des films comme ça où on se passe du côté du méchant. Cette fascination pour ah ouais, en fait, je suis à tant de pas de devenir un gros dingue. Alors, bien sûr, la distance est absolument infranchissable. Je sais que je ne le ferai jamais. J'espère. Mais comme il n'a pas fallu tant que ça pour les personnages, il y a un côté un peu dérangeant, mais délicieusement dérangeant, j'ai envie de dire. Après, je pense qu'on ne va pas se lancer dans un débat judiciaire, hein, ça serait bien trop long. Et voilà, je pense que si c'est aussi. C'est loi. C'est ça, je pense mon code civil, attends. Mais je pense que c'est aussi une rhétorique avec laquelle il faut faire attention dans ce genre de choses. On parle toujours là de dérapage ou de crime passionnel. Bon, faut peut-être se rappeler aussi que non, parfois il y a des gens qui font vraiment les choses et que c'est pas un dérapage ou un truc à un doigt de basculer. C'est que oui, c'est parfois des gens sont foncièrement mauvais. Hein. Mmh, faut pas oublier ça non plus. C'est fantasmé, je pense, de la part des spectateurs, cette espèce de vision des choses, justement, qui n'est pas réelle. Enfin, on parle quand même de fiction depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, dans la vie réelle, ça arrive rarement que la personne se réveille un matin ou. Je sais pas, il y a le mec qui lui fait une queue de poisson en voiture, il se dit putain, je vais tuer des gens. Enfin, alors il y en a qui prévoient ça pendant des mois et des années, et là clairement tu te dis c'est plus un dérapage. Je me souviens d'un film comme ça, par contre je me rappelle plus du nom, c'était un film français où justement t'avais une espèce de soirée entre amis, et petit à petit, mais vraiment, par accident, tous les amis finissait par mourir. Mais vraiment par accident, je sais pas, genre quelqu'un se coupe et finalement il pisse le sang, il trouve pas de pansement ou je sais pas. Oh, un truc comme ça en impro. Et puis je sais pas, et puis il tombe par terre dans la salle de bain, et puis quelqu'un glisse et puis tombe sur autre chose et meurt et ainsi de suite. Et c'était tout le long comme ça. Et je l'ai vu, j'étais gamine en plus, hein, c'était horrible. Je crois que j'avais 11 ans et il m'a marqué. Mais c'était trop drôle. Raconter comme ça fait scary movie. Mais c'était pas vraiment ça, c'était hyper dérangeant. Et quand j'étais petite, je me disais, mais ça peut vraiment arriver, du coup. Est-ce que si j'invite des amis, ils peuvent mourir? Longtemps, j'y ai cru. Mais on a un catégorie comme ça en spectacle d'improvisation. Ça s'appelle La Massacre. Ça joue à 4 et tout le monde doit mourir à la fin. Il faut pas de meurtre et pas de suicide. Effectivement, tu mets tout en place comme ça en mode les fils sont pas bien raccordés ici, puis tu joues, évidemment quelqu'un va se faire électrocuter, tu sais. Du coup, c'est marrant ce que tu dis ça, parce que c'est exactement la catégorie qu'on fait en impro, qui est la massacre. Peut-être qu'ils ont fait ça en fait. Hein. J'avais un autre sujet à ce niveau-là, c'est que tu mentionnes Breivik, donc le terroriste norvégien. Oui. Je crois pas qu'il ait tué que des femmes, il a tué des gens de gauche, ça par contre, oui. Ah oui. Je ne sais plus si c'était un meurtre, un féminicide, je ne crois pas. 70 femmes, en tout cas, je suis sûre. Ouais, mais il a ciblé vraiment une sorte de... de camp, en fait, sorte d'université d'été, si tu veux, de parti de gauche, et du coup, il est juste allé buter des gauchistes, il a laissé un manifeste de droite, un truc atroce. Et récemment, il y a un film sur Netflix. Ah oui. Il s'appelle 27 juillet, et je me demande, en fait, comment il est traité. Donc si quelqu'un l'a vu, dites-le nous en commentaire, parce que je ne l'ai pas encore vu, j'ai très envie de le voir, mais je ne l'ai pas encore vu. Il y a la série Mindhunter aussi qui s'intéresse aux serial killers, et je vais me permettre de faire une dernière réflexion là-dessus, donc de passer à le petit point suivant. Je pense aussi que notre fascination pour ces monstres, enfin pour ces serial killers, pour ces personnages horribles, vient aussi de notre fascination pour ce qu'on appelle le mal, et en fait le côté l'interdit encore, ouais, pas tellement interdit, mais en fait le côté on comprend pas que ce soit possible de faire, tu vois, une personne qui a tué 70 femmes, tu vois, tu le dis, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'un être humain, mon frère, comment peut-il faire ça, tu vois. Et du coup, mais oui, enfin, je veux dire, c'est norvégien, mon frère. Non, mais on n'est pas si loin, tu vois, je veux dire, bon voilà, il est blond, je suis roux, non mais puis en bas, je sais pas si loin. Non mais voilà, c'est tellement incompréhensible en fait de se dire que d'autres êtres humains puissent faire des choses aussi horribles, que ces films qui nous montrent le point de vue de ces monstres entre guillemets, je pense, nous fascinent justement pour ça, pour essayer coûte que coûte de trouver une explication, quoi. on va passer à petit point suivant. On a déjà un petit peu abordé tout à l'heure, c'est comment est-ce que vous vous sentez, vous, quand vous voyez le méchant, le bad guy, qui s'en prend plein la poire? Oh, c'est kiffant. Ah, ça dépend. Ah, ah ouais, bah, ça dépend si, si, comme par exemple dans A Young Man with High Potential, genre, j'ai eu un peu d'affection pour lui. Mm-hmm. S'il s'en prenait plein la gueule, je pense qu'au départ, ça m'aurait caché. Ouais, mais il n'est pas présenté comme le bad guy, finalement, il est présenté comme l'anti-héros. Là, je parle vraiment le gars qui a causé du tort au personnage principal. Ah oui, le vrai méchant. Ouais. Ça dépend de ce qu'il a fait. Hein, okay. Comme je le disais avant, enfin, personnellement, il y a eu une mort dans Game of Thrones où je me suis dit, que ça. Genre, il m'a fait chier tout ce temps-là, et que ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Et il y en a d'autres où tu te dis, ouais, ça me suffit, tu vois. Donc ça dépend vraiment d'à quel point il m'a énervé, en fait, je pense. Par exemple, moi j'ai vu le film Millennium dont tu parlais avant, et c'est vrai que quand elle le tatoue, mais t'es là genre, putain, je fais le souffrir. J'étais à fond, mon Dieu, tu t'es dit, mais vas-y, putain, venge-toi et tout. Donc ouais, ça dépend de ce que j'ai ressenti, ouais. Bah oui, regarde, quand on a vu The Ranger avec Nolou au FEPS. Non mais on était tellement heureux. Ouais, il y avait les bad guys, on était en train de gueuler, mais vas-y, casse-lui la gueule, allez, allez, rentre lui. C'est vrai. Enfin voilà, oui, il y avait quelque chose de très jouissif, en fait. Ouais, pète-lui les genoux. Ce genre de choses, c'est hyper jouissif, je trouve, finalement, de voir le bad guy qui s'en prend plein la tronche. Oui, parce que généralement, jusqu'à ce qu'il s'en prenne plein la tronche, c'est lui qui gagne. Mm. Et du coup, t'as pas envie que ce soit lui qui gagne, en fait. Mais c'est pas hyper bienveillant, hein. Non. Clairement. Non. Mais là, on va rentrer dans un autre débat. Est-ce que punir les méchants, ça fait partie du bienveillant ou pas? Tu vois, genre, si... que t'es moins méchant que lui. Ça va. Si tu punis que les méchants, tu vois. Genre, c'est un peu l'histoire de Death Note, tu vois, si tu tues que des tueurs. Est-ce que t'es vraiment quelqu'un de mauvais? La question de la peine de mort se rapproche dangereusement de cette table. Ouais, on va pas aller là-dedans. Non, mais dans l'idée, tu vois, si tu punis que des méchants, est-ce que t'es réellement un vrai méchant? Bah, c'est l'histoire de Dexter, c'est l'histoire de Death Note. Oui, c'est ça. Et oui, ce sont des anti-héros. Enfin, en tout cas, la morale... universellement reconnu, c'est que oui, à partir du moment où tu tues, tu as meurtrier. Donc, oui, même si tu... ces histoires-là finissent mal, hein, en général. Ouais, c'est des histoires d'amour, mais c'est pas ça. Oui, c'est ce que je t'entends me dire aussi. Aussi. Les histoires de meurtre et les histoires d'amour finissent mal en général. Exactement. D'ailleurs, on peut finir là-dessus, je oui, pense. Oui, ça me paraît bien. Je pense qu'on peut conclure on là-dessus, est bien. Ça me paraît pas mal. Merci, Nolou, pour cette fantastique chronique. Merci. Pour le débat. On était très très borderline sur nos réponses. Oui, mais en fait, de toute façon, cet épisode est parti en cacahuète dès la deuxième minute. C'est vrai. J'avais prévenu que les sensibles, c'était pas leur jour. Hein. Mm. Nous allons passer donc à la dernière chronique, celle de Tristan, qui va nous parler... jeux vidéo. Et je vais vous parler donc de tout ce que j'aurais voulu expliquer à mes parents lorsque j'avais 16 ans. Papa, maman, j'espère que vous écoutez. Jeux vidéo, une chronique de Tristan. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette option dans le jeu de tir futuriste Unreal Tournament qui permettait de désactiver l'effet gore durant les parties? C'était l'excuse que je donnais à mes parents pour y jouer quand j'étais ado. Mais j'ai désactivé le sang, papa! Tu parles, Charles. Dès que le daron avait le dos tourné, hop, 2-3 clics dans les paramètres, et c'était de nouveau Trip et Boyau qui voltigeaient en tous sens sous les coups de mon lance-roquette portatif. Je pense qu'on a tous ce genre de souvenirs autour du jeu vidéo, cette façon de briser un interdit parental en s'autorisant une violence absolue dans un monde où cela n'a aucun impact, aucune conséquence. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure dans les autres chroniques. Et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, on a aimé ça. Quel genre de psychopathe veut-il donc être pour prendre plaisir à démembrer des gus à coups de sulfateuse? Je vous le demande. Alors, pour tenter de répondre à cette délicate question qui hante tant de parents inquiets vis-à-vis de leur progéniture, je vais déjà commencer par catégoriser l'utilisation du gore dans le jeu vidéo. Grosso modo, je vois trois façons de jouer avec des organes. Pour créer une atmosphère horrifique, pour récompenser le joueur, et pour créer une impression de puissance. Alors, on va voir cela plus en détail. Dès que Nono aura fini de s'étouffer de rire. Pardon, en fait, j'imaginais vraiment jouer des organes, et j'imaginais jongler avec des tripes et des boyaux, et je suis désolée. C'est un peu Docteur Mabou, tu vois. Alors, voilà. Dans quel type de jeu trouve-t-on plus de litres de sang qu'à la Croix-Rouge? Fatalement, on pense d'abord aux jeux horrifiques. Et il n'est pas rare de voir au détour d'un The Evil Within les murs se couvrir d'organes humains qui n'ont rien à foutre là. Dans un autre genre, l'excellent American Maggie Alice nous proposait de revisiter un pays des merveilles où les personnages auraient été atrocement mutilés, devenant un véritable royaume des cauchemars. Dans ces jeux-là, l'aspect gore du titre est utilisé afin d'instaurer une ambiance, une atmosphère effrayante. Le but est de faire comprendre aux joueurs qu'ils courent un grave danger, de jouer sur ses nerfs et sur ce qu'il est capable d'endurer visuellement. Le domaine de l'horreur n'est pas le seul à s'amuser avec les fluides vitaux de ses protagonistes. Si je vous cite Mortal Kombat, il y a de fortes chances que vous pensiez aux fameuses fatalities du jeu. Scène explicite terminant un combat par un coup spécial particulièrement goûtu visuellement. Ici, l'aspect gore est un genre de récompense, puisqu'il faut parvenir à placer une certaine attaque pour profiter de tacles sanglants, durant lequel le joueur ne touche plus à la manette et se contente d'admirer la cinématique. On peut rapprocher ce procédé à certaines œuvres bien connues du cinéma, Saw ou encore Destination Finale. Tous ces titres ouvertement sales, où l'on semble endurer des personnes à la stupidité crasse uniquement pour mieux les voir se massacrer. L'un dans l'autre, la destruction corporelle des protagonistes est un véritable moment de fun, souvent pour des raisons évidentes de surenchère. Un troisième type d'utilisation des effets gore se rapporte à l'exemple que j'ai donné en introduction de cette chronique, lorsque je désinguais les pourritures de l'espace d'un Unreal Tournament. Ici, l'aspect sanglant est lié à une impression de puissance, voire de sauvagerie des personnages. On peut citer pas mal de FPS tels que Duke Nukem ou Gears of War, ou bien les hack and slash où l'on passera son temps à retapisser joyeusement les décors de morceaux d'ennemis à grands coups de hache, d'épée, de marteau, de batte de baseball, bref, choisissez votre arme. Créer une ambiance donc, récompenser le joueur, ou donner une impression de puissance, ok c'est bon, je crois qu'on a saisi comment les studios utilisent l'aspect gore dans la plupart des jeux, et comment ils combinent ces outils à loisir. Mais la question demeure, pourquoi diable est-ce que ça nous plaît tant? Alors je vais avancer quelques hypothèses et on va pouvoir en débattre par la suite. La première raison pour moi, c'est un effet cathartique, encore une fois, on y revient. Donc le jeu vidéo permet, au même titre que le théâtre par exemple, de créer un espace virtuel où l'on peut exprimer sans risque des émotions ou des actes qui seraient lourds de conséquences dans la réalité. Ainsi, les tragédies grecques envoient-elles des héros dramatiques se faire trouer la panse? Ainsi, le jeu vidéo nous permet d'exprimer un penchant pour la violence et la destruction, d'exprimer des angoisses et des terreurs sans jamais sortir du cadre sécurisé de l'imaginaire. En termes de mécanique le jeu, le gore a également toute son importance, car il permet de renforcer l'impact du joueur sur le jeu. Comme dit plus haut, ajouter un effet trash à des attaques va donner une impression de puissance. Donc si je donne un coup d'épée à un ennemi et qu'il tombe par terre, ok, c'est une chose. S'il est tranché en deux, avec un zoom sur son corps, ses jambes qui s'agenouillent, tandis que le bus s'envole en l'air, bah là on a un effet de mise en scène qui me donne l'impression d'avoir donné un coup d'épée incroyablement puissant et dévastateur. Pourtant, l'effet en jeu, c'est le même. L'ennemi est battu, l'obstacle est surmonté, on peut passer à la suite. Mais cet élément permet d'habiller le gameplay et de renforcer l'implication du joueur. On rejoint également la notion de récompense que j'ai évoquée plus haut. Enfin, le gore permet de traiter un sujet universel, la mort, en lui donnant un visage si violent qu'il en devient extravagant. On reproduit ici ce que la fête d'Halloween fait si bien, montrer la mort dans ce qu'elle a de plus grotesque, de plus monstrueux, tant et si bien qu'on finit par la tourner en ridicule. Les fatalities de Mortal Kombat nous font rire parce que cette violence n'a rien de réaliste, elle est exagérée. Ce visage ridicule donné à la mort nous permet peut-être de l'apprivoiser. Peut-être que la mort est un sujet bien trop sérieux, bien trop dramatique, bien trop absurde à avaler. Il nous faut en rire. C'est après tout la seule arme dont nous disposons pour chasser le sel des larmes. Ainsi, n'en déplaise aux détracteurs de la trachouille, je considère les effets gore comme de véritables outils qui, bien utilisés, peuvent servir un gameplay, une direction artistique, un propos. Et évidemment, on a tous en tête des jeux trash ratés où les hectolitres de pixels rouges causaient plus de migraines nauséeuses qu'une scène frousse ou qu'un plaisir un peu coupable. Comme tout outil, le gore se doit d'être maîtrisé, dosé du mieux possible, au risque de desservir totalement son objectif. Finalement, l'hémoglobine et les tripailles, c'est un peu comme le beurre dans la cuisine bretonne. Il y a ceux qui disent qu'il faut en mettre, il y a ceux que ça écœure, mais au final, on en reprendrait bien un peu quand même. C'est drôle. Alors, Tristan avait une première question par rapport à ça. Tout à fait. Est-ce que vous aimez la cuisine bretonne? Bah, on en reprendrait bien un peu. Ah ouais, mais à Queen Amma, moi, c'est une fois par an quand je suis en Bretagne. Hein. Sinon, c'est mort. Et vraiment une fois dans la semaine, quoi. Et alors, et si on fait l'analogie avec le gore, est-ce que du coup, vous aimez les jeux vidéo gore? Alors, moi, j'ai une anecdote. Vas-y. Sur Mortal Kombat. En fait, j'ai un grand frère qui est de 10 ans mon aîné. Donc là, vous avez commencé à comprendre où est-ce que je veux en venir. C'était que lorsque mon frère était ado, j'étais enfant. Et Lorsque toi, t'avais... lorsque mon frère avait 16 ans, comme tu parlais dans 16 ans, j'en avais 6. Tiens, Nono, je vais te montrer un super jeu vidéo. Oui, ça s'appelait Mortal Kombat. Et donc, tu arrives effectivement au stade du finish him. Et là, le truc arrache le cœur et le sort comme ça de la poitrine et le brandit. Alors en fait, faut savoir que la maison de mes parents, c'est une maison qui n'a pas d'étage. Et en fait, la chambre qui était celle de mon frère à l'époque, et maintenant qui est la mienne, enfin bref, qui est au bout du couloir. Et tu traverses le couloir et après t'as le salon et la cuisine. D'accord. Du coup, j'ai couru en gueulant de la chambre de mon frère jusqu'à la cuisine pour voir un verre. Maman, ça va trop. Et non, voilà. C'est de là que vient ta peur des piqûres. C'est exactement ça. Je pense qu'on peut bah, dire merci au frère de Nono qu'il nous l'a traumatisé. Voilà, en fait. Merci, Magie. C'est, c'est de ta faute. Voilà, donc c'est très sympa, hein, les jeux corps. Fais attention quand il y a la petite sœur qui est là. Mais voilà, mais sinon j'aime bien ça. Ouais. J'allais revenir sur le truc de la catharsis à titre personnel. Mm-hmm. Ce qui est que moi, quand je suis vraiment vénère personnellement et j'ai besoin de me défouler, je joue à. Quoi ? Je tue des Sims. Ah oui, ça aussi. Mais il y a aussi que je joue à Saint-Ouen, qui est une sorte de GTA Lac. Donc tu prends ta balayotte, t'écrases des piétons, tu fais des gardes de gang. Ouais. Moi j'ai une nana trop badass parce que tu peux personnaliser ton caractère. Donc elle est trop badass, elle a les cheveux bleus, l'accent russe. L'accent russe. Je te jure. C'est un nouveau groupe sanguin. L'accent russe. Ah, l'accent, j'entends l'accent russe. Le sang russe composé à 50% de vodka. Quand on parle d'hémoglobine depuis tout à l'heure, je suis perdu. Pour te rassurer, j'ai eu une seconde où je me suis dit, le sang. Non, ça doit être l'accent. Elle est là, I told you not to fuck with me. Et du coup, Ellie, je crois savoir que t'as joué à American Maggie Alice. Un tout petit peu. Donc ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours une réflexion limitée sur les jeux vidéo, vu mon passif et mon présent de gameuse, on va dire. Et j'ai joué un tout petit peu à Maggie Alice, mais par contre je joue à Alice Madness Returns. Ouais, parce que le gameplay est plus facile et que les graphismes sont vraiment très beaux. Enfin, très beaux. Ça dépend de ce que t'aimes comme beau. Très sale. Si une flaque de pétrole avec des visages de poupées et des moteurs mécaniques qui fument, tu trouves ça beau, ça marche. Et ouais, moi j'aime bien le... Enfin, le fait qu'il tombe en miettes quand tu les bats. Ouais, parce que là, du coup, c'est pas vraiment gore, parce que c'est... Enfin, on peut appeler ça du gore, mais c'est des créatures ou des choses comme ça. Mais ouais, ça tombe en miettes quand tu les bats. Et du coup, il y a ce petit sentiment où tu te dis... Je l'ai vraiment battu. Mais t'as quand même des personnages qui sont pas mal mutilés. Alors dans Madness Returns, je me rappelle plus trop, je crois que c'est un peu moins le cas, mais t'as notamment le lièvre de Mars, je crois. Où... Bah, le lièvre de Mars, je sais plus, je crois que je l'ai croisé, mais très vite fait. Ouais. Par contre, il y a le chapelier qui est totalement démembré, qu'il faut remembrer. Et il y a tout un endroit dans une sorte de maison de poupée où il y a des enfants un petit peu chelous et ils perdent leur visage. Juste le visage, donc il y a le crâne avec le sang en dessous. Mais si vous voulez voir, regardez juste la bande-annonce. Elle dure vraiment pas longtemps, je crois qu'elle dure une minute cinquante, quelque chose comme ça. C'est tout bucolique et la musique change et après on voit des enfants sans visage s'enfoncer dans une flaque de pétrole, je crois. Ouais, ça donne le ton. Ouais. C'est ça. Et du coup, toi, t'as bien aimé cet aspect gore dans... J'aime bien, enfin, ça ramène vraiment à... presque une version plus adulte, plus dark en fait d'Alice au Pays des Merveilles, bien que quand tu le lis, c'est déjà pas hyper hyper pour enfants malgré que ça a été créé pour ça à la base, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu spécifique adulte, parce que tu vas pas jouer avec ça avec des enfants de 6 ans par exemple, ou même début d'adolescence, j'avoue que je le ferais pas forcément jouer non plus quoi. Okay. Alors Tristan, dans sa chronique, vous a parlé justement de 3 façons de montrer le gore dans le jeu vidéo. Donc le gore pour l'ambiance, le gore pour la récompense et le gore pour donner de la puissance. Est-ce que vous voyez d'autres utilisations du gore dans les jeux vidéo ? Ou si c'est pas le cas, si vous avez un ressenti particulier par rapport à cette façon d'utiliser le gore, une anecdote sur ça. Moi par exemple, le gore pour l'ambiance, je pense au reboot de Tomb Raider. Il y a tout un passage où elle tombe une espèce de rivière de sang et ce moment-là est vraiment glaçant et tu as peur pour elle, tu dis mais quelle horreur, mais qu'est-ce qui va m'arriver. Et voilà, on a vraiment, je trouve, peut-être pas la quintessence, il y a sans doute des jeux d'horreur qui font ça bien aussi, mais je trouve que ça joue vraiment sur la peur du joueur, et puis du coup ça démultiplie la pression de puissance quand t'arrives à sortir de ça et il y a des ennemis qui viennent dessus, quoi. Bah, étant pas vraiment geek, c'est vrai que moi je le vois pas beaucoup, enfin déjà que je joue pas en temps normal, donc à des choses gore un petit peu moins, mais c'est vrai que je comprends totalement cette classification des catégories, parce que des fois c'est juste du décor, et du coup ça te met juste un peu dans cette ambiance un peu malsaine où tu te dis il va m'arriver un truc, et s'il m'arrive un truc je stresse déjà avant que ça m'arrive, et surtout le principe de récompense comme je te le disais avant, où moi quand je tue un ennemi j'aime bien qu'il éclate, tu vois, comme ça tu sais qu'il est vraiment mort. Parce qu'il y a aussi je joue pas beaucoup, et le jeu auquel j'ai le plus joué c'est Pokémon, tu vois, mais du coup quand tu bats les gens, bah il disparaît juste en fait, et il va revenir, et je pense que ça a un peu forgé mon visuel que j'ai, où tu te dis s'il est pas vraiment mort, il peut revenir. Ouais, là, s'il est bien éclaté, il y a ses dents que je peux compter par terre, c'est que là, au moins, il va pas revenir. Dans l'idée où tu te dis, si je le vois pas, peut-être qu'il va revivre. Donc pour toi, le gore, c'est avant tout une récompense. Quoi, ouais, c'est ambiance et récompense. Ouais, vraiment, dans le sens où je suis plongée dans l'univers, et en même temps, après, j'ai vraiment l'impression d'avoir battu l'ennemi. Le gore pour donner de la puissance, moi je le trouve intéressant parce que on peut le voir dans God of War, mais on peut le voir aussi dans Prince of Persia qui a beaucoup évolué. Au début, Prince of Persia c'était plutôt un personnage, disons, gringalet, quoi. Et puis plus tu passes les épisodes, donc jusqu'au troisième, ou même quatrième, je crois qu'ils en ont fait. Ouais, ils en ont fait beaucoup, mais en tout cas, le troisième il m'a marqué parce que justement il est vachement plus baraque et. C'est vrai qu'il fait des coups vraiment, enfin, il dégomme ses ennemis. Et c'est vrai que cette force-là, elle est jouissive, en fait, même si... en fait, généralement, quand c'est le cas, justement, quand le personnage il est trop cheaté et que vraiment, il dégomme facilement ses adversaires, il y en a plein, en fait, qui débarquent. Et les uns après les autres, hop hop hop hop hop, faut vite les faire et tout, et ça c'est une espèce de, ouais, ça fait du bien, je sais pas pourquoi, une espèce de fluidité. D'ailleurs t'as tout un type de jeu, je crois que ça s'appelle, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est les Dynasty Warriors, enfin il y a un type de jeu, souvent japonais d'ailleurs, où tu contrôles un personnage qui va devoir dézinguer des foules et des foules et des foules de monstres qui t'arrivent dessus à la pelle. Ça a été fait d'ailleurs il y a pas longtemps dans l'univers de Zelda avec Hyrule Warriors. Donc t'as des armées de gobelins qui t'arrivent dessus et tu les tues, mais genre s'ils arrivent à te toucher une fois, c'est bien le bout du monde, quoi. Et du coup, ouais, c'est une sorte d'espèce de vague hypnotique comme ça qui arrive et tu les dézingues. C'est pas si gore que ça. Mais effectivement, t'as ce sentiment de puissance de pouvoir massacrer plein d'ennemis d'un coup d'épée, quoi. Bah, c'est peut-être du coup ce sentiment de puissance qui fait qu'il y a cet engouement, plus encore en ce moment, pour tous les modes zombies. Où vraiment, bah, c'est des hordes... Moi, je sais qu'à l'époque, c'était dans Call of Duty qu'il y avait un truc comme ça. Et c'était des hordes de zombies qui venaient, et fallait battre, et tu devais arriver à telle ou telle vague, et puis... Ça durait des heures, hein. Tu pouvais passer 5 heures à défoncer des vagues de zombies qui venaient encore et encore et encore. Et du coup, je pense que ce côté puissance fait que ça plaît de plus en plus. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeux qui le font. Ouais, je survis à tout ça. Donc, c'est vrai. Ouais, alors après, moi, sur le côté donner une impression de puissance, je trouve qu'il y a un peu deux façons de le faire. Il y a la façon God of War où tu massacres des ennemis à tour de bras de façon spectaculaire. Et puis, il y a les jeux où. La plupart des coups que tu donnes ne sont pas spécialement gore, mais si tu arrives à faire le bon coup, ça devient trash. Je pense à Dark Souls, tu te fais. Tu as beaucoup de mal à survivre. quand tu donnes un coup d'épée, généralement, c'est un coup d'épée, l'ennemi va prendre un coup, il va reculer, il va être blessé, etc. Mais si tu arrives à faire une parade du bouclier, qui va déséquilibrer l'adversaire et réattaquer juste derrière, il y a un zoom sur ton épée qui perfore l'adversaire, et puis ensuite tu lui donnes un coup de pied pour dégager ton épée et tu te jettes sa dépouille au sol, et en plus t'as vraiment le zoom avec une sorte de ralenti et tout, et donc là, voilà, c'est relativement rare dans le sens où il faut réussir à placer le coup, donc on est à la fois dans le côté récompense et dans le côté puissance, parce que tu dis waouh, là je lui ai foutu un de ses coups, il va pas se relever, quoi. Moi j'avoue que j'ai du mal à séparer les deux entre le coup pour la puissance et le coup de la récompense, parce que généralement le coup puissance, on va dire, va finir par donner la mort. Et, c'est vrai que ça c'est du coup, bien en fait. C'est vrai que moi je lis les deux, c'est pour ça que c'est les deux points qui me parlent le plus, parce que bah, dans les jeux, quand moi j'attaque un ennemi et que du coup il y a ce petit côté genre ouais c'était un bon coup, tu vois, et ben ça l'achève. Du coup, bon, moi ça, je passe directement à récompense. Tu sais, je me dis ah j'étais forte mais j'ai gagné. C'est très très rapide pour moi l'enchaînement des deux. Ouais, c'est dans le sens où tu as certains jeux qui te donnent cette impression de puissance sans que ce soit particulièrement une récompense. Donc voilà, des hack and slash ou des FPS où chacune de tes attaques va créer un véritable ravage, mais c'est pas une récompense dans le sens où c'est facile à faire, tu vois. Et parfois, moi, à titre personnel, je trouve parfois ça devient peut-être trop facile et trop. Trop gore pour pas grand chose, quoi. Ouais. Et par rapport à ce qu'a dit Tristan, du coup, quand il disait mes parents voulaient pas me laisser faire ce genre de jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'un adolescent ça lui fait du bien ou pas de jouer à ça? Nono qui a vécu. qui a vécu ça, est-ce que ton frère s'en est remis? Est-ce que c'est un garçon sain d'esprit aujourd'hui? Il semble. Il y a toujours des moments où on se pose la question, hein, tu sais, mais il semble aller bien. De toute façon, je pense que de toute façon, de nos jours, interdire aux adolescents de jouer à ce genre de jeu, c'est complètement débile, parce que de toute façon, du sang, du trash, de la violence... Tu regardes les infos. Tu allumes BFM et on n'en parle plus. C'est pas ce que j'avais en tête, mais c'est vrai. Pardon. C'est vrai que c'est illusoire de, voilà, de vouloir protéger les adolescents. Je trouve ça un peu ridicule au final. Après, voilà. C'est toujours important pour moi d'avoir une sorte d'éducation à l'image malgré tout, dans tous les sens. Hein. Enfin, tu parlais des infos en déconnant, mais dans les infos, tu peux trouver très bien des images de Daesh si tu cherches un peu, quoi. Mais mine de rien, enfin, t'es ado, tu peux dire putain, c'est un truc de ouf, regarde, c'est le vrai qu'il y a une décapitation, t'es là. Ouais. Non, c'est gênant. Tout à fait, quand j'étais ado, il y avait cette vidéo YouTube d'un terroriste qui se faisait pendre, je crois, ou un truc comme ça, et ça me rappelle que ça avait beaucoup tourné. Et que, oui, ce truc-là. Bah, je pense que ça va rejoindre l'épisode qu'on a fait où on parlait des enfants également avec les jeux vidéo, où je pense que, alors certes, il faut quand même contrôler un peu. Tu vois, genre, tu vas pas faire jouer à ce genre de jeu à des enfants de 6 ans. Je pense qu'il faut qu'ils sachent faire la part des choses dans la vie entre ce qui est le jeu et ce qui ne l'est pas, et qu'il y ait une certaine discussion. Comme on disait dans celui sur les enfants, où tu peux pas mettre un enfant de 10 ans devant les jeux violents comme ça et ne pas lui en parler après, et lui laisser tous les trucs et ne pas faire gaffe à ce qu'il fait, quoi. Donc je pense qu'il y a une responsabilité, pardon, à prendre de la part des parents et un accompagnement pour ce genre de jeu. Après, un enfant de 16 ans, enfin, enfant, je ne sais même pas si on peut dire enfant mais 16 ans, je pense qu'il en a déjà vu plein, et je pense qu'il voit pire s'il cherche sur YouTube ou des choses comme ça avec ses potes que dans un jeu vidéo. Donc, je pense que ça satisfait une espèce de curiosité, finalement. Bah, genre, tu vois, le cœur qui... Non, mais... Quelque part, il devait se dire « Ah, ça fait ça si on fait ça. » Tu vois, non, mais... Je pense qu'il y a... Ça ferait une belle discussion au prochain repas de famille. Merci, Nolo. Non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un côté exploration du corps. Je pense, dans l'inconscient. Hein, je pense pas que c'est vraiment... Je pense pas qu'il pourrait en parler, vraiment, l'adolescent. Mais je pense que oui, il y a cette espèce de compréhension des choses. Ok, donc je coupe la main, ça pisse le sang. Bon, d'accord. Je pense qu'il y a... Puis je crois que c'est un âge aussi où t'as pas forcément 16 ans, hein, mais je veux dire l'adolescence, où t'as des cours de SVT chiant. Oui, non, mais où t'aimes bien le trash. T'as envie de voir des choses un peu crades, un peu... autant t'as un âge pipi caca, autant t'as un âge sans les tripailles, quoi. Je pense que c'est une étape dans la vie. Et ce que je voulais aussi te dire, c'est que ce qui inquiète beaucoup les parents, c'est... justement, comme les jeux dont tu parlais, Nono, où tu peux conduire une voiture et dégommer des passants. Et du coup, les parents se disent « Ah, mais mon fils, quand il va prendre une voiture, il va faire la même chose !» Non, il ne fera pas la même chose, en fait. Et je pense que oui, il y a ce problème-là, mais je pense que ça lui fait du bien, parce que justement, c'est l'interdit, et puis dans le jeu vidéo, on s'en fout, quoi. Il n'y a pas de conséquences, comme on disait dans les autres épisodes, dans les autres chroniques, catégories, oui. Mmh. Moi, je me dis, après, est-ce que c'est pas mieux qu'ils le découvrent, entre guillemets, dans les jeux vidéo, dans les films ou dans les choses comme ça, plutôt qu'ils le fassent en vrai. Non, même qu'ils recherchent avec des images vraies. Tu vois, je veux dire, avec toutes les images qu'on peut trouver. Enfin, Moi, ça m'est déjà arrivé de squatter sur Internet et là, de tomber sur une vidéo que, bah, déjà, je ne l'ai pas cherchée volontairement, mais clairement, tu sais, genre, c'est vraiment des choses fortes, gore ou des choses comme ça. Et tu te dis, vaut peut-être mieux le voir en jeu vidéo, en film, où c'est contrôlé et c'est fait exprès, plutôt que de tomber sur une vidéo de Daesh où ça décapite des gens ou des choses comme ça. Et là, c'est plus réel. C'est vrai que pour tout ce qui s'est passé, par exemple, enfin, les attentats à Paris, on est bête, hein, mais la plupart d'entre nous sont allés chercher les images de ce qui s'était passé. Non. Et enfin, moi, je parle pas de nous sur cette table, mais je parle de nous humains, français. Et enfin, la plupart, je m'avance peut-être, mais beaucoup, quoi. Et je pense que les adolescents aussi, par curiosité, ou un peu morbide, mais on l'est tous. Et oui, tu as raison, je pense que... on satisfait notre curiosité aussi dans les jeux vidéo. Et vaut peut-être, moi, je pense qu'il vaut peut-être mieux le faire par ça, justement par les jeux vidéo où c'est contrôlé. Après, c'est fait pour, plutôt que de, d'aller chercher des images réelles qui pourraient peut-être choquer plus, parce que c'est vraiment vrai. Après, mon titre est volontairement provocateur. En vrai, je crois que j'avais tout à fait le droit d'y jouer à 16 ans. Je crois que la limite, c'était 15 ans, je sais plus. D'une part. D'autre part, cet interdit-là, moi, je l'ai bien vécu dans le sens où ça a été là... Enfin, je pense que quand t'es ado, t'as des barrières que tu dois franchir, que tes parents te posent, que toi, tu passes ton temps à essayer de les pousser, et à un moment, t'y arrives. Et en fait, on s'en fout de la raison de la barrière. Finalement, que ce soit le jeu vidéo, sortir à partir de telle heure ou boire une bière, l'important c'est de, à un moment, cette barrière se franchit et c'est ce moment-là qui est important, je pense. Donc pour moi, ça, par exemple, ça a été le jeu un peu violent, pour d'autres, ça a été autre chose. J'ai perdu mon idée. Si, sur la. Un petit bémol sur sur l'utilisation des jeux un peu gore et tout pour les enfants, il y a une réflexion à faire sur le propos aussi du jeu. Plus encore une fois que le côté gore, par exemple Mortal Kombat, le propos du jeu c'est le fun, donc en soi qu'un enfant de 13-14 ans il joue, moi ça me dérangerait pas, à condition bien sûr qu'on en discute, qu'on en parle, que tu regardes comment le gamin se ressent, le sent, ce qu'il voit à l'écran, s'il court dans la maison, dans la cuisine en criant oh mon dieu, on lui a arraché le cœur, bon ben là tu vois là, qu'il y a un problème, c'est un bon signe, là ça craint, il y a un indice, il y a comme quelque chose. Ah, je sais pas, mais... Généralement, t'as des indices avant ça même. Tu vois, par exemple, Nono qui a peur des piqûres. Bon, on aurait pu raisonnablement penser que se faire arracher un cœur, ça aille pas dans le bon sens, tu vois. Oui, mais à cette époque-là, on savait pas. Est-ce que ça s'est passé dans ce sens-là ? Est-ce que c'est pas le fait de se voir se faire arracher un cœur qui lui a fait faire sortir du sang ? Ouais. C'est sûr. Mais donc voilà, Mortal Kombat. Oui, le message, ouais. Mais par contre, un truc où il y a une ambiance bien glauque et tout, où là, vraiment, on va taper sur... sur une violence qui est beaucoup plus symbolique et qui va être illustrée par le gore, je mettrais peut-être pas un gamin qui n'avait pas encore armé d'un sens critique et d'une certaine éducation à l'écran dessus, quoi, tu vois. Moi, c'est vraiment ce que je disais, c'est il faut que la personne fasse bien la distinction entre tout, enfin, suivant les jeux, hein. C'est vrai que, je veux dire, tu joues à Pokémon, tu tapes des animaux, c'est pas grave, tu vois, mais tu tues des gens dans une ambiance un petit peu glauque, tu vas pas jouer à la même et même du âge, coup, les parents jouer au jeu avec vos enfants et même avant de les mettre dans les mains de vos enfants, parce que c'est comme ça qu'on sait si ça passe ou ça passe pas. Alors, s'il vous harcèle, vous l'achetez en pré-vente, vous jouez avec et après seulement vous lui donnez. Voilà. Merci bien pour ces conseils. On n'a pas d'enfants, mais on a plein de conseils. Écoutez-nous, hein. Moi je m'entraîne. Moi je m'entraîne, je viens de devenir marraine, alors il faut que je sois prête pour toutes les questions. Pareil. Merci beaucoup Tristan pour cette chronique vraiment vraiment intéressante. Je trouve que il y avait vraiment plein de choses à dire sur le jeu vidéo et le gore et t'as plutôt bien synthétisé les choses. Écoutez, je pense qu'on a fini nos chroniques et qu'on a fini nos débats sur le gore. Alors j'espère que votre cœur a été bien accroché. que vous êtes resté avec nous jusqu'ici. Oui, voilà. Vous n'avez pas gueulé dans la cuisine. Vous êtes toujours vivant, que vous n'avez tué personne. Que vous êtes parti faire des pogos juste après ce podcast. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Écoutez, passez une très très bonne soirée ou journée ou... non, c'est vrai. Ce n'est pas fini. On a regardé tout ça avec des yeux de merlan frit. Mais il reste une partie du podcast. Moi, je vais aller me coucher, ok? On va finir sans les loups. Bonne nuit. Voilà. Alors, oui, effectivement, mes collègues ont raison. Je vais vous passer une petite musique. On n'a rien vu. J'ai une petite musique à me sortir de derrière les fagots. Attention, ça va ambiancer. Justement, on avait préparé tout ça. C'était voulu. Tout ce qui se passe ici. Tout est parfaitement calculé. On est à un niveau de professionnalisme. Donc avant cette dernière partie un peu plus légère, et comme vous voyez, on est sur la bonne pente. Parce qu'avant, c'était très sérieux. C'était très sérieux, oui. On aime bien les boyaux. Et donc, cette chanson, c'est Suspiria. Donc c'est un film de Dario Argento, qui est venu à Strasbourg d'ailleurs, pour le Festival du Film Fantastique. Et donc c'est une chanson de Goblin. Et voilà, c'est une chanson qui donc m'inspire évidemment mon premier festival du film fantastique, car c'était cette chanson en fait de bande-annonce du festival qui passait, et en fait cette bande-annonce passait avant chaque projection, donc on l'avait bien bien dans la tête, et je trouve qu'en fait elle parle très bien de tous ces films un peu d'horreur, de gore. Je trouve que cette chanson, elle est tout à fait approprié en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous la passer. We'll be right back. Nous revoilà tous ensemble. Oui, vous avez cru que je vous avais laissé, mais pas du tout. En vrai, je vous ai récupéré pour vous parler justement de nos petites chroniques plus légères. C'est-à-dire que moi, je vais vous parler des sorties. Nono va vous faire un Nono à peu près version musique. On va vous parler tous de nos petites recommandations du mois. Et Evie fera sur le bout de la langue. Donc, du coup, on va reprendre par moi, puisque c'est moi qui commence. Et je vous fais les sorties pas chères, un restaurant, un bar, un événement, et tout ça sur Strasbourg. Donc moi, je suis le capitaine Flat, pour ceux qui ne savaient pas encore. Bonjour, capitaine. Appelez-moi à la rescousse. Nono, elle l'a fait il y a pas longtemps. Oui. Capitaine Flat, s'il te plaît, donne-moi un restaurant. Et elle m'a dit un restaurant. Et j'ai dit deux. Deux. Moi, après, je pense qu'il y en a plus que ça, mais... dans Strasbourg. Oui, j'espère qu'il n'y a pas que de resto à Strasbourg, oui. Alors, dans la sortie pas chère, écoutez, le 17 novembre, et j'espère grandement que le podcast sortira avant, il y a un grand nettoyage des berges et du lit de Lille à 13h30. Donc, c'est pour la semaine européenne de réduction des déchets. Le rendez-vous est au kiosque du parc du Comtade. Et donc, le but est de nettoyer. Donc, c'est la deuxième édition. La première était donc l'année dernière. Et il y avait des plongeurs dans l'île qui ramassaient tout. Et ils ont ramassé des tonnes de vélos, par exemple. Enfin, des choses vraiment... Parce qu'à Strasbourg, on jette nos vélos dans les fleuves. C'est plus simple. C'est, voilà. Ouais, je pense que c'est les vélos volés qui ne sont pas revendus. Je sais pas. Ouais, ouais. Mais du coup, si vous voulez participer à une bonne action cette année, que voilà, vous vous dites « Non, mais maintenant, je suis une nouvelle personne, je suis quelqu'un d'engagé et écologique », eh bien, pas de problème. Il y a des événements faits pour vous. Ou si tu as perdu ton vélo. Tu peux peut-être le retrouver dans l'île. Alors, au niveau d'un événement, justement, enfin, là, c'était la sortie pas chère, évidemment, parce que là, ça vous coûtera rien. Juste peut-être... Du temps, mmh. Voilà. Et pour les vêtements, donc le 24 novembre, pareil, ça vous coûtera pas grand-chose, même rien du tout. Il y a une marche de nuit en mixité choisie contre les violences sexistes. Mmh. Donc, je l'ai vu parce que l'association Nouvelle Lune en a parlé sur Facebook. Et donc, mixité choisie, ce qui signifie en fait sans hommes, cisgenres. Ok ? Donc, vraiment, elle souhaite qu'il n'y en ait pas à cette manifestation. Et donc, c'est à 20h, place du Maréchal de l'Altre de Tassigny. Mmh. Je suis désolée, j'ai un peu bugué sur le mot. Et voilà, donc une marche de nuit, tous ensemble, enfin tout ensemble plutôt. Non, et tous. Ah oui, tous et toutes. Oui, pas les hommes cisgenres. Oui, ouais, donc les hommes trans, les non-binaires sont là aussi. Tu as raison. Parfait. Heureusement que tu es là pour moi. En restaurant, alors je ne pense pas vous en avoir parlé, et si je vous en ai déjà parlé, arrêtez-moi. Poids Plume, donc c'est 7 places des Meuniers, donc c'est un restaurant vietnamien, et alors vous pouvez le reconnaître grâce à sa devanture assez extraordinaire, où il y a plein de grosses peluches partout accrochées, et à l'intérieur il y a un dragon géant. Et ouais. Ah ouais, carrément. Je vous donne envie, hein. Et donc là-bas, vous pouvez manger des bobounes. Alors, des bobounes, c'est... Mais qui ne connaît pas les bobounes ? En 2018. Oh là. Bon, explique pour ceux c'est qui savent. C'est une espèce de gros bol avec du riz ou des pâtes et puis plein de légumes, hein, à l'intérieur. Et généralement, c'est des choses très, très saines et c'est sans viande. Enfin, en tout cas, bon, ceux que j'ai vus là-bas... T'as des nems parfois avec... Oui, ouais. Ah, oui. Ou du bœuf ou des trucs, ouais. Ah ouais, des fois. Ouais, ça arrive. C'est une salade chinoise, en fait. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que Poids Plume, enfin, vraiment propose un bon paquet, quoi. Enfin, vraiment... Enfin, pas en termes de choix, mais vraiment en termes de quantité. Donc ça, c'est bien. Et puis, comme dit, hein, rien que pour l'ambiance. Et puis, pour le dessert, ils ont des tartes fait maison. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc, on va terminer par un bar, le Troquet des Knekes, qui ne le connaît pas à Strasbourg. Mais, donc, il est 112 Grand Rue. Et C'est vrai que c'est un bar dont je voulais parler parce qu'en fait, c'est pas mon QG non plus, mais c'est vrai que c'est là que je m'y retrouve pour travailler ou pour faire... pour me poser ou entre... Travailler, ça avec va, le bruit. Ouais, tout à fait. Bah, l'après-midi, c'est tranquille. Ah, hein. L'après-midi, ouais. Ouais, et puis t'as un canapé, tout ça, enfin, c'est chouette. Okay. Et je voulais en parler aussi parce que maintenant, ils ont un photomaton à l'intérieur. Oh, sérieux ? Ouais. Où cool. On peut justement payer par carte. Donc, c'est que 5 euros. Et c'est des photos différentes, enfin, et du coup c'est vachement sympa, ouais, tu peux c'est repartir avec et tout. Et c'est un photomaton argentique, me semble-t-il. Oui. Donc t'as vraiment une bonne qualité de photo. Je veux aller là-bas. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas mis... Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds, mais clairement, bah, c'est blindé en ce moment à chaque fois que je passe devant. Ouais. Bah, maintenant je vois pourquoi. Alors par contre, il n'y a pas de compte à rebours. Ce qui fait que la première photo avec Melou, on l'a fait, on a été un peu surpris. Je sais pas si tu te rappelles, oui, la photo est hyper drôle parce qu'on est figé sur une expression de surprise face au flash. Ouais, puis après, c'est vraiment genre premier tac, puis après tout de suite tac, et les quatre. Faut enchaîner, ouais. Ouais, ça arrive vite. C'est vrai que c'est chouette. Mais oui, c'est chouette, tu vas avec ta bande de potes, tu finis par ça, c'est quand même vachement cool. C'est trop cool. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, capitaine. Merci, capitaine. À votre service. On va passer au nono à peu près. Oui. Attends. Est-ce que je vais être aussi mauvaise que les dernières fois ? Ah, c'est pas impossible. Alors, cette fois-ci, j'ai à nouveau envie de vous parler de quelques groupes que j'aime bien. Mais attends, je ne sais jamais les noms. Mais par contre, je sais pourquoi ils s'appellent comme ça. Ok. Du coup, ça peut peut-être vous aider un petit peu. C'est des groupes généralement plutôt connus. Donc peut-être que vous allez un peu m'aider à retrouver un peu et à me rafraîchir la mémoire. Donc on va commencer par le premier. Alors le premier, c'est un groupe de hard rock qui a commencé en 1975. À la base, ça s'appelait Bastard, mais ça a heureusement fini par changer de nom. Alors c'est pas forcément mieux, car c'était un mot d'argot qui parle en fait de quelqu'un qui prend beaucoup d'amphétamines et qui est en fait très speed, ce qui déjà convient bien à ce groupe. Et du coup, c'est un peu l'idée que ce mec, enfin cette personne, a un peu un moteur dans la tête tellement il va vite. Motorhead. J'adore jouer l'anime. Ouais, t'es pas si mauvaise. Tu l'as eu. Un moteur dans la tête. Je oui, pas, là, bon, je suis pas bilingue, donné, mais celui-là il est donné quand même. Moi j'étais à l'ouest, j'étais sur Radiohead. Ouais. Alors, c'est radio dans la tête. Ouais. Mais ouais. Moi j'étais sur Nirvana, alors laisse tomber. Pour une fois que mon anglais perd, hein, c'était parti vers la drogue, du coup j'étais là, ah ouais, peut-être une Nirvana. Forcément. Alors, ok. Et après, j'ai un groupe de grunge qui est justement de la même époque que Nirvana, mais ce n'est pas Nirvana. Ah, shit, bim. Alors, c'est un groupe dont il y a deux mots dans son nom. Le premier vient de la grand-mère du chanteur, qui avait un joli prénom, qui avait une belle signification. Et le deuxième mot vient d'une fois où le chanteur de ce groupe est allé à un concert de Neil Young, où Neil Young avait joué 9 chansons en 3 heures, ce qui est quand même très long. Du coup, sur chacune d'elles, il improvisait. Et lorsqu'en musique on improvise, il y a différents noms pour cela. Qu'est-ce qu'on peut dire notamment ? Lorsqu'on fait une soirée où l'on improvise sur des morceaux. Un bœuf ? C'est pas un bœuf. Ouais, non, c'est là, c'est en anglais. Jam. Voilà, ok. Il y a jam dedans. Donc le deuxième mot, c'est jam. Et le premier, c'est aussi un prénom. Et ça signifie aussi quelque chose de très joli. Pretty jam. Non. Beautiful jam. Non. Non, c'est quelque chose que tu peux trouver dans des coquillages. Alors là, c'est sérieux ? Pearl jam. Oui, Pearl jam. Ouais. Non, mais Pearl jam. J'étais perdu. Perle. Ouais. Pearl jam. Pearl jam, mais je oui. Je connais pas non plus. C'est un groupe de Eddie Vedder. C'est lui qui a fait notamment la musique de Into the Wild en solo. Ah. Et voilà, ils ont commencé presque en même temps que Nirvana. C'est très cool, Pearl jam. Okay. C'est fou toutes les infos que t'as trouvées. C'est vrai. Mais j'ai un bouquin en fait là-dessus. Ah, ça s'appelle Rock Shonari, je crois, un truc comme ça. C'est cool. Alors la suite. Et la suite, ça va être bonne ambiance. Mm-hmm. Alors, le 28 août 1988, pendant un meeting, 3 avions de l'armée de l'air italienne s'écrasent sur le public de ce meeting, faisant plus de 70 morts. Ça se passe en Allemagne. Et c'est en 1995 qu'un groupe allemand décide de reprendre le nom de la ville pour leur nom de groupe en ajoutant un M à l'écriture initiale. Attends, pardon, tu peux refaire la fin. En 95, ouais. 95, un groupe allemand décide de s'appeler comme cette ville où il s'est passé du coup ce crash, mm-hmm. et ils ajoutent juste un M à l'écriture initiale. Rammstein ? Oui ! De toute façon, c'est le seul groupe allemand que je connais. Ouais, c'est vrai. C'était Rammstein. Bah, du coup, c'est Rammstein, mais avec un seul M. Ah, d'accord. Okay. Ah, putain, j'avais dit, c'est quoi, du coup, okay, le nom de la ville? Bah, Rammstein, mais avec un seul M. Putain, je savais pas du tout. Bon, un petit bonus. Je l'ai écrite un peu comme je l'ai lu. Hein. Alors, c'est... On s'est pas fait chier. Je suis allée dans le dictionnaire. J'ai vu un mot, c'était joli. Putain, oui. Mais laisse-moi finir. Parce que c'est pire que ça. C'est Muse. J'ai vu un mot qui était joli, alors je l'ai pris. Et puis, du coup, je fais une chanson avec les mots au-dessus et en dessous. Oui. Non. Si, c'est ça. C'est ça. Muscle Museum. Oui, Muscle Museum. Le premier morceau. De... Non, mais je suis un ancien fanboy de Muse, donc je connais toutes les anecdotes à leur sujet. Voilà. Alors, on n'a même pas eu le temps de réfléchir qu'il avait déjà la réponse. Mais en fait, quand t'as commencé à raconter ces anecdotes, je me suis dit, ouais, il faudrait que je leur raconte l'anecdote de la création du nom de Muse. Et bim. Allez, dans ta face. Ok, bah écoutez, c'était tout. Merci de m'avoir aidé. Vous avez été efficace. J'en ai trouvé un. Bravo. Ouais, c'est clair. Merci. C'est la dernière fois, c'était tellement dur. Là. Il fallait que j'en place au moins cette fois. Sauver l'honneur, tu vois. Au bout d'un moment, les gens vont croire que je participe même pas. Genre, Evie, non, elle participe pas, Nono, à peu près. Elle fait marre. On va les couilles. Hein. Là, t'essayes très fort. Ah bah ouais. Elle tente, c'est un bon début. Yep. Alors, on va parler des recos. Mmh. Alors, on va commencer par... plouf. Tristan. Ok, moi j'en ai 4, 5, mais je me reste. Bravo. Je vais en faire plusieurs en une seule. Un premier recours, je vous propose la lecture. Oh, sans déconner, les livres. J'ai fait ça la dernière fois? Non, je sais pas. Je fais ça la dernière fois, ok. La lecture, Je parle de littérature à chaque fois, s'ils ont pas compris que c'était bien de lire, sais pas. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'avant, je lisais beaucoup. Oui. Yeah. Et puis, ces dernières années, j'ai lu beaucoup moins. Ou alors uniquement des BD ou de la littérature de l'imaginaire, et encore pas tant que ça. Et un beau jour, je me suis dit, il y en a marre. En plus, tous les auteurs que j'admire disent que pour devenir un bon écrivain, il faut lire beaucoup. Alors du coup, je me sentais hyper coupable. Alors du coup, je me suis dit, Tristan, tu te reprends en main, tu te fais une liste sans critique pour te donner courage. Sans déconner. Tu mets les noms des œuvres que tu as lues et tu lis autre chose que de la bande dessinée, de la littérature, de l'imaginaire, même si les deux ont de très grandes qualités. Et j'avais du mal, chaque page c'était dur, fallait que je me force. Et en fait, chaque soir, je passais plus de temps à regarder mon téléphone qu'à lire. Et du coup, j'ai décidé de bannir le téléphone du lit. C'est-à-dire que quand je me couche, j'éteins le téléphone. Tu sors du lit, téléphone. Banni. Je rebondis juste dessus. J'ai vu aujourd'hui une vidéo, et c'est une américaine ou une anglaise, je crois, qui a fait ce truc. C'est Read After 10, et c'est l'idée qu'à partir de 22h, elle coupe totalement son téléphone et qu'elle le met loin. Ah, mais je fais ça. Et du coup, ça rejoint totalement. Alors, je fais ça, et en plus de ça, sur ma pause de midi au taf, je m'en réserve toujours au moins un quart d'heure pour lire. Et en fait, putain, ça change ma vie. Mais vraiment, en fait, je me rends compte que plus je lis, plus j'ai envie de lire, et plus je lis vite, du coup. Et j'ai retrouvé ce plaisir que j'avais un peu perdu d'avoir hyper hâte que la journée se termine pour lire la suite de mon bouquin. Et quand je lis dans le bouquin, il peut y avoir une guerre nucléaire à côté, je n'en suis pas conscient parce que je suis dedans, et du coup c'est trop cool. Donc dernièrement, j'ai lu notamment Les 9 consciences du Malfini, et ça je crois que j'en ai parlé dans le dernier podcast, je suis pas sûr. J'en ai parlé à tellement de gens. Si, t'en as parlé, ouais. Je sais pas. Je sais plus si c'est dans le podcast ou si c'était en off. Dans le doute, c'est l'histoire d'un aigle qui va prendre conscience qu'il existe des colibris, et notamment un des colibris qui est un peu foufou, d'ailleurs il va l'appeler le foufou, qui a une façon de se comporter qui est pas normale, le fait d'observer le foufou va totalement déstabiliser l'aigle et lui faire prendre 9 prises de conscience, qui va totalement changer sa vie. Et c'est une super fable, notamment sur l'écologie, mais aussi sur la société, sur notre rapport à l'environnement, etc. Et là, je viens juste de finir Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, on en parlait tout à l'heure, qui est un super western moderne, et qui m'a totalement plongé dedans, enfin, vraiment très très chouette. Ma deuxième reco, c'est Breaking Bad. J'ai enfin fini Breaking Bad, c'est vraiment la meilleure série de tous les temps, je la place au-dessus de tout ce que j'ai pu voir avant, et ça correspondait bien au livre Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Et ma troisième et presque dernière reco, c'est le jeu de société Hero Realms, qui est... Alors, ça s'écrit Hero comme un héros, et Realm comme, je sais pas, R-E-A-L-M, je sais pas ce que ça veut dire. C'est un, ce qu'on appelle un deck builder, c'est-à-dire que donc ça se joue de 2 à 4 joueurs. Je vais vous expliquer les règles pour 2, ce sera plus simple. Donc on est 2, on va dire, chefs d'armée. Voilà, notre but c'est de poutrer l'autre chef d'armée. Au milieu de nous deux sur la table, il y a un marché constitué de 5 cartes, donc constituant des sortilèges ou des créatures. Chacun à son tour, on va pouvoir utiliser les cartes qu'on a dans notre main pour acheter des cartes qui sont dans le marché, les intégrer à notre deck, et dès qu'on mélangera notre deck et repiochera des cartes, on va pouvoir utiliser les cartes qu'on a achetées pour tabasser la personne en face. C'est super chouette, ça ressemble pas mal à tout ce qui est les cartes Magic, Yu-Gi-Oh, tout ça. Donc si vous êtes un peu nostalgique de ces cartes-là, ou si vous avez un peu laissé tomber parce que vous n'avez pas assez de thunes à mettre dedans, bah, l'avantage avec ça, c'est que du coup, tu achètes une fois le jeu, et puis en fait, tu retrouves la mécanique de ces cartes à collectionner, sur le côté collection. Donc moi, j'ai vraiment accroché. Et voilà, et je voulais juste terminer les recos pour dire que c'est le Nanorimo qui commence très bientôt au mois de novembre. On a commencé le podcast sur un épisode spécial Nanorimo et on va repartir là-dessus. Donc bon courage à tous les auditeurs et auditrices qui participent. Voilà, j'ai fini sur mes recos. Ok, merci beaucoup. On passe à Nono. D'accord, on passe à moi. Alors moi, j'ai passé une très très belle journée musicale aujourd'hui. On est le 26 octobre et je me suis cotée sur mon Spotify pour y trouver le nouvel album de Save the Day, qui est un groupe de punk rock emo que j'adore, qui est en train de revenir, de Razorlight, donc groupe anglais qui a fait un tube avec America, qui a fait un album il y a 10 ans, puis qui n'est pas revenu depuis 10 ans, donc il sort son nouvel album qui est vraiment très très bon, s'appelle Olympus Sleeping. J'ai le nouvel album de Normandie, donc dont on parlait très vite fait pendant ma chronique, qui est un groupe suédois de punk rock, grosso modo. De gentil punk rock qui est très très chouette, vraiment super album, mais surtout on va parler de Julian Baker. Oh non, encore. Oui, mais c'est encore mieux que ça. Oui, parce qu'on va parler de Julian Baker, qui est en duo avec avec deux artistes incroyables qui sont Phoebe Bridgers, que j'aime énormément, qui est très cher à mon cœur, et Lucy Dacius, que j'aime beaucoup aussi, qui ont fait un groupe qui s'appelle Boy Genius. Boy Genius, en fait, c'est un peu l'idée qu'elles ont décidé de faire tout seules en tant que femmes de moins de 25 ans, et qu'elles enviaient en fait la confidence des mecs qui savent pas grand chose mais qui ont l'impression de tout savoir, qui vont quand même te l'imposer. Elles ont dit ok, nous aussi on peut être comme ça, nous aussi on peut être badass, nous aussi on peut être des Boy Genius. Et du coup elles se sont enfermées pendant 5 jours, elles ont écrit ensemble, en fait chacune a apporté une chanson quasiment finie et une idée de chanson. Elles ont travaillé comme ça, toutes les trois ensemble, pendant plusieurs journées. Et le résultat est incroyable, tout simplement. Il y a de très très très bonnes choses dans cet album. Il est fou. Enfin, c'est plus un EP, c'est un 6 titres. C'est très très beau. Les voix se mêlent d'une façon incroyable. Il y a Julian Baker qui fait un solo de guitare parce que les filles l'ont dit bah, « Vas-y, fais-le plus tard, fais un solo de guitare, arrête de te retenir !» voilà, c'est un album qui est vraiment magnifique, donc voilà, de Boy Genius. Enfin, voilà, je veux vraiment écoutez-le, il est dingue. Écoutez notamment une chanson Ketchum Heidi, qui est une ballade folk où les trois voix se mêlent, mais un truc de dingue, et qui parle de la vie en tournée, de la difficulté que c'est aussi pour elles, et qu'un jour elles iront en Idaho, se retirer, se reposer un petit peu. Voilà pour ma première reco, donc je suis très très très enthousiasmée que vous pouvez le comprendre. J'ai une deuxième reco qui n'est pas très inclusive parce que ce n'est qu'en anglais, désolé. C'est une humoriste que j'aime énormément, qui s'appelle Mae Martin. Mae Martin, elle est canadienne, elle vit en Angleterre et elle est très cool déjà. mais elle a en fait un humour qui est très, très personnel, où c'est assez vulnérable en fait, mais en même temps c'est toujours très drôle. Donc elle a fait je vais y venir après. Elle a fait un premier show qui s'appelait Us, et un deuxième actuel qui s'appelle Dope, donc Dope comme la drogue. Et en fait, c'est notamment un spectacle où elle parle de sa personnalité un peu addictive, où elle était accro à la drogue lorsqu'elle était ado, parce qu'elle a arrêté l'école à 15 ans pour devenir comique, et du coup, elle fréquentait des gens beaucoup plus âgés qu'elle, donc elle a mal fini. Moi, par exemple, il y a une des blagues qui me fait énormément rire d'elle, donc c'est quand elle parle de tout ça, notamment elle dit « J'ai pas pris de cocaïne depuis 10 ans, mais si quelqu'un en a... » Je lui dis là, non, je déconne. Et elle explique notamment quand elle est en soirée maintenant, vu que maintenant elle a 30 ans, et elle fait toujours des soirées comme ça, bah, de comique, hein. Donc forcément c'est un milieu où la drogue circule, et que des gens viennent la voir, et qu'ils lui disent, ils savent pas forcément qu'elle était accro, ils lui disent, pour te prévenir, il y a de la coke qui est en route d'ici 20 minutes. Hein. Et pour elle, ça lui fait comme si les gens lui disaient, écoute, il y a ton ex-copine, l'amour de ta vie, que t'as mis depuis 10 ans, qui vient à la soirée, qui est là dans 20 minutes, ça te va ? Elle est là. Ouais, bah écoute, je vais pas l'empêcher de venir à la soirée, hein. Cool, hein. Parce qu'on va se la faire devant toi, parce qu'on est dans la cuisine tous ensemble, hein. Et c'est vraiment très drôle, et elle finit notamment cette histoire en disant, mais rappelez-vous ce que la drogue a fait pour moi, en fait. Mes parents la détestaient, elle m'a pris tout mon argent, elle a ruiné des communautés en Amérique latine. Voilà, c'est ce genre de blague, hein. Alors, c'est vraiment très très drôle, donc il y a quelques vidéos d'elle sur YouTube. Et j'ai découvert en fait qu'elle avait adapté le premier show Us, donc Us qui parle de plein de choses, notamment de sexualité, où elle a grandi dans une famille hippie, elle est elle-même bisexuelle, mais en fait, elle a souvent été en relation avec des femmes. Et lorsqu'elle a dit que finalement, peut-être qu'elle se mettrait aux hommes, les gens étaient là, mais non, mais tu es gay. Voilà, c'est ça. Et que les gens ne la croient pas, du coup. Et donc voilà, donc elle parle de tout ça donc, dans un podcast, donc qui est adapté finalement de ce spectacle. Sur la BBC Radio 4, s'appelle May Martin's Guide to 21st Century Sexuality. Voilà, il y a 4 épisodes sur plein de thématiques, voilà, comme ça, les étiquettes, les choses comme ça. Voilà, et c'est très drôle, c'est très intéressant, et c'est vraiment très très très chouette. Okay. Voilà, cool. Voilà mes recos. Parfait, merci Nono. Alors pour mes recos, moi j'ai parlé du Feminigoon Fest que j'ai été voir justement, c'était ce mois-ci. Et suite à ce festival, en fait, donc c'était un festival de cinéma, essentiellement, où il passe des courts-métrages et des films féministes et lesbiennes. Et donc, du coup, c'est super intéressant. Et en fait, déjà depuis l'année dernière, j'avais hésité à faire partie de cette association parce que je trouvais que cette association était importante et les gens que j'y avais vus, parce que du coup, il y a souvent des espèces de pots communs après les projections. Et les gens que j'y avais vus, justement, étaient vraiment... Enfin, elles avaient l'air vraiment très très sympas. Et je pense que ce serait bien que, en tant que personne qui travaille, comment dire, dans l'animation, je pourrais justement apporter mes compétences dans quelque chose de plus engagé et justement pourquoi pas la nouvelle lune, donc l'association en question. Et donc j'en parle ici parce qu'en fait j'ai commencé un peu à en parler autour de moi et il y a des gens qui m'ont dit ah mais je connaissais pas, donc sachez-le, voilà, une association existe, la nouvelle lune donc, et qui parle de du féminisme et des lesbiennes. Et la deuxième reco, c'est la Petite Course. En fait, la Petite Course, c'est une petite boutique qui existe à Strasbourg et qui est vraiment chouette parce qu'elle revend des vêtements déjà utilisés, déjà portés. Et en fait, je ne pense pas en avoir déjà parlé, mais depuis un an à peu près, je me force à ne plus acheter de vêtements neufs parce que ça correspond mieux à mes engagements justement et à mes convictions personnelles. Et je souhaite vraiment acheter seulement des vêtements déjà utilisés, déjà achetés. Donc généralement, je vais dans les brocantes. Et justement, la Petite Course est assez idéale pour moi parce que je trouve qu'elle propose un bon choix de vêtements de plein de tailles différentes. Et puis la nana à l'intérieur est vraiment agréable, elle est cool. Et c'est marrant parce que du coup, je passe devant tous les matins. Et elle change sa devanture tous les matins. Ses mannequins changent tous les matins. Je pense qu'elle doit s'éclater. Et voilà. Bon, par contre, c'est pas ouvert le samedi. Oui. Je voulais emmener Evie là-bas. Et on était toutes les deux, genre, bouche bée devant, genre, oh, c'est fermé. Il y a des fringues pour les hommes aussi là-dedans. Bon, c'est hyper galère, je trouve, de trouver des... Enfin, la plupart des fringues, ouais, des trucs comme ça, c'est majoritairement des femmes. Il me semble. J'ai pas trop regardé pour les hommes, mais je crois bien, oui. De toute façon, ça m'étonnerait que ce soit que pour les femmes. Mais peut-être, oui. On va regarder. La prochaine fois que j'y vais, je te dis. D'accord. Du coup, il reste que moi. Donc moi, je vais vous parler un tout petit peu musique et un tout petit peu littérature. Donc, musique, la dernière fois que je vous parlais de Theory of a Dead Man, je vous ai fait écouter Eric's Medicaid, et je n'avais pas écouté l'intégralité de l'album, c'était la seule que je connaissais. Mais j'étais tombée dessus par hasard, dans une playlist Spotify, et concrètement, du coup, j'ai écouté l'album, donc Wake Up Call, Et ça fait une semaine que je l'écoute en boucle, en fait. Et du coup, ouais, il est vraiment génial, donc je l'aime beaucoup. La seule fois où j'ai fait une pause, c'était parce que, il y a des gens dans mon bureau, donc je ne peux pas chanter, et j'avais besoin d'être un petit peu plus concentrée. Donc quand tu connais les paroles, ça devient compliqué. Et j'ai lancé une playlist d'ambiance Spotify qui s'appelle Autumn Lounge. Il n'y a pas de paroles, c'est des musiques généralement assez longues, et j'aime beaucoup, c'est beaucoup d'instrumental, c'est vraiment Je la connais, cette playlist. Elle est vachement bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors ça fait très un peu... C'est un album, je crois, non ? Bah là, c'est une dans les playlists d'ambiance que moi, je l'ai trouvé. Ouais, et moi aussi. Ça fait un peu expérimental, enfin, ça fait pas hyper classique comme musique. Avec des petites feuilles, non, sur la pochette. Je sais pas, comme ça. Alors, c'est pas du tout radiophonique. Ah non, mais, alors c'est pas ça. Non, pardon. Mais du coup, okay. C'est une playlist que vous pouvez retrouver sur Spotify. Alors, elle était très bas dans la liste, hein, personnellement. Mais j'ai beaucoup aimé. Du coup, deuxième reco, donc littérature. Donc là, ça rejoint le fait de lire. Alors moi, j'ai pas le temps de lire. Enfin, je me prends pas le temps de lire en ce moment. Et c'est pour ça que je traîne depuis un petit moment un bouquin dont je vais vous parler. C'est Le Fléau, de Stephen King. Alors, beaucoup de gens connaissent Stephen King. Et étonnamment, Le Fléau est un des livres qui s'est beaucoup vendu lorsqu'il est sorti. Et maintenant, les gens ont l'impression... Enfin, j'ai l'impression que les gens le connaissent moins. Alors, il a été réédité, il est en 2 tomes. Ça fait en tout 1500 pages. Donc, il faut s'accrocher. Et ça va nous raconter l'histoire d'un virus qui a été créé par l'armée des États-Unis, qui va s'étendre sur le territoire et peut-être même à l'international, à voir. Et en fait, les premiers symptômes de cette maladie sont un rhume. Sauf qu'il est mortel à 99,4%. Voilà, donc pour ce début d'automne, je trouve que c'est une lecture magique, parce que du coup, on a l'impression que tout le monde autour de soi va crever, et quand on commence à être malin, on se dit « je vais mourir aussi, tout va bien ». Du coup, ça c'est que le tout début, je vous laisse découvrir le reste. Pour le moment, moi je suis plongée dedans, et j'aime beaucoup, et je regrette de ne pas prendre le temps de lire du coup. Alors, débranche ton téléphone tous les soirs. À 22h. Je vais y penser, vraiment. Sauf que des fois, je suis pas chez moi. En fait. Avec le nano qui arrive, à mon avis. C'est mort. Oui, je recommande le nano aussi. Parce que je le fais quand même l'année dernière avec Tristan. Et Nolou le fait avec nous. On l'a converti. Nolou ah ouais avec nous cette année. Il reste plus que moi. On est trois. Il y a que Nono encore. Donc, ouais, non, moi non. L'irréductible. Mais on y croit. Bon, je dis pas que ça va donner quelque chose. Mais... ouais, on y participe tous. Voilà. Enfin, tous les trois, pardon. Oui, bon, ça va. Hein. Vous sentez la persuasion que j'essaye ou pas ? Je vais pas le faire, non, c'est mort. Sachez quand même que grâce à ces recommandations, et grâce aux recommandations de Evie, je suis devenue une accro à Transfert, le podcast dont elle avait parlé dans le dernier épisode. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. C'était le dernier épisode ? Oui, c'était sur celui du FEST, justement. Oui. Je l'avais écouté depuis que j'ai... On a fait des recos. On n'avait pas fait que des recos sur le FEF. Bah, c'était peut-être celui d'avant. Moi, c'est celui d'avant, alors. Ouais, c'était dans un épisode. C'est ça. Merci pour toutes vos recommandations. En tout cas, c'était agréable à entendre. Et je pense qu'on va en piocher un peu, deux, trois, un peu partout. Evie, tu avais ta dernière chronique sur le bout de la langue. Voilà. Merci. Au moment où vous écoutez ce podcast, le mois d'octobre vient tout juste de se terminer, et avec lui Halloween. Mais savez-vous d'où vient Halloween ? Ah ah, alors, j'ai écouté l'émission ABCD... ils vont spoiler du... Je crois qu'ils en parlent pas mal. Attends, quoi que... Je me rappelle plus trop bien, donc vas-y. Alors, au départ, c'est ça pour ça. Ouais, c'est ça, c'est Tristan. Mais moi, j'ai cru qu'il allait tout me spoiler, en fait, finalement, non. Au départ, c'est une fête celtique d'origine irlandaise, et c'est même le nouvel an celtique. Donc il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Oh. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort, donc Samhain. Et le mot d'Halloween, est-ce que vous savez d'où il vient ? Alors en fait, c'est Noël et Pâques, non, ils ont parlé d'un BCD, pas du tout d'Halloween, mais c'était sur les fêtes. Ah, donc du coup, ils ont pas... Du coup, avec l'arrivée du christianisme, les catholiques décident, à partir du 9e siècle, de la fête de la Toussaint, donc de fêter tous les saints, le 1er novembre. Et si on regarde de plus près, le mot Halloween, c'est une contraction de Hall Hollow Ewen, qui signifie « The Eve of Hall Hollow's Day », en anglais contemporain, qui peut se traduire par « la veille de tous les saints » ou « la veille de la Toussaint ». Donc en fait, le mot est simplement « la veille du 1er novembre ». Et du coup, la citrouille dans l'histoire ? Alors si, ça je sais. À chaque fois il fait le coup. En fait non. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais on n'y croit pas. Non, mais il y avait une raison trop débile en plus, genre non, je sais plus. Ah sans déconner. Non mais c'est genre il y avait plein de citrouilles partout dans le jardin cette époque de l'année, alors je crois qu'ils les utilisaient, je sais plus. C'est faux. Ouais, c'est pas ça. Il y a un truc avec la lanterne. C'est Jack aux lanternes normalement. C'est ça, elle vient de la légende de Jack aux lanternes, et parce que vous n'avez l'air de pas la connaître, je vais vous la conter. Oui. Jack Stingy, habitant à Wicklow, une bourgade de la côte irlandaise, homme riche et avare, ivrogne accompli. Jack vit dans l'opulence sans se soucier de son prochain. Ses nuits, il les passe au Wickley Square à boire. Une nuit, cette fameuse nuit de pleine lune célébrant sa main, accoudé au bar, comme toujours, il rencontre le diable. Satan tente de s'approprier l'âme de Jack. Rusé, Stiggy accepte à une condition, que le diable lui paye un dernier verre. Satan accepte et se transforme en pièce de monnaie. Jack, au lieu de passer commande au tavernier, glisse la pièce de monnaie dans sa poche. Il garde depuis toujours au fond de cette poche une croix en argent. La croyance veut que le symbole de la croix paralyse le diable. Satan se trouve ainsi piégé. Jack propose de le libérer s'il permet de lui donner encore 10 ans de sursis. Obligé d'accepter, le diable regagne les enfers furieux. 10 ans plus tard, Satan surprend Jack au détour d'un chemin planté d'un pommier. Il est temps, comme convenu, de récupérer l'âme de Jack. Jack accepte cette fois-ci en échange d'une dernière pomme. Le diable grimpe sur le pommier, Jack en profite pour tracer une croix sur le tronc de l'arbre. Une fois de plus, Satan se retrouve piégé. Il est pas bien malin. Il est contraint d'accepter le nouveau marché que lui propose Jack. En échange de sa liberté, ne jamais, jamais prendre son âme. Et Satan s'en retourne une nouvelle fois bredouille aux enfers. Si Jack avait su ce qui l'attendait, il aurait sans doute réfléchi à deux fois avant de conclure un marché pareil. À sa mort, Jack se voit bien entendu refuser l'entrée des portes du paradis. Il frappe alors aux portes des enfers. Le diable lui rappelle sa promesse, ne jamais prendre son âme. Il n'entrera pas plus aux enfers qu'au paradis, qu'il retourne donc d'où il vient. Pour toute consolation, le diable lui offre une braise qui le guidera dans sa longue pénitence. Jack, pour protéger le charbon incandescent du vent, la place alors dans un navet soigneusement évidé. Depuis ce jour, Jack Stingy erre comme une âme en peine, sa lanterne improvisée dans une main, entre le monde des vivants et celui des morts. Il réapparaît le jour de l'ouverture de la brèche entre les deux mondes, le jour de sa main, en attente du jugement dernier. Lors de la migration des Anglais en Amérique, ils emportent avec eux leur tradition celtique et la légende de Jack aux lanternes. Mais dans leur nouvelle patrie, les navets ne se cultivent pas en abondance. À la place, ils utilisent donc des citrouilles qui font très bien l'affaire et sont encore plus faciles à évider. Depuis, les fameuses citrouilles d'Halloween sont surnommées les Jack-o'-lanternes. Ah, c'était intéressant. J'avais déjà entendu cette histoire-là, c'est pour ça. Mais oui, mais elle est trop cool, cette légende. Bah oui, je trouve ça génial. Mais par contre, Satan, il est un peu nul. Il est très très con, Satan. Il est très gentil, en fait, pour mes enfers. Oh, tu veux une pomme? Ok, bah je m'en occupe. Sans déconner. Il est plutôt serviable, hein. Ah grave, c'est ouf. C'est ça. Les nounouilles. Mais du coup, c'est quand même un bon con. Satan. La preuve que il se fait avoir Satan, mais il finit quand même par gagner. Et l'autre, il erre comme un con tout seul. Quoi. Ah, les pactes avec le diable, généralement, ça finit. Ah bah ça finit mal. Même quand le diable n'a pas ce qu'il veut. On en a la preuve. C'est pas mal. Ouais, au final, à ta mort, c'est lui qui décide. Hein. Ouais. Bah, c'est ça. Là, il lui a fait promesse. Bah non, tu restes. Voilà, démerde-toi. M'en fous. Tandis que si dans la série The Good Place, ils ont aussi The Medium Place. Oui. S'il y avait eu ça, il aurait été peinard, Jack. C'est ça. Et là, non. Voilà, c'était la petite minute culture. Merci, Evie. Merci, Evie. Eh bien, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. C'était un podcast très, très agréable pour nous tous. Enfin, moi, je parle pour moi, mais je pense... Ouais, c'était sympa, c'était bien. Il y avait du sang, des tripes... Ouais, j'avoue, il y a tout ce qu'il fallait. Notre curiosité morbide a été satisfaite pour aujourd'hui. Oui, j'espère que vous aussi, que ça y est, vous vous sentez mieux. Maintenant, vous vous sentez soulagé. Vous pouvez respirer. Après, on va faire une minute de méditation. Voilà. C'est ça. Ça va mieux, ça y est, c'est sorti de vous. Et on vous souhaite une très très bonne soirée ou une très très bonne journée. Une très bonne nuit. Ou une très bonne nuit. Pour nous, ça va être une bonne nuit. Ou un très bon petit déjeuner, je ne sais pas. Mais on vous souhaite tout le meilleur du monde. Bonne soirée à tous, enfin bonne journée. Et n'oubliez pas de partager cet épisode, de vous abonner au SoundCloud ou au Flux RSS, à la page Facebook, au Twitter. Suivez-nous, mettez-nous des étoiles, on vous aime. Et de nous laisser des petits mots, on veut partager avec vous aussi. Oui, au revoir. Salut. Alors nous revoilà pour la traditionnelle partie bonus de jeu de rôle. On va commencer par un petit rappel des épisodes précédents parce que ça fait un petit moment qu'on y joue, ça fait un petit moment que ça commence à partir dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 8 dernières sessions ? Alors, l'histoire prend place lors d'une session du Nanorimo dans le magnifique château des Hauts de Königsbourg. À quelques minutes de commencer la kick-off, une panne de courant sème la panique générale. L'organisatrice charge nos trois héroïnes, Evie, Nolou et Nono, de résoudre ce problème. Elles s'aventurent donc dans les entrailles du château, mais les choses prennent une tournure pour le moins étrange. Dans une sorte de grande bibliothèque, elles dessinent des symboles au sol et changent brutalement de dimension. Le château est toujours là, mais une créature gigantesque apparaît à l'horizon et l'atmosphère fleurbond le post-apocalyptique. Au cours de leur exploration, nos héroïnes tombent également sur un genre de portail dimensionnel à travers lequel elles se voient mourir des mains de soldats mutants. Ivres de vengeance, elles massacrent leurs assassins dimensionnels. À cet instant, elles sont toujours aussi paumées, si ce n'est plus. C'est alors qu'un étrange personnage, un vieillard vêtu d'une blouse blanche, apparaît dans un couloir. Elles le pourchassent, elles se retrouvent dans un immense labyrinthe souterrain qu'elles traversent au péril de leur vie, évitant des pièges et des créatures dont le niveau technologique semble n'avoir aucun lien avec le reste de l'aventure. Au terme de ce labyrinthe, elles pénètrent dans une salle étrange, qui pourrait être le laboratoire d'un savant fou tout droit sorti d'un épisode de Rick et Morty. Le vieillard qu'elle pourchassait les y attend et pointe une arme ressemblant vaguement à une limace dans leur direction. Evie perd une jambe, sous le regard horrifié de ses deux amis. Heureusement, le vieil homme qui se nomme en réalité Eric Lachaise réalise qu'aucune des trois jeunes femmes n'en veut à sa vie et répare la jambe d'Evie en l'équipant d'un membre bionique. Alors que Nolou le presse de questions, sur lesquelles il reste plutôt évasif, un nouveau portail dimensionnel apparaît, causant un grand effroi aux scientifiques. Eric ouvre un passage secret dans un mur et se met à courir, entraînant Nolou, Nono et Evie, ainsi que son membre bionique, dans sa course. Et maintenant, la suite. Courez, bon sang! Ces raclures vont bien finir par nous rattraper! Vous courez de toutes vos forces, dans votre dos, des voix déformées par un genre de vocodeur vous somment de vous arrêter. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Le couloir dans lequel vous progressez semble être un cul-de-sac, mais Eric sort une craie de la poche de sa veste, dessine un pentacle sur le mur, ainsi qu'une série de symboles bizarres, et les pierres se mettent à s'évaporer, laissant place à un escalier qui monte. Il s'y engage sans un seul regard en arrière. Que faites-vous? Bon, on suit. Ok. Vous avez des pensions qui sont toujours dans votre dos. Un petit regard en arrière vous permet de voir qu'elle pointe le canon d'une arme qui ressemble à un genre de pistolet ultra sophistiqué et qui clignote. Il y a une dizaine de LED sur le pistolet et ça clignote en bleu. Déjà, c'est pas une limace, moi ça me rassure un peu. Mais. C'est une limace, ça ne me réussit pas. Ouais, c'est clair. Hein. Non, mais on monte, on peut pas faire. Ouais, on peut rien faire d'autre, de toute façon. Alors, vous pouvez me jeter toute attendez, je vais voir laquelle de notre vie sera visée par cette... Moi, je sentais courir vite, hein. Donc, Nolou, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Dextérité. C'est pas ta journée. J'ai 4. Et t'as gagné combien? Ok, tu entends un petit djum et tu sens comme une décharge électrique qui part de tes omoplates et qui se répand dans tous les membres de ton corps et tu te figes immobilisé dans une expression de surprise sur le visage. Oh. Ils vont choper les gars. Bah Nono porte-la. Nono et Evie, vous êtes légèrement plus haut, vous avez deux marches d'avance. Vous entendez le haut de Nolou et vous la voyez se figer, que faites-vous? Attrape-la, bah ouais, je vais la choper, ouais. Ouais, j'ai 4 de force. Ok, donc tu apprends, tu vas tirer avec toi. Ouais. Donc tu vas me faire un petit jet de force dans ce cas-là. 16, donc 20 avec la force que j'ai déjà. Oh oui. Okay. Tout, voilà. On savait que prends ça comme un sac à patates sur l'épaule. À courir. Allez, allez, là. En petite foulure. On a les genoux. Aucun problème. Il va y avoir un deuxième tir, à moins que tu sois faire une action. Ouais, non, mais je cours. Tu cours, d'accord. Tu sais quoi, fais-moi un jet de... un jet de force, pour voir si tu arrives à distancer tes assassins. Ouais, je te soutiens depuis le début, et tout. C'est ça, comme ça. 23. T'as fait un 20 naturel? Oui. Ok. Ta jambe bionique semble d'un coup, enfin, elle a ça, peur. Ça te donne une force en fait à laquelle tu elle sentille et tout. Ça s'appelle la peur. Non, ça s'appelle la surpuissance de ta jambe bionique et tu gravis les marches mais 15 par 15 quoi. Mais d'un coup, d'une enjambée, tu es déjà tout en haut de l'escalier. Mais en fait, qu'avec une jambe, donc je pose l'autre jambe et je... Ouais, mais c'est pas grave, tu boites un peu mais tu boites comme personne n'a jamais boité. Faut bien que réussisse ce truc. Tu atteins très vite le sommet des escaliers et le sommet des escaliers. Je rejoins le Eric là. La jambe a une âme, tu vois. Genre, c'est ça. Genre elle veut se sauver. Voilà, elle a peur pour sa vie. Elle sait que la propriétaire a la poisse, elle se dit non, on va avancer même. Effectivement, tu rejoins Eric qui a déjà rejoint la surface et donc tu. En fait, l'escalier mène à la surface et tu regardes autour de toi et tu réalises que vous êtes vachement éloigné du château car le château apparaît au loin. Ah ouais. C'est quand même assez loin. Nono, j'ai besoin que tu me fasses quand même un jet de force pour savoir si tu arrives à distancer l'adversaire. Ouais. 18. Donc 22 avec ce que j'ai. Ça va, on est bien. Ok, donc pareil, pas de problème. Derrière toi, ça tire, mais en fait, tu vas tellement vite que les tirs de laser ricochent contre le mur et ne te touchent pas. Tu arrives donc à ton tour à la surface. Eric te regarde et dis donc, ça marche super bien ce que je t'ai bricolé là. Faut pas qu'on traîne, faut qu'on se casse d'ici maintenant. Et il continue de courir en s'éloignant du château. On le suit. Alors toi, tu es pour l'instant malheureusement immobilisé. Oui, c'est vrai. Tu, à la rigueur, tes lèvres commencent à se décoincer un petit peu. tu peux donner des indications, mais pas hyper clair. Bah après, on n'a pas de raison de retourner au château en fait. Bah ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on connaît pas Eric, mais vu que les gens nous figent, si on bouge pas. Vaut mieux qu'on se casse. Vaut mieux qu'on se casse. Ok. Donc, vous vous mettez à le suivre. Et il se retourne, il dégaine sa lunette de face. il dit allez-y, je vais vous couvrir. Et il se positionne en position de tir. Il tire le. L'arme. Sa limace. Il arme sa limace. Il vers l'arrière. Et vous entendez la limace qui commence à se charger avec son petit. Mais non. Si caractéristique à cette arme. De l'ouverture des escaliers d'où vous êtes apparu, commence à apparaître la première personne en fait qui vous poursuivait. Donc à quoi ressemblent vos poursuivants, car vous ne l'avez même pas jeté un regard en arrière? Non, c'était trop risqué. Alors, ils ne méritent même pas notre regard. Outre leur espèce de d'arme clignotante. Ce sont des personnes qui sont casquées, habillées dans une matière qui a l'air particulièrement résistante, genre gilet pare-balles, quelque chose comme ça, quelque chose de plutôt moderne. Donc vous ne voyez absolument pas ni leur visage, ni même vous n'êtes pas vraiment capable d'estimer leur corpulence parce qu'ils ont une sorte d'armure fat quoi, qui les recouvre. Donc une première personne qui s'approche, qui voit la limace en train de se préparer, qui se jette au sol. Ça n'a pas suffi pour moi. Et qui se jette au sol, qui exécute une roulade, la jambe passe au-dessus de son épaule, elle lève son arme, les LED lumineuses se mettent à clignoter en rouge et elle s'apprête à tirer sur Eric. Vous avez le droit de faire d'avoir une réaction tout de suite. Petit bouclier, est-ce qu'on peut pousser Eric hein? Tu peux me jeter un bouclier. Oh, mais tu risques d'être triste du coup. Ouais, bouclier. Tu veux un jet de. De dextérité, comme tu préfères. T'as envie de casser. Est-ce que tu veux le pousser avec force ou plutôt avec agilité? Avec force. Ok, donc t'as fait quoi comme. J'ai fait 2. Ok, donc. Et t'as combien? T'as 6. Ok, donc tu es un petit peu handicapé par Eric. Le sac à patates qui est en prison. Oh ouais, un peu de respect s'il te plaît. Pour et les gens figés. Du coup, tu. Tu essaies de le pousser, mais en fait, t'arrives même pas à l'atteindre, en fait. Hein. Evie, tu peux peut-être faire une réaction. Après qu'elle ait essayé de le pousser. Ouais. Ou je vais essayer de faire pareil. Allez, avec le bout de ma jambe, comme ça. Avec quoi? Tu utilises ta force ou ta dextérité pour cette action? J'ai les mêmes caractéristiques, hein, donc... C'est plus pour l'action, à quoi elle va ressembler. Ouais, la dextérité. Okay. Pas que ça passe mal non plus, il va écraser la limace sinon. 14 et 3. Okay. 17. Oui, on va faire ta révolution. Je veux dire un truc. Tu as le bras droit qui commence à avoir de nouveau des sensations. Ah non, ça va, ça fait pas trop longtemps. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Non, je peux rien faire. Bah, t'es sur mon épaule. Elle s'accroche un petit peu plus à Nono. T'es genre, non, ne me lâche pas. Ouais, j'accroche Nono. Ok. Donc, Evie, tu te jettes sur Eric en disant attention! Et tu arrives à le tirer juste au moment où un laser rouge, cette fois-ci, passe et frôle sa joue. Et il y a une petite brûlure à la joue. Ah, bordel! Les deux autres assaillants apparaissent et pointent vers leur flingue. Une petite diode lumineuse clignote en rouge. Elles parlent, les personnes parlent toujours avec leur repreneur comme ça. Et elle dit posez vos armes, aucun mal ne vous sera fait tant que vous vous rendez. Mais nous on n'a rien à faire en même temps. Bah ouais, nous on n'a rien à voir dans cette histoire. On n'a rien contre vous, c'est après Eric Konana. Alors, attends, j'ai même prévu un petit phase de dialogue. Donc elles disent, c'est fini la chaise, pose ton arme et rends-toi. Lui, il crie jamais, allez vous faire foutre, en voilà, balançant des petits doigts, voilà. Et il arme de nouveau cette masse de l'espace. Est-ce que vous souhaitez faire une action? Ton bras gauche est en train de se libérer de son emprise, Nelou. Ce serait pas une police interdimensionnelle? Ce serait très drôle. On dirait. Les deux lumineuses rouges se mettent à clignoter de plus en plus vite. Ça, vous sentez que là, ça a ouais, mais pas sur nous. Sur un ouais, gunfight. Après, il y a toujours des balles perdues. Hein. Quoi? On peut pas juste se casser très vite en courant et les laisser faire leur bordel. Il n'y a pas des cailloux ou... Est-ce qu'on peut s'éloigner simplement, Nouveric? Oui. C'est genre... Alors, donnez-moi une action. Vous avez 5 secondes pour réagir. Moi, je m'éloigne. Genre, s'ils sont en face comme ça et qu'Eric est là, moi, je... Ouais, on s'écarte un peu de leur bordel. Dans la même direction qu'Eli? Bah, je sais pas si c'est du même côté que moi, mais... Ok. Vous vous éloignez, Eric fait « Bande de lâches !» Il m'a niqué une jambe. Et au moment où les tirs de laser sont sur le point de retentir, au moment où tout ceci s'apprête à se terminer en règlement de compte façon mafia. En bain de sang. Regarde, bain de sang. Comme surgit de nulle part une patte immense apparaît dans la brume et se pose juste derrière Eric. Donc là, le scientifique, il a toujours sa lèvre tendue devant lui. Il est un peu pétrifié, il fait « Oh, merde !» Déjà, tu sens que c'est pas volontaire de sa part. Ça aurait pu être son ami Noël de compagnie, tu sais, genre « Viens, je suis dans le mal !» Donc ça ressemble un peu à un genre de patte, comme si c'était de la patte d'une araignée géante, sauf que ça a l'air d'être fait d'une matière qui vous est totalement inconnue. Peut-être plus proche du métal parce qu'il y a des sortes de reflets un peu métalliques dessus, mais pas vraiment ça non plus. Est-ce que ça nous fait penser à la créature qu'on avait vue loin? Totalement. Ouais. Penser à la patte d'une de cette sale bestiole. Les trois assaillants reculent un petit peu, sans doute surpris, et Eric se retourne et regarde et il fait de nouveau oh merde. Est-ce que vous avez une réaction? Tes jambes qui commencent, t'as des fourmis, donc tu seras un petit peu handicapé, mais tu peux te déplacer de nouveau. Tu peux descendre de son épaule. Ah, c'est vrai. Allez, poum, je la pose. Ah bah tu marches. Allez, ouais, c'est bon, on va partir maintenant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut essayer de s'éloigner discrètement. Oui. Ouais. Discrètement, d'accord. Pas autant que possible. Bah faites-moi un jet de... Et si on essaye de s'accrocher à la papatte? Oula. Peut-être tu veux t'accrocher à un monstre. Il va me défoncer. Hein. Chelou. Je sais pas, peut-être qu'on peut aller au-dessus. Tu veux essayer d'escalader la papatte? Ouais. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Moi je fais pas ça. Non, moi non plus. Tu nous diras ce que ça vaut. Écoute, j'ai un appareil photo. Je prendrai des photos de moi. Voilà, excellent. 16. Ok, donc t'as un malus parce que tu es encore handicapé un petit peu par le... par la paralysie. Vous voyez Nono et Evie, vous voyez Nono de prise d'une accès de témérité folle, s'approcher comme ça de la patte, il a grimpé dessus. Même les assaillants avec leur flingue sont un petit peu décontenancés, ils font mais qu'est-ce que vous faites avec leur vocodeur, ouais. Mais qu'est-ce que vous faites, revenez par ici, c'est dangereux. Toi tu commences à essayer de t'agripper, mais en fait ça glisse. Alors c'est fait avec la surface est hyper glissante. C'est pas du tout en plus il fait hyper froid, vous êtes dans la neige, il y a un vent glacé. Heureusement vous avez vos armures manteaux que vous aviez récupérées dans le labyrinthe qui vous protègent du froid, mais du coup ça ankylose un petit peu tes doigts et clairement t'arrives pas du tout à l'escalader. Mince. 1er novembre, c'est l'apocalypse. En revanche, ce que tu vois très nettement, c'est la gueule de la créature qui se penche vers toi, un petit peu intriguée parce que tu es en train d'essayer de faire. Alors, elle est un peu dégueulasse. Hein. C'est une gueule qui est farcie d'une bonne dizaine d'yeux rouges, de grosses mandibules, qui laissent place à une bouche garnie de dents acérées, derrière lesquelles une langue de flamme brûle doucement. Donc, elle te regarde. Elle regarde Eric et elle s'approche de lui. Tu vois la langue qui commence à serpenter un petit peu. Est-ce que quelqu'un... Alors toi, tu as déjà... Nono, tu as déjà donné ta réaction. Je voudrais la réaction de Nono et de Evie, s'il vous plaît. C'est compliqué. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas qui... Eric, je pense pas qu'il ait de grandes chances de survie, à moins que ce soit sa copine. Peut-être qu'elle va la regarder, elle va lui lécher la joue, ils vont être potes, tu vois. Voilà, une langue en flamme. Hein. Je sais pas trop ce qu'on peut faire, là. On se rapproche des gens chelous avec les pistolets... Mais ça se met du côté de la police. Moi, je me mets du côté des gens qui peuvent me sauver la vie. Comment vous changez de Moi, temps. J'utilise les gens. Au bout d'un moment, faut survivre. Hein. Ok. Eric tire un coup de limace laser dans la gueule de la créature qui pousse un rugissement terrible et se met à courir droit vers vous, c'est-à-dire vers la police. Nolou, ta réaction. Donc tu as Eric qui s'éloigne de toi encore vers la police et la créature qui s'est pris un coup de laser qui s'égroue comme ça et qui... Ah, c'est Eric qui vient vers la police, du coup c'était la créature qui venait, j'étais genre... Non. Oui, moi aussi. Eric vient vers la police parce qu'il vient... Eric vient de tirer sur la créature. Donc du coup... Il fait volte-face et court vers la police pour échapper à la créature. Donc okay. Il laisse Nolou toute seule face à la créature qui vient de se prendre un coup de laser et qui de laser limace pardon et qui a l'air encore en bonne santé. Je vais à l'opposé de la créature, je pense. Okay, pas côté flic, mais côté l'inverse. Ah, dans l'autre sens. Donc ouais. Il faut que tu passes entre ses pattes, par contre. Ah. Ok. Fais-moi un jet de dextérité. Moi, je pense que dans l'urgence, c'est un peu le genre de truc que je fais. 16 encore. Ok. Il y a ses pattes qui essaient de t'écraser, mais hop, hop, t'arrives à esquiver. Tu fais une roulade en glissant parce que t'es quand même toujours un petit peu paralysé. C'est et t'arrives quand même de l'autre côté de l'araignée. Ok. Elle se dirige vers vous. Nono. Evie, une réaction. On peut reprendre l'escalier en disant. T'as la meuf qui va se barrer éternellement, tu sais. T'as les. Que fait la police ? Alors, ceux que vous pensez être la police se mettent à tirer de leur laser sur la créature qui n'a rien à péter. Ah, moi je redescends l'escalier. Hein ? Moi je peux me mettre un peu dans l'escalier pour voir ce qui se passe, mais pas. Ouais, tu peux reculer discretos. Non, non. Je vais pas téméraire. Hein. Est-ce que je peux essayer de l'attaquer avec une hache ? Tu peux. Mais je vais essayer de l'attaquer au moins à la patte. Tu vas me faire un jet d'attaque, donc tu jettes ton D20, tu ajoutes ta force et c'est tout. 13. En tout ? Ouais. Ok, tu te jettes sur la patte avec un cri de guerre et ta hache se brise contre la patte. Quoi ? C'est un coup d'âge, tu peux la virer. Mais non ! Oh ! Putain, ma hache. Mais déjà, quand t'as commencé à dire ça, il avait un petit sourire narquois. Petit con. Je suis contente de me barrer, moi, en fait. Eric, qui a reculé derrière ce que vous interprétez comme la police, arme de nouveau sa limace, pose la limace sur le dos de la tête d'un des assaillants et tire. Et le crâne explose, une gerbe de sang s'effondre au sol et vient rougir la neige. Oh. Il y a les deux autres qui se retournent et qui font « Quoi ? Non ! » Evie, une réaction ? Nicolas. Absolument pas professionnel, moi je lui tire dessus si j'étais là, les gens qu'on pense la police. Non, mais je veux dire, si j'étais eux, genre, je veux dire, il y a quelqu'un qui vient de tuer mon pote, je fais. Ah, tu me dis vous direz. Non, moi je dégaine, je le Nous on s'écarte en fait, là c'est le moment où faut qu'on. Oui, nous on redescend, hein. On est ouais. D'accord. Ouais, redescend. Nounou, oui, toi t'es loin, toi t'es loin maintenant, oui. Toi t'es en train de te barrer, mais totalement à l'opposé de nous. Non, après ils ont l'air occupés, non. Ouais, mais t'as la réunion, enfin l'espèce de monstre entre toi et les autres. Ouais. Ah, putain. Parce que nous, on est en train de redescendre. On se planque. Ouais, je vois ça. Alors, ceci dit, ouais. Tu vois une espèce de grande queue qui se balance comme ça dans le dos de l'araignée. J'essaye de l'attraper et de monter. C'est bon, j'ai de dextérité. Putain, décidément. Elle va se mettre dessus, tu sais, elle va prendre une corde et oui. Moi, industrier. Ouais. Moi, je veux la diriger. 14. Tu l'attrapes au vol et tu es emporté. Comme ça, t'es balancé. Fais-moi un jet de force pour voir si t'arrives à tenir le coup. 18. Hey. Bravo. Oh, donc, tu cries, mais tu t'accroches et tu grimpes, tu remontes l'espèce de queue comme ça. T'arrives au sommet. Alors, vu de haut, le monstre ressemble pas du tout à une araignée. Ce serait plus un genre de monture type cheval géant, mais dont les pattes, qui sont en nombre de 8, sont effectivement pointues vers le sol. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ça pique. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça a une forme de corps qui ressemble à un cheval, mais ça a 8 pattes d'araignée. Okay. Vous voyez à peu près là. Il est hyper chelou. Et donc il a une tête, vraiment comme une tête de cheval, mais. Il y a des harnais, il y a quelque chose Non, il n'y a pas d'harnais, donc là t'es sur son corps qui est fait d'une matière, ouais, son dos qui est fait de cette matière mi-métallique, mi-organique. Et il y a sa tête qui est au bout, qui ressemble à peu près à une tête de cheval, bien que. Enfin, non, pas une tête de cheval, je dis n'importe quoi, il y a cette dizaine d'yeux et ses grosses mandibules. Il n'y a pas de crinière. Alors je te laisse réfléchir à ce que tu vas faire. Non, tu viens de briser ta hache sur la patte du monstre. Tu es vraiment face au monstre. Il va tenter de t'attaquer. Oh. Ouais. Donc toi, tu le vois en train de mettre la tête en arrière pour préparer une attaque. Et il va l'abaisser d'un coup brutal. Tiens-toi bien. Oui, c'est clair. T'as combien de points de vie ? Sans déconner ! 8. Ok. je vais te demander de me jeter un dé pour savoir, pour te laisser un peu une chance ultime. Si tu fais pair, je pars du principe que tu as réussi à esquiver le gros d'attaque. Si tu fais impair, c'est mal foutu. Oh non ! Tu joues ta vie. Avec un D6 ou un D20 ? Parce que un D20. Un D20 ? Oh là, tu joues ta vie. C'est pareil, en faire impair, il y a une chance. Oui, t'as une chance en deux. Ouais. Vas-y. Je croise les doigts pour toi, mais je suis pas sûre que je vais pouvoir t'aider. C'est hyper flippant. J'ai fait 1. Non seulement c'est hyper, mais en plus c'est un truc. Bon, salut les gars, c'était sympa de jouer avec vous. L'échec critique du parage de dégâts, c'est quoi ? La créature arrive à te choper avec ses mandibules des deux côtés. Mais non, de ta taille. Non, ne fera plus partie du podcast. Ouais, c'est ça. C'est fini, vous ne la reverrez plus et vous ne saurez pas pourquoi. Oh putain. Tu perds 4 points de vie. Oh, ça va. Pour l'instant. Elle te soulève et te secoue comme ça. Donc du coup, tu es dans les airs accroché à ses mandibules, secouée en train de hurler ta douleur. J'ai même pas d'arme avec laquelle je peux t'aider. Ça va être aux assaillants de réagir. Donc ils sont bloqués par le fait qu'ils ont un des leurs qui est mort. Il y en a un qui va pointer son flingue en direction de Eric Lachaise et l'autre qui continue de tirer sur la bestiole. Nono ? Donc sur Nono. Tu vas me rejeter un dé. Et tu vas me donner le résultat. 14. Ok. Ça va mieux. Donc, c'est moins pire. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu pouvais pas tomber plus bas. Hein. C'est clair. La personne tire avec son flingue, la créature agit de la tête, et heureusement, aucun des tirs ne t'atteint. Ça aurait été encore pire. Face à toi, Evie, il y a Eric Lachaise qui a sa limace pointée sur l'assaillant. L'assaillant qui a son pistolet lumineux pointé sur Eric et il se regarde type western. Est-ce que tu souhaites faire intervenir d'une façon ou d'une autre ? Alors moi, théoriquement, je suis derrière parce que j'étais descendu. Tu vois une goutte de sueur qui tombe sur le front d'Eric et tu entends le souffle à travers le vocodeur. On sent le stress. Voilà. Je vais faire un truc, je sais pas. J'ai une matraque. Oui. Est-ce que je peux mettre un coup derrière la tête de Eric pour récupérer la limace ? D'accord, très bien. Fais-moi un D4. Tu n'as pas besoin de faire un jet d'attaque, il n'est pas du tout concentré sur toi. Est-ce que tu souhaites utiliser. C'est une matraque électrique ? Je sais plus. J'avoue que j'ai noté matraque. Je crois qu'il y avait c'est pas un truc comme ça ? On l'avait pas. Moi, j'ai une matraque qui nous électrique. Ont tué. Ouais, un D4. Ouais, je crois que c'est ça. Jette-moi un D4 du coup. On y croit pas. Ok, tu plantes la matraque électrique dans les côtes de. Sur la tête, tu voulais ? Moi, je voulais lui cogner derrière la nuque pour qu'il tombe dans les pommes. Tu le cognes derrière la nuque, mais c'est surtout le coup électrique qui va totalement le stun en fait. Donc, il est hyper surpris. Il fait ça, du coup, surpris et avec les convulsions, il tire avec sa limace. Heureusement, ça rate en grande partie l'assaillant. Ça lui aura juste un bout d'épaule. Ah. Du coup, l'assaillant tire de son côté. Ah non, il a tué Eric. Mais il a été blessé, donc son tir lui aussi est un petit peu détourné. Et son tir va passer au-dessus de la tête d'Eric. J'ai cru qu'il allait toucher moi. Ça va juste lui cramer quelque chose qui s'enflamme un petit peu. Et Eric tombe au sol. Ah, le flip, j'ai cru que ça allait me toucher moi du coup. Ça aurait été chaud. Tu es sur le sommet de ce monstre. Ouais. Je sais pas quoi faire. Est-ce que... Il y a Nono qui est... Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je vois je sais pas, une porte Ah non, non, non, c'est tu vois juste le corps de la bestiole et au bout la tête avec tous ses yeux. Il n'y a pas un bouton, je vois rien. Non, ça ressemble pas à une machine. Enfin, c'est pas une machine, en fait. C'est une matière que tu ne connais pas, mais comme une sorte de carapace qui est faite d'une matière que tu connais pas, mais ça a bien l'air d'être une créature vivante. Est-ce qu'il y a quelque chose que je vois ou que je peux choper, tu vois, ben, on parlait de la crinière, ou... Bon, il n'y a pas de crinière, mais... C'est une surface assez stable, tu peux courir dessus... Ouais, mais est-ce que je vois quelque chose qui pourrait la maintenir? Non. Ok, ben... Je prends... Voilà, ça m'embête. Est-ce que je peux essayer, tu sais, genre, de la calmer, genre, tu vois, je suis dessus, et comme les chevaux, tu sais, tu tapes un peu, genre, pour la féliciter. Tu peux essayer. Ouais, ok, t'as pas l'air convaincu, donc, je vais prendre le poignard, et puis je vais la... Non, mais tu peux essayer de la calmer, si t'en jamais, peut-être t'auras un monstre géant. Tu fais un vin. Ah ouais, moi, je veux le garder. Ok, donc, décris-moi ton action. Pokémon. plus précisément ton action. Et ben, je me mets presque au niveau de sa tête, tu vois. D'accord, au niveau des 10 yeux là, d'accord. Ouais, et puis je la caresse. Ok, d'accord. Fais-moi, j'ai un D20. De quoi? De charisme? Tu peux ajouter ta sagesse. Ma sagesse? Le truc qu'on n'a jamais augmenté. Jamais augmenté. J'ai une l'intelligence. Ajoute l'intelligence, tiens. Ok. Ouais, c'est dommage. 4, 5, 6, 7. Ça marche pas du tout, elle s'ébroue. Tu vas me faire un jet de dextérité. Bah oui. 9. Ok. Sachant qu'elle me fait aussi un jet de dextérité, s'il te plaît. Ok. Vous avez eu de la chance au début. Elle s'ébroue et elle claque des mandibules. Donc du coup, faisant ça, forcément, elle te lâche. Et donc vous tombez toutes les deux du sommet de cette créature. Vous allez prendre des dégâts de chute. 2 points pour Nelou et 2 pour Nono. Attends, j'ai 2 points de vie. Vous tombez au sol, juste au pied des assaillants. Assaillants qui... Donc l'une qui pointe flingue sur Eric qui est au sol, et l'autre qui continue de tirer sur cette créature, ce qui ne fait rien d'autre que de l'énerver. Evie, une action. Moi je ramasse la limace laser là. Ok, tu ramasses la limace laser et qu'est-ce que tu en fais? Il faut marquer limace laser dans ton... Faut bien que je récupère ce qui a failli m'achever. Elles se relèvent doucement juste devant toi. Bah, je la charge, je tire pas encore, mais je la charge. Et tu vises quoi? La créature pour le moment. La créature, ok. Je vais sauver mes amis quand même. Tire en arrière et... Je suis à la rescousse, les gars. Ok. C'est au moment où la créature se rapproche de vous et ça, vous voyez sa gueule qui est rougie et sa langue de feu qui semble s'enflammer de plus en plus sous les tirs nourris de vos assaillants, que d'un coup le monde semble perdre consistance. Eric se met, malgré son côté un peu fatigué, se met à crier « Non, pas encore !» Les deux personnes avec leurs flingues essaye d'accrocher Eric, mais pile au moment il y a une espèce de langue de flamme qui surgit et qui vous sépare un peu tous. Tout le monde se met à crier, c'est la panique. Vous vous rappelez de cette sensation, ce monde qui perd consistance? C'est la première fois que vous êtes passé à travers une dimension, et effectivement d'un coup tout devient noir, et puis vous vous retrouvez dans la salle du Nanorimo, seul avec Eric qui est toujours allongé au sol. Et vos assaillants ont disparu. Et on va s'arrêter là pour cette session. On continuera donc le mois prochain. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Merci. Merci. Ciao.